Et après Michael, c'est Michael. Michael. Bonsoir Michael. Bonsoir. Attendez, vous êtes sur le bouton là. Attends, d'habitude, vous arrivez toujours. J'étais un peu rapide là. Bah oui, c'est ça. Alors un peu on précoce. Vous donne rendez-vous dès demain. Voilà, un peu précoce, le doc peut-être t'aider à ce niveau-là. On a tous essayé déjà. Ah merde. Sans succès. Bah, tu peux mettre des Rex Performa peut-être. Avec la base au caïn, je sais pas. Ça marche bien ça, doc? Oui, ça peut marcher, mais Soka est un peu désespéré, c'est pas grave. Ah merde. Oui, mais j'ai déjà essayé avec la base au caïn, c'est génial. Ouais. Tu tiens toute la nuit, c'est une tuerie. Attends, c'est quoi ça? Je connais pas. C'est les Durex Performa. Il y a une espèce de la base au caïn dans la capote et du coup ça t'en met sur le gland et donc ça endort entre guillemets le gland. Ah, le fameux Durex Performa. Voilà. Et tu pars pas? Non. Et ah bah non, là tu tiens bien là. Ouh là là. Tu bourres. Mais les mecs ils s'y connaissent, hein. C'est vraiment efficace, les gars. Ouais. Et pour bourrer, il faut être un bourrin. Voilà, exactement. Tout à fait. Merci Doc. J'achète, c'est des préservatifs retardants. Et oui, c'est ça, exactement. Alors on n'a pas confondre avec une autre marque qui elle ne. Enfin, c'est juste plus épais, mais il n'y a pas de basocaïne dedans. Ouais. Mais t'en as ou pas? Bah non, qu'est-ce que je foutais avec ça? Je sais pas moi. Je suis avec ma meuf depuis 1000 ans, qu'est-ce que je foutais avec ça? Ouais, c'est ça d'autres. Allez. Oui. Hein, on va enchaîner du coup, sinon tu vas te sentir mal à l'aise. Oh mais au cas où, je n'ai rien à cacher et je ne l'ai jamais trompé, figure-toi. Bravo, ni elle ni l'autre. La vérité. Ah, c'est pourtant totalement vrai. Et l'Apollo ne parle plus. Mais non, mais il ne dit rien. Mais non, mais écoutez-moi ce qu'il veut. Hein. Non, mais j'ai rien dit. Ouais. Il est le premier à me dire, mais vas-y, j'en ai rien. Bah oui, c'est vrai en plus. Moi, je le pousse à bourrer toutes les femmes du monde, mais il veut pas. T'es un mec bien, Michael. Bravo, Michael. Moi-même, je devrais me casser une jambe. Tu es mon modèle. Très bien. Bisous tout le monde, à demain. Allez, on va pas vous déranger plus longtemps. On sait que vous avez beaucoup de travail. Oui, Paris a gagné ce soir. Voilà. Allez, Paris. Allez, Paris est magique. C'est parti. Bon, bah, bonne soirée à vous. Retour de VinFun demain. Et puis, on est parti jusqu'à 2h. Salut. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et que oui, on est là tous les soirs. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et ça y est, nous avons enfin choisi notre destination pour Grenoble. C'est chez Mathieu qu'on va aller faire l'émission. On l'a tiré au sort hier soir juste avant minuit. Et donc ça y est, on sera donc à Grenoble, plus précisément à deux rues du centre commercial de Bonne. Voilà, on t'entend très bien, Tof, puisque voilà, la caserne de Bonne, c'est le centre commercial. Donc on va faire un petit jeu. Dimanche vers 16h à peu près, hein, on vous tiendra au jus pour l'horaire exact. Et on aura une GoPro à vous offrir. Ah, ça va. Et on l'offre directement, on l'a. Celui qui gagne repart direct avec, on lui donnera directement dimanche soir. C'est ouf, ça, c'est beau. Ça va être plutôt pas mal et vous allez pouvoir venir aussi assister à l'émission dimanche soir pour tous ceux qui sont sur Grenoble chez Mathieu, bien entendu. On a vu les photos de l'appart, on s'est mis bien. Hein. Non, on s'est mis bien. Ah, on a eu beaucoup de chance. Ouais. Non, on s'est bien installé là, c'est plutôt cool. Donc voilà, tous ceux qui sont sur Grenoble, n'hésitez pas, vous pourrez venir nous voir, bien entendu, dimanche soir. Et vous allez pouvoir comme ça crier à tout le monde qu'il se passe enfin quelque chose à la radio. C'est le soir de 23h à 2h, du lundi au jeudi et tous les dimanches de 20h. À minuit. On devait avoir Karim normalement, mais Sandro, qui évidemment au taquet, a complètement oublié de l'appeler. J'ai décroché le téléphone. Voilà, mais je regardais le match de Paris. Alors, désolé. Pardonné, si tu regardes Paris. Voilà, j'étais complètement dans la merde. Enfin, bon, c'est pas grave. Bon, Sandro, comme vous avez pu le voir, a pris le soleil un petit peu trop longuement. Toff qui est prêt également pour se faire insulter, probablement. Ferme ta gueule. Voilà. Je te mets de la cible dans ton cul, moi. Ah, quelle sympathie. Ah bah toujours, hein, cette grande sympathie. Un enculé. Voilà, mais merci. Je pense que là, effectivement, pour le coup, ça résume très très bien l'état d'esprit de Toff. On appellera d'autres personnes tout à l'heure, bien entendu, afin de leur poser d'autres questions. J'ai d'ailleurs une très bonne question pour ce soir. Ah. Et puis Polo qui commence à stresser pour sa première descente de snowboard. Hein. Ouais, je stresse grave. Et c'est à Orcières que ça se passera vendredi et samedi. Si vous voulez venir faire du snow et du ski avec nous, vous êtes les bienvenus. Bon, venez avec votre matos aussi, hein. Parce que bon là forcément on peut pas non plus vous prêter nos mains bien entendu. Mais je serai là avec ma nouvelle planche. Oh là là, tel un snowboarder que je suis. Une star. Talentueux avec mon nouveau pantalon, vous n'allez pas me rater hein. J'ai vu le pantalon. C'est-à-dire que du haut des pistes on verra Mickaël. Il a sorti à ma planche. Ah oui, quand même, Si vous voulez je le mettrai tout à l'heure, on fera une photo comme ça vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez de ma tenue de snowboarder. On dit que de la lune on voit la Belgique parce que c'est tellement éclairé, mais là, on verra Mickaël des pistes. Ouais, non franchement, super beau pantalon, t'es sérieux non? Ah oui, c'est il déchire. Ah bah ça c'est il y a une avalanche, on pourrait toujours te retrouver. Ah bah la folie totale. Je ferai une photo, je vous la mettrai, puis vous me direz ce que vous en pensez de mon beau pantalon, de mon nouveau pantalon de snowboard. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, bien entendu. C'est vendredi et samedi à Orcières 1850, Orcières Merlette pour être précis. Il va y avoir plein soleil tout le week-end, ça va être la folie totale. On va dévaler les pistes, polo. Alors j'ai essayé de demander une meuf hein, pour le SF, hein, l'école de ski français. Ah je pensais, je confonds tout avec le SM. C'est non, le SF, l'école de ski français. Le et donc SM, ça c'est moi, mais ça a rien à voir, polo. J'ai demandé une fille, bon, c'est pas sûr, mais j'espère qu'on aura une prof féminine pour polo. Ah, voilà, qui comme je ça. Je vais surfer avec elle. Ouais, comme ça, quitte à ne pas surfer, bon bah. Autant, ouais. Au moins, il essaiera peut-être autre chose, allez savoir. Je vais essayer, ouais. Bon, et si vous avez envie d'écouter un morceau en particulier, bah vous demandez, hein, hashtag Mickaël, n'hésitez pas, bien entendu. Hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. On le fait jamais entre nous, tiens, vous voulez écouter un truc en particulier ce soir ou pas? Ah, bah écoute, moi, il y a le nouveau Daft Punk que j'aime beaucoup. Nouveau Daft Punk, c'est le quoi, Instant Crush? Ouais, enfin, l'Instant Crush, ouais. Ouais, parce que j'ai entendu aussi sur internet il y avait un nouveau avec Jay-Z, enfin un nouveau. Ouais, il y en a avec Jay-Z, mais alors il y en a qui disent qu'il est sorti il y a 4 ans, d'autres qui disent que c'est le nouveau, donc enfin bon, c'est pas très bien, mais il est pas mal. Hein. Mais il est pas mal. On le mettra peut-être ce soir, tiens, si vous voulez entendre, vous n'hésitez pas à vous demander. Polo. Ah bah toi je sais, c'est celui-là. Il y a l'autre aussi là, on l'a passé. Bah, genre hier. Les heures. Lequel? Il y avait un truc un peu. Ah celui qui chillait un peu là. Ouais. Genre celui-là. Ouais. Celui qui funkait ou celui-là? Celui qui chillait. Le chill. Ouais. Le chill. Bon, on se le remettra peut-être tout à l'heure. Tiens, Route 94 avec My Love. Et puis je vous cale également le son de Team BS. Ah, vous l'aimez bien le son de Team BS, ça. On va vous le mettre tout à l'heure. Donc avec plaisir, avec la fouine. Quand tout va mal, on sait sur qui compter. Voilà. Et puis si vous voulez passer en direct avec nous, bah, vous êtes évidemment les bienvenus. 23h06 sur Fun Radio. On va accueillir Dylan avec nous maintenant de Nantes. Là. Salut Dylan. Salut. T'aimes bien la Team BS, toi? Ouais. Ouais. T'as envie d'écouter un son particulier ou pas, toi, ce soir? Bah oui. Ouais, bah quoi, dis-moi. Pour la colle. Non, j'ai compris que tu voulais passer la colle, mais je te demande si tu voulais écouter un son en particulier. Flûte. Oh putain, flûte. Ah, j'avais oublié que ça existait, ce truc-là. Alors attends, c'est New World Sound. Où est-ce qu'il est celui-là? Attends, il faut que je le retrouve, New World Sound. Bah il doit pas être. Ah bah voilà, il est là. Celui-là? Ouais. Parfait, bah je te le mettrai tout à l'heure aussi, toi va noter sinon je vais oublier. New World Sound avant 2h du mat avec The Flute. Il y a le proxy de Martin Garrix aussi, voilà c'est ça. Ah il est lourd aussi celui-là en termes très de bruit lourd. Là, il est très très lourd. Ah, parce que Polo il adore, hein, le week-end il va faire la teuf là-dessus. Hey. Ah grave. C'est un clubber. Ah il a fallu le voir à Wavre ce week-end au Caliente là. Oh là là, il dansait mais il le tenir. Ah bah il était au mode total ouf. Ah ouais, grave. Très très fucking ouf. Ouais. Un truc de dingue effectivement. Bon bah on mettra tout ça ce soir au programme, c'est ce qui est prévu sur Fun Radio. Et puis il y a Dylan avec nous également de Nantes pour la colle. Salut Dylan. Salut. Bon alors fais péter la colle pour gagner l'iPad mini ce soir. Ok. Avec ou sans masque, le jeune est ambitieux, mais la mer le rendra vieux. Qui suis-je? Très bien, alors attention, alors on y va, je répète, avec ou sans masque, le jeune est ambitieux, mais la mère le rendra vieux. Qui suis-je, c'est ça? Ouais. Très bien, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L-officiel. Je vous mets la colle dans moins de 2 minutes. Il y a Siegfried aussi qui dit on écouterait bien Levels d'Avicii. Ah ouais, ça fait longtemps, tiens. Il y a Vive les Sodomites sur le Twitter, j'ai hâte de voir ton snow. Ah bah je vais le mettre dans un instant, tiens, on va aller le chercher dans le bureau. Et la friterie Alba qui dit salut Mickaël et à l'équipe. Et ouais, je suis encore là pour vous emmerder à envoyer mes messages. Mais tu nous emmerdes pas, friterie là-bas, là, loin de là même. Bon, et si vous avez envie de parler d'un truc en particulier ce soir, vous êtes les bienvenus, bah appelez-nous donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Tiens, est-ce que vous bouffez les ongles ou pas, vous? Ah non. Ah, jamais. Moi des fois, quand tu sais, il y a un bout de peau là. Ouais. Je sais pas comment. Les cuticules. Ouais. The famous cuticle. Non, cuticules, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'ongle. L'espèce de peau qui pousse un peu là. C'est pas les morceaux d'ongle. C'est les peaux quoi, sur les côtés. Non, oui, la peau, c'est de ça, moi je te parle. Mais tu parles de ce qui recouvre le petit. Le truc blanc là, tout ce qui est autour de l'ongle. Exactement. D'accord, ok, ouais, ça c'est. Et en fait, c'est ça que des fois, quand ça dépasse, ça me gêne. Et soit je le gratte avec mon ongle, soit je le bouffe. Moi j'ai une sale manie, je sais pas si vous avez ça aussi, t'as un tout petit bout qui vient se mettre juste entre l'ongle et la peau de la peau du doigt. Et donc j'ai la mauvaise habitude, moi je le tire. C'est pas bon. Ah bah non, ça arrache. Ouais, c'est ça, ça arrache. Et donc du coup, je me fais des infections entre l'ongle et et la peau. Et donc parfois, j'ai des grosses boules de pus qui viennent se mettre là. Oh, quelle horreur. Je suis obligé de percer, sinon ça m'éclate le doigt. Et en gros, tu te bouffes les ongles ou pas toi? Non. Je l'ai mordi beaucoup, mais je les mange pas. D'accord. Non, mais je posais la question en fait, parce que déjà faut faire gaffe. Si vous rongez les ongles, par exemple, bah ça, vous pouvez mourir. Hein. Ah bon? Ah ouais, là, j'ai cassé l'ambiance là. Ah bah non, oui. C'est pas une connerie, c'est arrivé à un Anglais qui, à force de se ronger les ongles, il a chopé une maladie qui a provoqué une crise cardiaque foudroyante. Il est mort à 40 balais. Oh putain, truc de ouf. Ah bah bienvenue, hein, on va se marrer ce soir, hein. J'annonce là directement là. Non, mais tout le monde va flipper certainement, mais cela dit, effectivement, faites pas les cons. Mais venez nous en parler, si vous avez des manies cheloues par exemple, là, genre ronger les ongles, manger les cheveux, vous curez le nez comme Toff qui le fait très souvent d'ailleurs. Hein. Ouais, mais ça, par contre, ouais, ça aussi, ça fait partie de mes trucs, c'est que je supporte pas en fait de Mais prends un mouchoir. Oui, mais on s'en fout. Je supporte pas d'avoir des cadres dans le nez, alors il les enlève. Non, oui, il les décroche. C'est pire que ça, c'est-à-dire que je supporte pas parce que comme ça devient dur, en fait, ça, j'ai du mal à respirer. Oh là là. Et donc, du coup, je les enlève. Et alors après, il les roule et chac, les dégage. C'est ça. Ou alors, je les colle sous le bureau, genre ici, là, à ma place, mais il doit y en avoir. Il y a une colonie sous le bureau. Quelle horreur. Il y a Francis également avec nous là. Salut Francis. Francis. Oui. Ça oui, va, Francis. Oui, bonsoir, j'habite à Carcassonne. Eh ben, bienvenue, Francis de Carcassonne. Dis-moi, est-ce que t'as des salmanies, toi, genre te ronger les ongles, manger tes cheveux, curer le nez, etc. Non, j'en ai pas trop, non. Oh, l'homme parfait, on a l'homme parfait avec nous, dis donc, c'est bon ça, très bien. Bon, de quoi on va parler avec toi, Francis, dis-moi. Voilà, en fait, je sors avec une fille et je l'ai piqué à un mec, et en fait, ils veulent me choper, quoi. Ça forcément, c'est ce qui va arriver. Hein. Bon, reste avec nous, on va reparler avec toi dans quelques minutes, Francis. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec des mecs ou des meufs qui étaient déjà prises? Et surtout, est-ce que le conjoint de la meuf que vous avez piqué, ou le mec, enfin bref, on s'est compris, a voulu vous casser la gueule? Et surtout, est arrivé à ses fins? Ou au contraire, vous avez peut-être déjà été victime et vous avez cassé la gueule? Bah, appelez-nous maintenant, et puis on en parle sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, et aussi, je viens de vous mettre le post également avec la colle et un autre post aussi pour réagir par rapport aux manies que vous avez. Est-ce que vous avez des sales manies? Bah, réagissez maintenant. facebook.com/mikaelofficiel ou alors le Twitter, hein, twitter.com, tapez mikael_, c'est le petit tir en bas. Officiel, vous me suivez, je vous suivrai également. On est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Et on écoute le son de Pharrell Williams, comme promis, c'est Happy sur Fun. It might seem crazy what I'm about to say. Allez, 23h15 sur Fun Radio, appelez-nous si vous voulez participer, 01 42 48 5000 et vous envoyez Mikael au 64 900 pour taper la discute, donc vous soyez en France. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mikael, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio. Et donc, le son à suivre aussi, la Team BS qui va débarquer. Ouais. Sur le côté, quelques ennemis refoulés. Je vous cadrerai aussi le son d'Afrojack. Voilà, Project avec 10 feet tall, pardon, je vais y arriver. Et puis pareil, hein, si vous écoutez les sons en particulier ce soir, bah, comme d'habitude, vous demandez, hashtag et Mickaël. Sur le Twitter, il y a Maël qui dit, je connais quelqu'un qui se ronge les doigts de pied. Quelle horreur, comment on peut faire ça? C'est horrible. Dégueulasse. Je vous dis ça parce qu'on en a parlé pour ceux qui viennent de débarquer. C'est un mec de 40 ans qui a fait une crise cardiaque foudroyante parce qu'il se rongeait les ongles. Voilà. C'est improbable, mais c'est vrai que ça peut arriver, effectivement. C'est une maladie qui est provoquée justement par ça. Et donc ça a provoqué cette crise cardiaque. Donc je voulais savoir si vous avez des sales manies, genre ronger les ongles, manger les cheveux, curer le nez comme Toff, par exemple. C'est quoi toi donc? Se gratter les couilles. Ouais. Polo, c'est quoi les manies toi? Moi, c'est juste les petits pots là autour des ongles que je tire. Ouais, moi, j'ai tendance à me bouffer les lèvres. Pas à bouffer, mais tu sais, quand il y a une petite peau. Hein. Du coup, je suis comme ça. Ouais, ça moi aussi. Je suis obligé de mettre du labello tout le temps. Ouais, pareil, ouais. Je me gratte le cul aussi des fois, mais ça n'a rien à voir. Il y a le Doc Coco. Tu peux me féliciter, Mika, je suis premier dans le classement du badminton, trop fort. Bah, c'est bien, au moment où il fait un sport, pas comme toi, Polo, hein, qui va s'essayer au snow là. Ouais. Il y a Nico qui dit, je me ronge les ongles jusqu'à ce que ça saigne. Putain, je faisais ça avant aussi. Oh. Et puis je me suis dit qu'à un moment il fallait arrêter parce que c'est super moche. C'est un truc qui peut me rebuter chez une fille, c'est si je vois qu'elle a les ongles rongés. Je trouve ça d'une laideur. Déjà, chez un mec, c'est moche, mais chez une fille, je trouve ça encore plus moche. Y a rien de pire que ça. C'est dégueulasse, t'as des espèces de moignons comme ça au niveau des doigts. Hein, je sais pas, moi, je trouve ça super moche. Mais voilà, après, c'est. Et donc, du coup, j'ai décidé un jour d'arrêter. Donc, c'était pas facile au début, c'est vrai. Et du coup, ceux que je ronge encore, c'est les petits doigts. Je sais pas pourquoi, ceux-là ils ont pas de chance. Les autres ça va, j'arrive à les tenir, mais celui-là parfois il prend cher. Mais t'as mis des patchs, Mickaël, pour arrêter de te ronger les ongles? Non, pas du tout, pas la peine. Théo également qui dit on peut passer la musique qui passe sur Fun Radio avec Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes? Oui, c'est. Comment il s'appelle? Tu sais, il y a le début de la musique de Pirates des Caraïbes dessus. Je me souviens plus du titre. Donne-moi le nom, Théo. Il y a Sandrouille aussi. Salut, cet après-midi, j'ai acheté un radio réveil pour vous écouter au lit. C'est cool, Sandrouille. Et Mougli également. Ouais, j'ai une manie. Je me sens les mains, puis je les lave. J'ai peur que mes mains puent. Rassurez-vous, c'est à cause de la branlette. Ah, c'est pas à cause de la branlette, pardon. Allez, un petit message de bienvenue là-bas, bien sûr. Allez, avec plaisir. Tu es un enculé. Voilà, ça va encore être une soirée de malade. Gros bisous à toute l'équipe, surtout à Mickaël. Merci à toi. Et Colin qui dit, oh mon Dieu, tu m'as fait flipper. Je mange tout le temps mes ongles quand je stresse. Bah, il faut arrêter, ça sert à rien. C'est pas ça qui va vous faire moins stresser. Hein. Ça, c'est une chose certaine. Ouais, mettez-vous à la clope. Bah, non, je crois pas non plus. Bon, retour avec Dylan dans quelques minutes pour la colle. Et puis, on a Francis également, là de Carcassonne, qui nous avait appelé tout simplement parce qu'il a piqué la meuf d'un pote, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà, du coup, le mec, il veut te casser la gueule à juste titre. Ouais. Ils sont plusieurs. Ah oui, enfin oui, parce que lui, il est venu avec ses potes, quoi. Non, il la faisait tourner, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, ils sont tous jaloux, quoi. Mais comment ça s'est passé? Bah, en fait, dans une soirée, et elle a commencé à me sauter dessus, et après, et lui, il m'a téléphoné après, plus tard, et voilà. Bah oui, mais elle t'a sauté dessus, tu savais qu'elle était prise? Comment? Ouais, je savais pas, non, je savais pas. Ah bah voilà, ça c'est un truc qui m'énerve chez les mecs, et même chez les filles. Oui. C'est-à-dire que, bon, imaginons, moi je suis avec une meuf, je la trompe. Bah pourquoi ma meuf devrait aller casser la gueule à l'autre meuf si elle ne le savait pas? Mais oui, tu peux pas le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Encore, tu sais que l'autre meuf, elle le savait. Tu peux dire, t'es vraiment une salope, t'as tout fait pour le chauffer, etc. Mmh. Tu peux lui casser la gueule. Mais range-toi avec ton mec ou avec ta meuf. L'autre, 9 fois sur 10, il est même pas au courant. Ou elle est pas au courant. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que les mecs s'obstinent à vouloir, et même les meufs, hein, à aller casser la gueule de l'autre. Et parfois même, pire, elles vont péter la gueule ou ils vont péter la gueule à l'autre, à la maîtresse ou à l'amant, mais pardonne au mec ou à la meuf. C'est ça qui est très fort. C'est ça qui est bon. Ah ouais. Mais c'est, tu sais, c'est comme les mecs qui font non mais tu sais chérie, j'ai confiance en toi, c'est les autres, j'ai pas confiance. Ouais, c'est ça, ouais, c'est du mytho ça, c'est du pipeau complètement. Il y a Marc qui est avec nous également, la Marc de Paris. Salut Marc. Salut la gueule. Oh, Marc, il va couper sa radio là, Marc. J'accoupe la gueule. Voilà, bah non, pas à chaque fois la preuve, je suis la allumée là. Bon, Marc donc qui est un spécialiste de l'adultère. Yep. Et, ouais, et il est fier. Ouais, ah bah, bien sûr qu'il est fier. Qui, je le rappelle, est passé avec nous la semaine dernière à la radio pour nous dire qu'un jour il est rentré du boulot et il est tombé sur sa meuf avec un autre mec dans le lit, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. T'as vu, on se souvient, Marc, hein? Attends, on n'entend rien, Marc. Prends ton téléphone en main, enlève le kit main libre. J'ai dit, ça fait plaisir, quoi. Vous vous souvenez, quoi. Bah, oui, mais tu nous as marqué, hein. Moi, je me souviens qu'il enquêtait à la Cluedo. Exactement. Et c'est un grand enquêteur, le Marc. Bon, du coup, comme tu sais, c'est totalement ton sujet, là, hein. On va parler de quoi? Tu vas nous expliquer quoi? Qu'est-ce que t'as comme conseil, Marc, à donner à Francis? Ah, j'ai pas entendu les conseils de Francis, quoi. J'avais simplement à dire que j'ai trouvé ma femme avec un autre garçon, quoi. Ouais, mais ça, tu nous l'avais dit. Mais lui, en fait, il sort avec la meuf d'un pote à lui. Du coup, le pote et des potes à son pote veulent lui casser la gueule. Ah, ça va picoter, quoi. Oui, ça, c'est sûr, ça va picoter, oui, ça, c'est clair. Ça bon. Picote. Ah, il est dans le caca, quoi, le gros. Mais dis donc, ça dépend, quoi. Marc, comme ça t'est arrivé, toi, parce que t'as grillé ta meuf avec un autre mec. J'ai grillé. Ouais, t'as grillé complètement. Mais est-ce que t'as voulu péter la gueule du mec ou juste de ta copine? Ou les deux? J'ai voulu péter la gueule des deux, attends, j'ai voulu péter la gueule des deux. Mais pourquoi? Mais parce que c'est pas normal, attends. Tu sors comme ça avec ta clandestine. Tu rentres dans le lit avec un autre homme, tu pètes la gueule direct. Bah oui, non mais d'accord. Mais non mais tu peux en vouloir à ta meuf, mais le mec, si ça se trouve, il savait même pas, elle lui a peut-être dit qu'il était célibataire. Ouais, mais enfin, une fois qu'il est dans la maison chez lui et qu'il voit les photos, à un moment, il sait que... Oui, attends, et en plus, il y a beaucoup de photos, attends, les photos au parc d'attractions, quoi. Avec Mickey. Au parc d'attractions. Avec Mickey, on est tous ensemble en famille avec Christelle et Mickey, t'es malade ou quoi? Ouais, bon, vu comme ça, effectivement, il n'y a pas d'autre solution, c'est clair. Bon, attends, il y a David également de Toulouse, là. Salut David. Salut Mickaël, comment ça va? Ça va et toi? Moi ça va, en train de bosser. Ah bon, tu fais quoi David? Je nettoie les bus. Oh putain, courage. Tous les enculés, tu sais, qui mettent leur chewing-gum par terre, etc, etc. Oh, c'est pas ça, c'est la petite bière qui coule. Ah ouais, bah pour tous les voyageurs de bus à Toulouse. Voilà, je vous en mets une parce que vous n'avez pas respecté le travail de David. Voilà. Le pire, c'est les bus de nuit qui rentrent avec les mecs qui ont gerbé dedans. Oh là là. Ça, c'est horrible. Ah, ça, c'est le vendredi et le samedi. Ouais, ah bah, ouais, c'est les pires, ceux-là. Heureusement, les mercredis, tout va bien, t'es sauvé. Pour l'instant, du moins. Mercredi. Oui, oui. Bon, bah, bon courage en tout cas, David. Tu travailles jusqu'à quelle heure, là? Jusqu'à 3h. Ah, bah, très bien. Bah, comme nous. Bah, nous, 2h. Bon courage, quoi. Bah, c'est bon, en même temps, t'as la radio dans le bus, là? Non, dans l'oreille. Ah, dans l'oreille. Bon, enfin, bon, tu travailles avec la radio, quoi. Voilà. Bon, bah très bien, bah, c'est un très bon plan ça, David. Il vaut mieux avoir la rate dans l'oreille dans le cul, quoi. Merci Marc. Non, bon. Mais il a raison, il a raison. Non, parfois, il vaut mieux rappeler ses détails simples. Il a pas tort dans l'idée. Bon, alors David, t'avais un conseil à donner à Francis par rapport à son histoire, là. Il va se faire casser la gueule, il a peur. Bon, faut pas avoir peur, c'est justement ça qu'ils veulent créer, en fait. Moi, j'en ai un qui veut me taper, mais je l'invite à venir, mais il veut pas venir. Pourquoi? Ben, j'en sais rien, justement. Il dit à ma femme, ouais, je vais venir, je vais le démonter, nanani, nanana. Ah, ben viens. Il veut pas. C'est marrant, ouais, ça. Mais, moi, mais pourquoi il veut te casser la gueule? Ben, parce qu'il est son ex. Ah, ah, oui, donc même histoire que Francis. Eh, Francis, t'es sûr qu'il va venir te casser la gueule ou tu crois qu'il se fout de toi, justement, et qu'il va pas, pas, il va pas venir? Non, non, ils sont sérieux, ils sont plusieurs, ouais. C'est... Ah, mais c'est pas un homme, le mec. Oh, déjà, si le mec, il vient à plusieurs, effectivement, c'est que c'est une petite bite, hein. Alors là. Bah oui, non mais il y a un moment tu vois, règle tes problèmes, règle des problèmes toi-même. Parce que c'est facile après de taper sur un mec, tu sais c'est comme dans les films parfois, c'est les mecs qui sont, enfin pas spécialement dans les films, le mec il est par terre, t'as le caïd qui chute dedans alors que t'as tous les autres qui sont là autour avec un flingue ou t'es prêt à le démonter, ouais, bah c'est facile. Mais s'il veut, s'il a peur tant que ça, il prend une clé anglaise et puis il vient à plusieurs, il monte la clé anglaise et il y vient. Ouais, et là, ouais. Le problème c'est que si jamais il perd la clé anglaise, parce qu'il y a un autre qui le prend, il va prendre cher. Hein. Je pense que le mec qui il aura le temps de lui mettre un coup, je pense qu'il va pas se relever le mec. Ouais ouais, pas faux, et après il porte plainte, c'est lui qui va en taule. Pas sûr que l'idée soit bonne. Bah pourquoi porter plainte s'ils sont plusieurs contre un? Ah oui, mais ouais, c'est vrai, mais après faut voir si le mec il porte plainte tout seul en disant ouais, j'étais tout seul machin, non, mais il m'a agressé avec une clé anglaise. Qui s'arrange avec un endroit avec des caméras où il y a ouais. Non police, mais même ou... mais même moi nous on connaissait un videur de boîte qui avait tapé un, en fait, ils étaient plusieurs contre lui, il a fracassé un mec avec une matraque télescopique et ben c'est lui qui a pris. Ah ouais, bah ouais, il a pris. Je lui dis pas de taper la clé avec la clé anglaise sur le visage, mais sur au niveau des jambes. Ouais ouais, mais bon voilà, je pense qu'il risque quand même. Bah si vous êtes flic, dites-nous tiens, si effectivement qu'est-ce qu'on risque en faisant ça, est-ce qu'on risque cher ou pas? Les gars, c'est la légitime défense quoi. Oui oui, mais rien du tout quoi, il se protège. Je préfère la vie d'un flic, Marc. Ah oui, non, mais je préfère la vie d'un flic quand même. Bah oui. Non mais je préfère la vie d'un flic, mais il fait des études des fois dans le droit quoi. Il a pas fait de sport de combat? Non, tu connais pas, tu fais pas le sport de combat, Francis, aucun? Si, je fais du kickboxing, ouais. Eh ben voilà, tu vas les mettre KO, là. Ah, mais nickel. Il peut peut-être... Ouais, mais pas il peut plusieurs, quand même. De quoi? Ils sont plusieurs. Il peut peut-être pas l'utiliser à cause de sa licence, en fait. Comme les autres, ils doivent pas pratiquer ça. Et comme lui, il a un avantage sur ça, en fait. Ouais, enfin, il y a un moment quand t'as 4 mecs qui viennent te taper, tu... C'est ça, c'est que tu le fasses pas gratuitement, ou mais si t'es tu fais, t'apprends un sport de combat, certes pour la beauté du sport, mais aussi pour te défendre. Bah surtout, voilà, ma licence m'interdit de vous frapper. Ouais, c'est ça, excusez-moi, bah alors je vais prendre sur la gueule, hein. Allez hop. Ça, c'est des mensonges. D'accord. Mais pourquoi il peut pas... Bah non, c'est pas des mensonges, je vais le croire. Non, lui, il dit n'importe quoi, s'il se fait attaquer, bien sûr qu'il va utiliser le kickboxing, là. Bah sinon tu te la joues à la Jason Statham, hein. Vous ne voulez pas que je fasse usage d'une force que vous ne pourrez pas maîtriser. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, tu peux lui dire, effectivement, ouais. Bon, bah, merci. Il a peur, alors. Bah, il a peur parce que... Bon, pourquoi t'as peur, bah, Francis, là, si tu peux utiliser le kickboxing? Ouais, mais c'est pas ça, c'est qu'ils sont... Quand je dis qu'ils sont nombreux, ils sont plus d'une dizaine, hein, c'est... Et bah, alors, tu vas chez les flics et ce qu'on appelle une main courante, tu vas porter plainte avant que le truc arrive, en donnant les noms de tout le monde, en disant, voilà, moi, j'ai peur parce que les mecs, ils veulent me casser la gueule, tout le bordel. Au moins, comme ça, t'aurais été les prévenir avant qu'il risquait d'y avoir du grabuge. Certes, ça t'empêchera pas de prendre sur la gueule, mais ce sera plus simple après pour porter plainte contre eux. Voilà. Ouais, mais ma meuf, son ex, elle veut pas que je passe ça, quoi. Elle veut pas... Ouais, mais t'en as rien à foutre. Attends, c'est pas elle qui va prendre sur la gueule, hein. Organise un apéro. Non, mais c'est ça. Tu les invites comme ça dans un petit endroit et hop, t'organises l'apéro. Voilà. Tu voilà. On t'enverra les chips. Non, il a qu'à les inviter chez moi. Il y a un atelier, il ferme à 1h30 et puis on va se choisir des clés. Ouais, on va se faire une petite soirée spéciale dans le hangar des bus. Tiens, bah ça va être bien ça. Un apéro, si un flic qui nous écoute, là, Francis reste avec nous. Marc et David, merci vous deux en tout cas d'être passés. Vous revenez quand vous voulez. Eh ben, merci à toi et à plus tard. Merci l'équipe, quoi. Eh, merci. Salut Marc, salut David, à bientôt à Toulouse. Salut, à bientôt. Salut, on aura Amine dans un instant pour parler des manies. Salut Amine. Salut Michael. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Bon. Soirée, reposer. Eh ben tranquille, à écouter l'émission, c'est cool. Bon, voilà. Alors Amine de Bruxelles, tu vas nous parler des petites paniques que tu as là, comme je le disais, hein, ronger les ongles, manger ses cheveux, curer le nez, etc. Je vous ai mis le post sur le Facebook, vous pouvez donner votre avis également, facebook.com/mikaelofficiel. Tu vas donner ton avis dans quelques minutes, on va se faire également le je t'emmerde. Et puis, est-ce que vous avez vu ce reportage qui passait aujourd'hui sur BFM? Alors c'est celui-là. Merde, non, c'est pas celui-là du tout. Alors attendez. La vidéo dure un peu plus de 4 minutes. Elle a été tournée fin février à Loué et voici son héroïne principale, une jeune femme qui se présente comme éleveuse de volaille. En préambule, elle prend la pose devant un panneau qui vante le terroir de la ville. Postée sur un site pour adultes, la vidéo a été vue plus de 2 300 000 fois. Un détournement d'image qui n'a pas du tout plu à Dominique, le maire de la ville, gêné par l'ampleur de ce mauvais coup de projecteur. Maintenant c'est une affaire quasiment nationale, là ça ne m'amuse pas du tout. Ah ça ne l'amuse pas du tout, et on dit merci qui ? Merci Jackie Michel. Bon, est-ce que ça vous choque justement qu'on tourne un film porno près de chez vous ? Ça vous choquerait ou pas ? Ouais, ça... Non, ça, moi ça me ferait... Toi j'imagine, mais... Moi ça me ferait marrer, mais si... et c'est... D'ailleurs j'ai proposé au sous-chef de faire venir Jackie et Michel à la radio, il avait pas l'air ouais, c'est bizarre, tiens. Non, il est d'accord. Ouais, il mais est le d'accord. sous-chef, je suis pas sûr. Hein. Non, le sous-chef par contre, il avait l'air moins il a l'air d'accord, beaucoup je sais pas moins pourquoi. Quoi, et l'empereur encore moins. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, Tof, tu vas demander à tes amis si tu peux faire... Tu peux venir tourner un petit vidéo chez eux. Ouais. Et bah parfait, on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. Il y aura le jeu du je t'emmerde. Si vous voulez participer, bah vous nous appelez 01 42 48 5000 et c'est Afrojack qu'on écoute maintenant 10 feet tall. I'm clumsy and my head's a mess. Le son d'Afrojack sur Fun Radio. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies. Mickaël, lui, tel injusticier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et il y a le deux cocos qui dit Tof, ton contrat avec les Paralympiques, c'est fini aujourd'hui. Merci pour les 5 médailles d'or. Je t'en prie. Voilà, Maxence qui dit ma manie, c'est de me gratter les oreilles avec un coton-tige pour pas me retrouver avec un truc énorme dans l'oreille. Et alors Romain qui dit s'il y a un porno près de chez moi, moi je demande à être figurant. Ah ouais. Bah voilà, carrément, très ouais, bien. Moi pareil. Hein. Tu m'étonnes. Bon, on va si faire je peux des appels. Le mec qui se branle au fond, ça me va. Ça m'étonne pas. On va faire des appels maintenant avec les numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof, comme tous les soirs. Sur toph@funradio.fr. On appelle donc et puis on va voir comment ça se passe, les numéros de gens qui sont un petit peu énervés. Ferme ta gueule, dis con. Voilà. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Bon, des gens qui sont un petit peu dans ce style là quoi. Oui. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous donner les numéros de téléphone. On appelle donc et on va leur demander s'ils seraient d'accord de recevoir, enfin de qu'on puisse tourner un film porno à côté de chez eux quoi. Mais oui, voire même chez eux dans l'absolu. Dans la maison même. Allez, bah allons-y. C'est parti, bah on y va. Allez, on appelle le premier, on fera le jeu du je t'emmerde après avec Kevin et avec Antoine, et on récupérera Francis et Jérôme également dans quelques minutes sur Fun Radio, et on parlera des manies avec Amine. Donc restez sur Fun, il se passe encore plein de trucs. Allô, oui. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais savoir si c'était possible de venir tourner la dernière scène de notre film porno chez vous, madame. Allez vous faire foutre. Bah pourquoi vous dites ça, madame? Bon. Une blague, vas-y. Allô. Oui, bonsoir monsieur. C'est quoi? C'est qui? C'est Tof, monsieur. Quel Tof? Ben, c'est Tof, monsieur. Et ta connerie, elle est Tof? Ben, non, monsieur. Moi, je voulais savoir si c'était possible de venir tourner la dernière scène de notre film porno chez vous. Et ta mère, c'est elle que je suce? On voit pas le rapport, monsieur. Ta mère, c'est elle que je suce? Oui. Ah ouais? Oui, je savais pas que si ta mère avait service 3 pièces. Ben, moi non plus. C'est bizarre. On rappelle. Viens de découvrir. Ouais, exactement, ouais. Allez, hop. Oui, monsieur, faut pas vous emporter comme ça sert à rien, monsieur. Et t'as pas autre chose à foutre que emmerder le monde? Mais je vous emmerde pas, monsieur, je voudrais juste venir tourner chez vous. C'est ça, moi je vais venir tourner jusqu'à chez toi, tu vas voir. Mais c'est ton cul qui va en prendre plein son cul. Mais je vois pas le rapport, monsieur, enfin je comprends pas. Il n'est pas très bon dans les rimes, hein. Non. C'est ton cul qui va en prendre plein son cul. C'est... Bon, on va lui laisser une dernière chance, on va le rappeler. Hein. Allez, une petite dernière. Allez. On y retourne, 23h35. Oui, je m'excuse monsieur, mais je pense que vous le prenez vraiment mal alors qu'il n'y a pas de raison. Hein. Moi je veux juste tourner chez vous, il n'y a pas de problème, on vous verra pas. Hein. Et il n'y a que ça à foutre lui. Oui, j'ai que ça à faire monsieur. Et tu sais qu'un numéro de téléphone ça se repère. Ah. Oui, je sais qu'un numéro de téléphone masqué peut être démasqué monsieur, il n'y a pas de problème. Mais je peux vous le donner mon numéro si vous voulez. Ouais, c'est ça. Alors tu vas arrêter de me faire chier parce que sinon ça va aller vraiment très mal. Non, pour totalement un présent. Mais je vous harcèle. Je vous harcèle... Avec le portable, j'appelle les flics directement. Il y a un appel masqué directement. Bah oui, mais je vous harcèle pas, monsieur. Je veux juste venir tourner chez vous. Bon, t'arrêtes tes trucs débiles, espèce de con. Mais c'est pas une débilité, monsieur. Enfin, je comprends pas pourquoi vous vous énervez comme ça. Vas-y. Oui, sur ces débilités, là. C'est okay. Un mec qui a que ça à foutre. Oui, allô. Oui, allô. Oui, allô. Ah non, mais... pédale, va. Ah non, monsieur, je peux pas vous laisser dire ça. Non, mais je fais des pourquoi films. Ta mère t'a dit que j'étais pas pédé. Je sais pas, je lui ai pas posé la question, monsieur. Eh ben, depuis que je t'ai eu, tu sais, elle a dû en avoir plusieurs, hein. Ah bon? D'accord. Mais parce que, enfin bon, on peut faire ça quand alors, monsieur? Mais je t'emmerde, espèce de con. Trop du cul. Et trop du cul. Trop du cul. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Bah maintenant on le sait, de toute façon, effectivement, oui. Ça on le sait depuis un petit bout de temps maintenant. Bon, allez, il y a Martial qui dit, je suis plié en deux, là t'es trop fort, Mickaël. Merci beaucoup, Martial. Alexandra, bonjour toute équipe. Une de mes salmanies est de mordiller les capuchons de stylo quand je réfléchis. Alors ça n'arrive peut-être pas si souvent que ça, Alexandra, hein. Non, mais un petit peu peut-être. C'est pour rire, Alex, je te fais des bisous. Il y a Samouraï du 35 qui dit, moi ça me choquerait pas trop, j'irais me branler sur les actrices si on venait tourner un film de cul tout près de chez moi, pourquoi pas. Lola également qui a envoyé son message, mort de rire, le gars il m'a tué en imitant Toff, je suis mort de rire, bah oui. Et heureusement que je vous ai, il n'y a rien que vous arrivez à me faire rire. Et Ludovic qui dit, j'ai pas fait de sport de combat, j'ai ramassé 6 mois avec sursis car 4 mecs étaient contre moi et j'ai fracassé un et les flics sont arrivés, les lois françaises sont merdiques. Ouais. PH était envoyé le lien du son pirate remix. Ah, j'ai pas eu Ludovic. Par contre, il y en a beaucoup qui demandaient le son de Rebelle avec Black Pearl. Bah, je vous le mets tout à l'heure, le son de Rebelle avec Black Pearl, sans problème, puisque vous êtes nombreux à le demander. Il n'y a aucun souci. Kevin et Antoine, ça vous parle le son de Rebelle ou pas? Ouais, grave. Salut, Mickaël. Salut, salut. Vous voulez écouter un truc en particulier ou pas? Ouais, là, tu fais le grand, là, un peu. Fédé le Grand. Ah oui, putain, ça fait longtemps qu'on a plus mis Fédé. Attends, je vais voir si j'ai ça ici. Du moins en extrait, ouais. Bon, j'ai celui-là toujours. Ouais, c'est pas lui, c'est Long Way From Home. Ça ah ouais, Long Way From Home, ouais. Alors attends, parce que celui-là, je l'ai pas dans la machine ici, mais je peux te le mettre tout à l'heure. Attends, va noter. Bien sûr. Bien évidemment. Bon, alors Kevin et Antoine, on va parler de choses sérieuses. On va se faire le jeu du je t'emmerde, comme tous les mercredis soirs. Ah, c'est pas mal ça. Allez. Et comme tous les mercredis, un autre jeu de tout à l'heure, ce sera le jeu du le caropet. Hein. Le caropet, évidemment. Le caropet qui va arriver, je vous en parlerai évidemment tout à l'heure. Casque de DJ à gagner, Kevin et Antoine. Pour ça, il faut être bon. Kevin qui appelle d'Antibes, Antoine qui appelle de Clermont-Ferrand. Et on va jouer ensemble maintenant. Qui veut commencer? Peu importe. Peu importe, bon, on va commencer par toi, Antoine, du coup. Hein. Hop, allez, c'est parti, on y va. Le principe est très simple, on va appeler des gens au hasard. Le but, donc, eh bien, tout simplement, arriver à avoir une discussion la plus longue possible et surtout avec un maximum de je t'emmerde dans une phrase. C'est-à-dire que si vous appelez, vous dites, il faut pas dire je t'emmerde, ça ne marchera pas. Il faut bien entendu les placer dans une phrase cohérente. D'accord? Ouais. Et donc c'est bien je t'emmerde ou je t'emmerde. Il n'y a pas de je vous emmerde, vous m'emmerdez, etc., etc. Ce ne sera pas comptabilisé. Antoine, on y va. Attention, et je rappelle également qu'on ne peut pas utiliser deux fois le même scénario. Ok. C'est-à-dire que pour la première manche, vous devez avoir un scénario. Pour la seconde, vous devez en avoir un deuxième. On y va. C'est parti. Ouais, bonne chance, Antoine. Nickel. Ouais, Antoine. Ouais, c'est Antoine, pas Antoine. Ah, c'est Antoine. Ouais, c'est ça. Ah d'accord, ok, très bien. Bah Antoine, dans le standard c'est marqué Antoine. Bon bah Antoine, ouais. On y va, c'est parti, on appelle le premier. Dès que t'entends plus de musique en dessous de toi, tu dis allô et je te souhaite bonne chance. Merci. Allez. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, j'ai reçu une lettre de votre part où il y avait marqué Je t'emmerde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi moi vous m'avez envoyé ça? Mais ça va pas, non? Non, écoutez, si vous appelez la police, des messages comme ça. Vous pouvez m'expliquer? Je vais appeler la police. Non mais c'est moi qui vais appeler la police. Pourquoi vous m'envoyez des lettres et je t'emmerde. Vous pouvez m'expliquer? Je t'emmerde. Hey, je t'emmerde. Je t'emmerde. Voilà. Bon, en l'occurrence, ça nous en fait combien des je t'emmerde? 7. Pas terrible, Anton. Hein. Bien essayé, mais pas terrible. Surtout avec ce scénario-là. Il est usé. Ouais. Bah il est usé, je sais pas, mais en tout cas beaucoup l'utilisent. Ouais. Kevin, à ton tour, ouais. Il faut faire mieux que 7, il y aura une deuxième manche juste après bien entendu. Vas-y Kevin, c'est parti, dès que t'entends plus la musique, tu dis allô, on y va. Ok. Allez, bonne chance Kevin, mieux que merci. 7. Donc 7. Ouais. Ah bon, on a eu de la chance avec le premier qui a décroché direct là évidemment. Allô bonsoir, oui. Excusez-moi de vous déranger à cette heure. Je reçois des messages de votre téléphone et j'aimerais savoir si c'est vous qui m'envoyez ça. Non. enfin avec des, il y a marqué je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, Kevin, je t'emmerde, la prochaine fois que tu continues à m'envoyer, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, c'est vous ou pas? Ah non. Enfin moi ça me fait pas rire, il y a marqué je t'emmerde, je t'emmerde ta famille, je t'emmerde tout le monde, je t'emmerde, moi ça me fait pas rire. C'est 23h quoi, c'est tard. Allô? Allô, oui, oui, je vous écoute, mais moi c'est un tix là, c'est pas un portable. Ah donc le numéro que avec lequel je vous ai appelé, c'est pas vous qui m'envoyez tous ces je t'emmerde, alors c'est pas vous. Pourquoi vous enverrez ça? Je sais même pas qui vous êtes. Non, enfin je vous demande quoi, il y a marqué je t'emmerde, ta famille, ta maman, je t'emmerde, moi je trouve ça désolant quoi d'envoyer ça à des gens. Enfin si vous me dites que c'est pas vous qui envoyez tous ces je t'emmerde, c'est bon. Enfin, y a pas de problème. Mais vous sauriez pas si ça vient de qui? De quoi? Vous voudriez que je vous donne le numéro si vous voulez, hein? Non, mais c'est bon. Et vous voulez savoir si, enfin, le numéro de téléphone avec lequel je vous appelle, comme ça vous voyez si c'est le vôtre ou pas, avec tous ces je t'emmerde. Je l'ai même pas en tête, mon numéro de téléphone, c'est une box, je m'en sers jamais. Ah, bah, c'est le 09. Je croyais que c'était un gros. Je t'emmerde, 36, 37, je t'emmerde. Bon, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Ah, voilà, c'est vrai. Je t'emmerde. Ah, t'es parti ou pas? Allô? Ah, il est parti. Pas mal, bravo. Pas mal. Alors, quel score? 28. 28, oh là là. Anton, la barre est haute, mais bravo. Rien n'est perdu, hein. Rien n'est perdu. Bon, on remet la... Ouais, mais attends, on va faire... Il y a la revanche après, hein, juste après la pub, là. Bon, ben reste avec nous, Anton et Kevin. On va se faire ça dans quelques minutes sur Fun Radio. On va en profiter également pour répéter la colle dans quelques instants avec notre ami Dylan. Et puis, on va récupérer Francis et Jérôme. Vous êtes là tous les deux? Ouais, oui. Très bien. Alors Jérôme qui est flic donc à Cergy-Pontoise et donc Francis qui a peur parce qu'il y en a qui veulent lui péter la gueule. Il y a un autre auditeur qui avait dit prends une clé anglaise, on va lui péter la gueule, etc. Qu'est-ce qu'il risque Jérôme? Est-ce qu'il risque les emmerdes ou pas lui? Ah bah tout à fait, s'il prend une clé anglaise pour péter la gueule à un mec, c'est certain qu'il aura des gros soucis. Ouais mais même s'ils sont 10 devant lui? Ah c'est certain, dès le moment qu'il y a une arme, comme ils appellent ça, une arme par destination, comme il dirait, il va se faire emmerder, c'est clair. Ah d'accord, ok. Et s'il met des patates? Ah, si mais des patates, ça c'est autre chose. Ah bah voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà, Francis, t'es couvert. Mais il va falloir te battre avec le kickboxing. Ou alors tu fais la technique de Toff, c'est-à-dire tu te devant les mecs, tu sais ce que tu veux, hop, tu cours. Ouais. tu cours vite. Ouais, c'est une autre solution. Et éventuellement, poser une main courante. Éventuellement, oui, poser une main courante, je pense que c'est mieux à faire. Après, s'il y a des menaces ou des insultes, quoi que ce soit, même des menaces de mort, hein, faut qu'il le fasse, hein, c'est un délit, il n'y a pas de souci. Vous avez vu comme je suis de bons conseils. Ah oui, qu'est-ce mais que vous toujours, voulez. Michael. Non, mais Francis fait ça, effectivement, elle pose une main courante, et puis après, bah, t'aviseras, et au moins les flics auront une trace, quoi. Ouais, déjà pour se protéger par rapport à son ananas, hein, parce que s'il s'en prend à lui, il pourrait peut-être même s'en prendre quand son ananas sera avec lui, donc on sait jamais, en tous les cas, comment ça peut arriver. Hein. Ah bah, c'est clair. Bon, bah, merci beaucoup, Jérôme. Hein. À bientôt, ouais, merci à toi Jérôme, ciao à toi. Et bien Francis tiens nous au courant, ok? Ok. Bon et qui te pète pas trop la gueule hein, j'ai pas envie de perdre d'auditeur moi. Salut Francis. Mais on peut pas l'appeler pour lui faire peur ou quoi? Qui c'est au mec? Ouais. Ah oui, si tu veux, ouais, bah attends, reste avec nous. Bien sûr, Francis, reste avec nous, tiens, surtout Toff, il va lui faire peur. Ouais. Ouais. Bon, allez, il y a Team BS qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio, là, restez là, on va se faire la suite également du Je t'emmerde. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez MIKL, suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pour bien comprendre, Mikael nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mikael nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct sur Fun Radio en toute la France. On sera à Orcières-Merlette également. Ouais. C'est station de ski à 1850 mètres tout près de Grenoble. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On sera là vendredi et samedi. D'ailleurs, j'ai dit que j'avais un nouveau pantalon de snowboard. Je vais le mettre maintenant parce que je l'ai dans le bureau. Vous allez pouvoir comme ça donner... juger la nouveauté. Est-ce que vous avez trouvé la qualité, ça... la qualité. Attends, mais il déchire. Moi, je trouve qu'il est top. Il est un peu jaune. Mais ah ouais, mais alors, et justement, c'est ça, c'est fun. Voilà. Bah oui, c'est. Et bon, bah, je vais le mettre, je vais faire la photo. Vous allez pouvoir me donner votre avis juste après. Je fais ça dans moins de 10 minutes, le temps d'aller jusque dans le bureau, là. Donc, restez bien là. On aura la colle également avec Dylan. Avec ou sans masque, le jeune est ambitieux, mais la mère le rendra vieux. Qui suis-je? Si vous avez la réponse, envoyez MIKL au 64 900 ou rendez-vous sur le Facebook de l'émission. facebook.com/MIKL officiel. Vous pouvez répondre et lire la colle également sur le Facebook et on tire au sort dans moins de 30 minutes celui ou celle qui repartira avec l'iPad mini. Je vous souhaite bonne chance. Et puis au côté son, il y a Daft Punk qui arrive. Et puis dans moins de 10 minutes, je vous cale la team BS également pour ceux qui ne connaissent pas. Bah écoutez, c'est ça. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires sur le côté, quelques ennemis refoulés. Il ferait tout pour nous faire taire. Voilà, le son de la Team BS. C'est ce qui va arriver dans un instant sur Fun Radio avec la fouine, évidemment. Donc, il y aura aussi le son de la Funk. On avait demandé Martin Garrix. Ça va arriver aussi avec Proxy. On avait demandé Major Lazer. Comme Tommy et Sean Napole, ça va arriver. On l'avait demandé aussi. Rebelle avec Black Pearl, ça aussi ça va débarquer sur Fun Radio. Vous l'avez demandé avec le hashtag et Mickaël, et ben je vous le mets avant 2h, donc restez bien branchés sur Fun Radio. Il y a Lola qui dit la meilleure radio sans vous on serait mort. Oh c'est gentil Lola, ben en même temps sans vous on serait pas là non plus. Hein. Cédric du Sac Neuf qui dit j'étais absent de Fun Radio, ça m'a trop manqué, grave plaisir de te réécouter Mickaël. Ah oui je me souviens de toi Cédric du Sac Neuf, ça fait longtemps que t'es plus passé là, ben, je suis content que tu sois de retour. Il y a Roms qui dit je vous écoute sur l'application, vous gérez trop l'équipe. Merci Roms, je rappelle qu'il y a l'application Mickaël No Limit qui existe également. Il suffit tout simplement de vous connecter sur iTunes pour la télécharger sur l'Apple Store et puis bah vous pourrez là comme ça écouter l'émission, réécouter les podcasts, être au courant de tout ce qui se passe dans l'émission, bref la folie totale. Thomas également qui dit bien joué les gars, je vous adore, venez le tourner chez moi là votre film de boule. Bah c'est pas nous dans l'absolu, hein. Enfin si Toff il aimerait bien mais. Ah après... oui bon, avec plaisir, hein, ah s'il ouais. y a des filles intéressées on peut venir tourner. Ah bah c'est ça. Et puis il y a Hervé aussi, Mickaël dit lui qu'il va se taper avec plusieurs mecs, il attrape le plus baraqué et il va calmer les autres. Et il y a Youngblood aussi qui dit vers quelle heure vous allez skier horsière et comment vous trouvez. Alors on va vous mettre sur le Facebook à l'endroit où on sera également. Alors l'heure, alors bah ça dépend parce que nous on part d'ici à 2h du mat demain après l'émission. Bon le temps d'arrivée, j'ai calculé une arrivée approximative à 9h du mat. Ah bah parfait, donc on sera là pour l'ouverture, on pourra faire la première descente. Voilà, donc mais bon c'est approximatif hein, donc c'est sérieux là. Moi ouais. je pense qu'il y a un truc comme on va y arriver à 9h et tout, moi je pense qu'il faut qu'on fasse la première descente avec Polo, tu vois, mais genre là. Ça va pas, je vais décéder moi. Là, non, c'est, ce qui est, parce que ce qui est vachement bien, c'est comme il n'y aura personne qui aura skié, tous les endroits où tu seras tombé, il y aura que verra. Toi. Il y aura que toi, il y aura que toi. Non mais on verra, ça dépend à quelle heure on arrive, mais bon normalement ça devrait bien se passer quoi. En théorie en tout cas, en théorie. Bon, il y a un message qui dit moi je me rongeais les ongles, mais depuis que j'ai mon appareil, je ne peux plus. Ah ouais, l'appareil dentaire, j'ai eu ça aussi. C'est vrai que ça évite de les ronger. Enfin on peut les ronger mais plus aussi loin qu'avant. Puisque bah forcément le doigt n'arrive plus, enfin l'ongle on n'arrive plus à mordre. Ouais. Donc ça a le côté positif également le coup de l'appareil dentaire quand même. Bon, avant de récupérer notre ami, nos amis Kevin et Antoine, pour le je t'emmerde. Pour l'instant c'est Kevin qui a 28 je t'emmerde, je crois c'est ça. Ou 24. Oui, 28. 28 contre 7 pour Antoine, on va faire la suite dans quelques minutes. On va prendre Mélissa et Amine pour réagir par rapport au manille. Et puis on va appeler le copain de Francis également. Enfin l'ex. Ami de Francis, puisqu'il veut lui casser la gueule, hein, puisque tu l'as piqué sa copine, Francis. Ouais, c'est ça. En deux mots, c'est ça. Bon, il s'appelle comment, lui ? Kevin. Kevin, d'accord. Bah, Sandro va prendre le numéro de téléphone, et puis on va l'appeler dans quelques minutes. D'accord, d'accord Francis ? Ouais, ouais, ça marche. Bon, bah, très bien. Bah, reste avec nous, surtout. Il y a Amine, donc, 24 ans de Bruxelles, qui est avec nous, là. Bonsoir, Amine. Rebonsoir, Amine. Bonsoir. Ouais, heureusement, j'ai pris un café, hein. Eh, bah, t'as raison. Écoute, heureusement, t'auras pu nous en mettre un aussi, hein. Vas-y, de faire un café, là, hein. Vas-y, t'auras pu payer ton café, là, Amine. On va rejoindre à Bruxelles, à Paris, alors. Bah, c'est pas grave, hein. Écoute, t'aurais pu quand même payer ton café, je trouve. Ouais. Je trouve. Ça aurait été le minimum syndical. Vas-y, serre-moi une tasse, là. Voilà. Rappeler, ça vous coûte quand même. Donc, de quoi tu dis? Au prix que vous me rappelez, ça vous coûte. Mais on s'en branle, c'est Fun qui rack. Mais ouais, ils sont blindés. Tout mais oui, c'est ça, t'inquiète. Bon, alors Amine, donc toi tu voulais donner ton avis par rapport au manille, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a un mec qui est mort à 40 ans parce qu'il se rongeait les ongles, tu sais, à cause de toutes les crasses qu'il y a en dessous des ongles. En fait, du coup, ça lui a fait faire un arrêt cardiaque. Véridique, hein, c'est pas des conneries que je vous raconte. Et donc, c'est tout à fait possible. Bah oui, et donc du coup, je voulais avoir vos avis. Est-ce que vous vous êtes déjà. Est-ce que vous vous rongez les ongles? Est-ce que vous mangez vos cheveux? Est-ce que vous vous curez le nez comme Toff? Moi, je me rongeais les ongles avant. Ça fait quelques années quand même que maintenant j'ai arrêté. Sauf par coup de stress, du coup ça revient un peu et puis après ça s'arrête. Quand je suis en vacances par exemple, rien. C'est bizarre. Mais rien, tout pousse et là, pépère, tranquille, à la cool. Et puis quand il y a un petit coup de stress ou je sais pas, quand il y a. Comme là, ça fait longtemps qu'on a plus dormi avec Polo et Toff. Et du coup, ben voilà, du coup on a tendance à se re-ronger les ongles. Ah, en tout cas, moi en l'occurrence. Et puis en plus, avec ce week-end au ski là, je pense qu'on va être au top. Ouais, et si vous nous voyez, parce que là, je me suis fait la réflexion hier soir en partant de la radio dans l'ascenseur avec Polo, j'ai des cernes à vie maintenant. Voilà, c'est automatique, c'est ta vie. C'est ta vie. Elles sont restées là, elles ont pris elles vont rester définitivement, je pense, les cernes, et ce week-end ne va rien arranger. Bref, Amine, qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu te bouffes les ongles? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça m'arrive souvent, mais j'évite les. Mais je suis pas un crasseux pour autant, hein, pour vous rassurer. Mais ça, c'est pas mon principal problème. Le souci que j'ai. Oula, qui était où là? T'es passé là? Parce qu'on a entendu un bruit bizarre là. Il est passé dans une autre dimension. Non, il s'est passé quoi? C'est un avion, c'est un avion. Ah, c'est un avion. Est-ce que c'est le MH370 là de Malaysia Airlines qui a disparu? Ah, je sais pas, peut-être ils font une nouvelle série avec ça. Ah bah va savoir, oui, effectivement. On en avait parlé hier justement. Bon, et il y a Fred Rialba qui dit Mickaël, vous allez en avion, en ski? Non bah non, on va en voiture, Fred Rialba. En voiture, si on peut appeler ça une voiture. Bah quoi, pourquoi? Ah toi oui, oui. Mais... mais bon après. Bon enfin bref. Alors vas-y, explique-nous ton histoire toi. Alors bon, mon souci, c'est les gens qui. Enfin je l'ai remarqué, mais bon, je savais pas que ça posait autant de problèmes aux gens. En fait, mon souci, c'est que tout simplement, quand je communique avec une personne, s'il y a une glace derrière moi ou un aspect réfléchissant, je m'observe involontairement. Un acte réfléchissant. Oui, je ne sais plus comment on dit. Oui, enfin, un truc qui a une transparence, quoi. Donc, ouais. Et ben, je m'observe spontanément, sans ouais, de manière kiffes, involontaire. Quoi. Non, pas du tout, et ben voilà, c'est ça le souci, parce que les gens pensent que c'est du narcissisme, et c'est pas du tout. Justement, c'est automatique, et ça agace vraiment les gens. Dans les années 80, t'aurais été le mec qui dansait devant les miroirs dans les boîtes de nuit, en fait, c'est ça. Et je suis pas, et même, c'est ça le problème, je suis pas du genre à me mater dans la glace, le type qui fait son beau gosse, et tout ça, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. C'est tout simplement, c'est... Des fois, c'est vrai que c'est de l'auto-observation, parce que je suis quelqu'un qui s'observe beaucoup au niveau de... Putain de bruit, je deviens ouf. Ouais. Oui, non, c'est ça, c'est chiant à Bruxelles. Maintenant, tous les avions volent à basse quotidienne, ça nous casse tous les couilles. Enfin, soit. Et donc, ça agace pas mal de gens. On ne vient pas pour faire la réflexion et tout ça. Une fois, je me suis énervé avec un membre de ma famille. Enfin, ça, on a haussé le ton. La personne a sorti ça comme ça. Ouais, en plus, tu regardes la glace, il a vraiment des problèmes, ce gars, et tout ça. Pour dire. Ah oui, mais c'est normal. Mets-toi à leur place. Les mecs, ils s'imaginent que tu te la ramènes, tu sais, que tu trouves beau gosse. C'est pas du tout le cas. Bah oui, mais voilà. Mais c'est pas grave, après. Hein. Tant que toi, tu le sais, c'est le principal. Oui, je le sais, justement, moi-même, ça fait une mauvaise interprétation, c'est ça le principal souci de ce truc en question, mais bon, voilà. Bon, bah très bien, attends, il y a Mélissa aussi qui est avec nous de Blois, là, salut Mélissa. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, ben bienvenue Mélissa, dis donc, alors, ça va, t'as repris les cours, là, ou pas encore? Non, moi, je pratique plus les cours, je vais faire un apprentissage l'année prochaine. Ah, tu pratiques plus, toi, t'as arrêté, quoi, c'est... Ah non, j'ai des problèmes avec le lycée, des gens ils m'intimidaient, enfin ils faisaient... D'accord, ok. L'arbin, quoi. D'accord, très bien. Bah, tiens, va me chercher un café, Mélissa. Allez, hop. Avoir un petit message de bienvenue. Oui, ah bah avec plaisir. Alors attends, qu'est-ce que tu veux comme message de bienvenue? Oh, j'en ai un bon, tiens. Alors attends. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà. Hop là, il est passé crème. Il est bien gras, celui-là. Complètement. Bon, sale. Mélissa, alors c'est quoi les manies que tu as, toi, comme Amine et comme tout le monde, d'ailleurs? Moi, ce qui m'arrive souvent, c'est quand je suis chez moi, ma mère elle est sur l'ordinateur juste à côté de la cuisine. Ouais. Et moi, des fois, je m'ennuie, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que bah, je tourne en rond, puis j'attends l'ordinateur à côté, vu que j'attends qu'elle me donne. Mmh. Et juste après, ce qui se passe, je regarde, tellement je m'ennuie, je tourne en rond, j'ouvre le frigo toutes les 5 secondes. Ah oui, c'est genre il y a un truc qui est rentré dans le frigo, on sait jamais quoi, entre deux fermetures. Bah, on sait jamais que quelqu'un passe par derrière. Voilà, c'est ça. Moi j'ai comme manie également, c'est surtout quand je suis à l'étranger, je suis sur mon iPhone, et tu sais, je l'allume pour voir si... Et en fait non, parce qu'il n'y a pas de 3G, enfin tu vois, il n'y a pas d'internet. Et du coup, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, un téléphone, ça ne sert à rien s'il n'y a pas internet aujourd'hui. Ah ouais, non mais c'est vrai, tu sais, tu te dis pff, en fait c'est nul quoi, bah, s'il n'y a pas internet, c'est naze. Et donc j'ai toujours la manie d'aller vérifier, j'ai vérifié mes mails, bah 30 secondes après, je vais ressortir le téléphone et je vais vérifier. C'est des fois qu'il y a un nouveau mail qui soit arrivé. Entre-temps. Moi, il y a un truc, c'est un toc, c'est la porte. Je vérifie 150 fois que les portes soient fermées. Ah ouais, puis après, il fait. T'sais, alors, le bureau, là, bon, il ferme quand même le truc à double, voire triple tour. Ouais, on sait jamais. Des fois que le logo Fun aille piquer un truc dans le bureau. On sait jamais, tu vois. On sait jamais. Surtout avec nous, hein, les horaires qu'on a en pleine nuit. Enfin bon. Bah, merci Mélissa et Amine. Hein, merci d'être passés tous les deux. Ouais. Oui, Mélissa, ouais. Tu voulais ajouter un truc? Il y a un moyen de rester juste informé. J'ai besoin de 2-3 conseils, si c'est possible. Oui, tu veux des conseils sur quoi? J'ai perdu ce que je voulais dire. Tu as perdu ce que tu voulais dire. Bon, écoute, réfléchis, je te reprends après, d'accord? Bon, bah, parfait. Oui, Amine. Oui, moi, je voulais justement intervenir pour un truc qui n'a rien à voir. Enfin, bon, ça a à voir plutôt de quoi vous parler, parce que vous avez plusieurs fait référence à vos professions. Et il y a eu beaucoup de questions en doute. Ah, le bruit. Oui, vas-y. Et ça, on n'entend pas à ce point-là quand même. Ah si, franchement, bah, tu vas te réécouter après, notamment sur l'application et sur le site, tu vas voir que ça fait... Ça s'arrête. Attends deux secondes, hein. Voilà. Deux secondes. Vas-y, on est là. Ça, c'est mieux ? Bah je sais pas, on veut, je te dirai on, ça on parce le que dira. Le bruit il arrive comme ça tout d'un coup pendant une seconde et puis après ça, il se barre. Donc ouais, mais on peut ici malheureusement, on peut pas les pointer au laser, on risque limite la tôle ici. Bon, écoute, c'est non, mais de toute façon, il faut pas pointer les avions au laser, malheureusement. Bon, alors qu'est-ce que je voulais dire en plus, Amine? Oui, en fait, justement, vous avez plusieurs fait référence à ma profession et je voyais qu'il y avait plusieurs questions en suspens, en fait. Mais quelle profession t'es pour, tu fais quoi? Ah ben vous l'avez cité plusieurs fois. Ah bon? Oui. Bah dis-moi. Même les canulars, ils l'ont cité. T'es acteur porno? Non, non, bah, non, pas ça. Tu es réalisateur de films. T'es réalisateur de films porno? Tu es Jackie. Tu es Jackie de Jackie et Michel. Non, non. Non, non, pas du tout. Non, bah t'es qui? Inspecteur de police. Oh, la police! Oh, très bien. J'ai rien parfait. Fait, monsieur l'agent! Oh, si, si, alors, Stoff, je peux te dire qu'il est accusé de tout. Hein. Ouh là là! Même sans être accusé, il est en taule, lui. Qu'il soit condamné pour sodomie. Exactement, tout à fait. Ah, bon. Attention, dans des pays, c'est condamnable. Hein. Ah, bah, je te confirme, effectivement. Même le fait d'être gay, il est mec, il les pende. Non, mais c'est vrai, ça, hein. Ça dépend. Ça dépend non, mais t'as des pays, si, les mecs, c'est la peine de mort. Au Yémen, tout ça. Au Yémen, si t'es gay ou si tu vas volontairement draguer un mec, enfin, tu vois, pour le rendre, entre guillemets, gay, le mec, hop, il se coupe la tête. Il faut préciser la chose que c'est pas, en fait, on sait pas savoir automatiquement si une personne est gay dans ces pays, c'est s'ils les prennent en flagrant délit. Ah ouais, ou balance. En train de faire une relation sexuelle. À ce moment-là, c'est ça le mais prix, ils peuvent pas se balader main dans la main en rue, etc., etc. Bon, enfin, c'est pas le débat, cela dit. Non, mais le pire, c'est, je sais pas si vous avez vu, c'est la nouvelle, les nouvelles lois au Gabon, je crois. Non, qu'est-ce qu'il y a? En fait, le président du Gabon, c'est un vrai ouf. Il a changé toutes les lois. Genre, en fait, le mec, il explique que la sodomie, tu peux attraper des maladies. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, mais enfin, des trucs, c'est des trucs improbables. Enfin, il faudrait que je retrouve l'article exact avec tous les termes qu'il emploie. Mais le mec, c'est un vrai ouf. Mais essaye de retrouver, ouais, tu peux l'avoir. Bah, écoute, en tout cas, mais c'est bien, Amine. Bah, du coup, on a déjà eu tout à l'heure quelqu'un là pour de la police là pour Francis. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Amine. Bah, avec plaisir. Et puis maintenant, c'est bien, on sait que si on a besoin d'un flic à Bruxelles, hop, petit coup de téléphone là. Et on est pépère. Voilà, pour faire sauter les PV, avec cette vitesse, tout ça, quoi. Ouais, ça va. Oh, Amine, c'est Amine. Meilleur, mais bon, c'est différent par rapport en France. Hein. Ah, mais non, mais attends, et moi je passe 4 jours par semaine à Bruxelles, Amine. On est tout le temps à Bruxelles. Tu peux me servir, hein. Tu peux me servir, ouais, exactement. Ah, bah oui, ouais, t'inquiète attends. Pas, je peux te servir si tu veux. Eh bah, parfait, très bien. Oui, bah, à m'emmener en tôle. Merci, bravo. Bon, salut, non, Amine, non, merci à toi d'avoir appelé. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Ouais, salut. Hein. Salut, salut, ciao à toi, Amine. Retour avec Francis dans quelques minutes. On va appeler son pote là, enfin, son pote qui veut lui casser la gueule. Dylan avec la colle, Anthony Kevin pour le je t'emmerde. On aura les teubés de la télé également. Tout ça, c'est après le son de... Daft... Non, merde, pas Daft Punk, pardon. Bah non, c'est la Team BS, je l'avais promis, là. La Team BS, maintenant, sur Fun Radio avec la Fouine. Allez, bonne nuit, tout le monde. C'est Mickaël No Limit et on est au cœur de la nuit sans pub. Bienvenue. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Depuis que j'ai quitté la terre ferme. Pour nos côtés, quelques ennemis refoulés. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Et il est minuit 5 sur Fun Radio. Il y a Oliver qui dit c'est pas au Gabon, c'est en Ouganda apparemment le truc avec les lois bizarres. J'ai retrouvé l'article, je vais vous lire après. Parfait, il y a Wargaming aussi sur le Twitter. L'armée des loups nous protège du danger avec son commandement Polo. Eh bah bien sûr, évidemment, il y a Annabella Styles qui dit coucou, bah moi j'ai la manie de sucer mon pouce dès que je suis stressé, comme ma petite sœur Ophélie d'ailleurs. Oh mais ça va, c'est encore mignon, ça dépend si tu passes ta vie à avoir en bouche évidemment. Et Cameron qui dit il paraît que pour arrêter de se ronger les ongles, il faut mettre de la cire de Babybel sur les ongles. J'ai jamais essayé, mais il paraît que ça marche. Alors ça dépend, parce qu'il y a ceux qui se rongent les ongles et donc ils les mettent en bouche, et puis il y a ceux qui se les arrachent. Moi je fais les deux. Enfin je faisais, maintenant j'ai arrêté, mais moi je pouvais faire les deux. Donc quand tu mettais un espèce de produit que tu trouvais en pharmacie, style un vernis là, qui se voit pas, un vernis invisible, mais bon, ou que tu mettais un truc dégueulasse, c'est quand tu mettais ton doigt en bouche, en fait c'était tellement immonde que tu le faisais plus. Ouais. Bah moi ça marchait pas, parce que parfois moi je les arrache. Enfin je les arrache. Ah ouais, entre deux ongles quoi, tu vois, je les dégomme comme ça. Donc du coup là ça marchait pas. Il faut la volonté, je pense que c'est un peu comme la clope au final, c'est une habitude. Il y a Vice le Pro également, j'ai l'habitude de souffler sur mon téléphone, je sais pas si c'est pour enlever la poussière, mais en tout cas ça fait vachement con, oui c'est vrai. Et Julien depuis l'application Mickaël No Limit, on dit merci qui? Merci Jacques et Michel, vous êtes des tueurs, bisous à toute l'équipe. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Mais évidemment, avec plaisir. Tu es un enculé. Voilà, en toute simplicité bien entendu. Et puis encore un petit de Cédric du Sac Neuf qui dit moi je me cure le nez devant la télé, et Hugo depuis l'application Mickaël s'appelle Nos Limites. Je pleure, mais j'écoute Mickaël, histoire de rire. Merci d'être là. Oh, bah, qu'est-ce qui t'arrive, Hugo, là? Dis-moi alors. C'est pas très grave quand même. Bon, dans quelques minutes, je vous mets mon nouveau fut que j'ai reçu là pour faire du snow et avec ma nouvelle planche. Comme ça, vous allez me dire si le pantalon est beau. Moi, je trouve qu'il est quand même pas mal. Non, il a une bonne gueule. Il a une bonne gueule. Bon, attends, on va demander. Attends, mais il déchire avec la... Ah non, mais il faut le voir avec la planche. Regarde, il déchire avec la planche. Il est coloré. Bah oui, faire du zouk avec. Attends, tu fous de ma gueule ou quoi? Très coloré. Est-ce que JB il va aimer hein, tu vas pouvoir faire du zouk. Tu vas te faire draguer avec ça. Mais grave. Par des hommes. Ah mais non, hors de question. Je vais le mettre dans quelques minutes. Ah attendez. Je vais le mettre dans quelques minutes. Il faut que je pose avec la planche parce que c'est vrai que sans la planche ça fait un peu flag. Non, et le soleil ça va t'illuminer. Mais oui, mais attends, mais quand tu fais du snow, faut qu'on te voit. Bah oui. J'étais tout en noir l'année dernière et donc on me disait ouais, mais quand tu es du brouillard, on voit rien. Et je dis ouais, effectivement, c'est vrai. Donc je vais essayer celui-là, puis on verra. Hein. Ah, tu te mets des néons en plus, c'est bon. Hein. Ouais, mais je vais mettre des néons sur la planche. Je vais tuner la planche. Je vais mettre des lasers, des néons dessus. Mais grave. Qui clignote. Ça peut être drôle. Il y a la petite fée sur le Twitter aussi. Un petit coucou, mes amours, vous me manquez. Merci beaucoup, la petite fée Marine. On vous écoute pour les fêtes, pour fêter le code de Johan. Vous êtes au top. Gros bisous, Mickaël. Merci Marine. Bah bravo à toi, Johan. Encore un dingue de plus sur la route. Et ben voilà. C'est fait, fallait que ça arrive. Bon, allez hop, la suite du Je t'emmerde maintenant avec Kevin et avec Anton. Vous êtes là tous les deux? Ouais. Très bien, alors on y va donc. Kevin avait fait 28, Anton avait fait 7. Et donc 7 Je t'emmerde. On remet le couvert maintenant, on appelle à nouveau des gens au hasard. Interdiction formelle de refaire le même scénario. D'accord. Ok. Allez, ouais, on y va, Kevin, c'est toi qui commence cette fois-ci. On appelle donc quelqu'un au hasard. Si la personne décroche, enfin, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Okay. Et t'essaies de placer un maximum de je t'emmerde dans des phrases cohérentes. Vas-y. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci, mais j'étais obligé de vous appeler parce que j'habite à côté de chez vous et je me suis fait cambrioler aujourd'hui. J'aimerais savoir si vous avez vu quelque chose. Bah en fait, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'appellent comme ça et qui raccrochent directement. Non, mais là, il y avait des je t'emmerde de partout, tagués dans ma maison, je t'emmerde. Donc je voudrais savoir si c'est vous qui avez vu ça, quoi. Non, pas du tout, mais vous j'ai appelé le commissariat. J'habite juste en face, le commissariat, ils sont venus, ils ont fait l'expertise avec tous les je t'emmerde sur ma voiture, sur mon mur, je t'emmerde de partout, et j'aimerais savoir si vous avez vu quelque chose. Ma fille, elle est terrorisée, quoi. Il gère. Et vous habitez bien à Toulouse. C'est une bande de jeunes qui a écrit je t'emmerde dans toute la baraque, monsieur, c'est incroyable. Vous avez vu ou pas? Ben non, pas du tout, en fait. Ma fille, elle est terrorisée, monsieur. Enfin, je sais plus quoi faire, quoi, avec tous ces je t'emmerde, j'arrive plus à enlever la peinture, je t'emmerde. C'est horrible. Et vous habitez où, dans la résidence? On a porté plainte, enfin, personne de votre famille a vu tous ces je t'emmerde de partout, vous avez rien vu, monsieur? Pas du tout, non. Même la résidence, elle a été taguée à peu près. Il y avait marqué je t'emmerde en rose, en violet, je t'emmerde sur le tapis de partout. Ma fille, elle s'est pissée dessus, quoi. Vous comprenez? Je veux bien comprendre, mais en fait, je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider. Vous êtes de la résidence ou? Ben oui, en fait, c'est pour ça que je me posais la question. Dans votre résidence, vous n'avez pas vu tous les je t'emmerde tagués comme ça de partout? Non, je suis pas sorti encore aujourd'hui, en fait. D'accord, donc il a le chat, vous allez voir ça dans les couloirs et tout, tous les je t'emmerde qui ont été écrits, quoi. Ma fille, il y a beaucoup de je t'emmerde. Pour rentrer dans la résidence, il y a quand même un badge, etc. Donc Je sais pas comment ils ont fait pour rentrer, peut-être que c'est un voisin qui a ouvert sans faire attention. En tout cas, ils ont tagué avec de la peinture, des je t'emmerde. Il y a des signes d'Hitler et tout, c'est horrible, vous allez voir, ça n'a pas été nettoyé, je pense. D'accord, mais comment vous avez réussi à avoir mon numéro? Justement, je me suis permis de regarder votre nom de famille, j'ai demandé à des voisins et tout, et ils m'ont donné votre numéro, mais si ça vous dérange, vous me le dites. Non, mais si vous comprenez, si on tague dans la maison, je t'emmerde de partout, ça devient... Enfin, je peux plus rien faire, moi, j'ai trop peur. Oui, je suis vraiment désolé pour vous, mais... J'ai peur pour ma fille. Ma fille, elle me dit, papa, regarde tous les stands. Papa, il est parti. Aïe, aïe, aïe. Il est parti. Oh là là. Cette balade. Bravo. Alors, combien? 34. Oh, putain, Anton. Ouais. Mec, t'es dans la merde, hein, je te le dis direct là. Un peu, ouais. Ah, là, t'es complètement dans la merde même. Écoute, c'est pas grave, on va quand même réessayer, hein, on va quand même essayer, t'as rien à perdre. Hein. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que DJ peut-être pour toi mieux. C'est parti, Kevin, bouge pas. Vas-y, Anton, dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. 34 à battre. Faut faire 35 même. Oui. Oui. Bonsoir. Oui. Je me présente, je suis Antoine du commissariat de police de Clermont-Ferrand et il y a beaucoup de gens qui ont porté plainte contre vous pour harcèlement. Oh, vous êtes fou, non? Non, je ne suis pas fou. Oh, dites, harcèlement surtout moi. Non, mais vous avez envoyé des chambres à des gens, vous envoyez des chambres par message, par mail. Vous envoyez à plein de gens des chambres par mail, par message. Et vous taguez des murs avec des chambres. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Allez, arrêtez. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. Donc pourquoi vous avez mis des je t'emmerde partout? Eh ben, elle est partie. Oh là là. Allez, on va lui laisser les derniers. Hein. Ouais, bon, c'est cadeau. Ouais, je suis bon. Rajoute-en un pour moi, Tom. Allez, 7. Allez, encore un. Allez, encore 8. Un. Allez. Bon, Kevin. Ouais. C'est toi qui gagne. Super. Eh ben voilà ma gueule. Bravo super, à toi, super. Le casque DJ pour toi Kevin. Et puis Anton, bah malheureusement ouais. Ah bah écoute, t'as bien essayé cela dit hein, franchement hein, mais bon malheureusement ouais. Ça n'a pas suffi. Ouais, malheureusement. Bon bah tant pis. Bon, tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord? Salut Antoine. Oui bien sûr, on va gérer ça avec Sandro là. Salut. Tu sors l'application Mickaël No Limit pour Android. Oui, alors justement j'ai une bonne nouvelle. En fait il n'y aura pas d'application Mickaël No Limit pour Android. Mais vous n'allez pas être lésé puisqu'il y a une autre, il y a un site spécifique qui va sortir qui sera compatible avec tout le monde. D'accord. Ah voilà. Bah, c'est bien, ça. Comme ça c'est encore plus facile. On n'a pas à se prendre la tête. Vous allez pouvoir avoir ça. C'est dans les jours à venir là. Et vous allez pouvoir être connecté. Vous allez pouvoir suivre tout ce qu'il faut. Comme l'application qui existe sur iPhone. Ok. N'hésite pas à passer à Clermont aussi. Ouais, t'inquiète pas, mais on va faire le tour. Mais là, on n'a pas le temps, malheureusement, de faire tout le tour. Mais t'inquiète pas, on compte bien y aller l'année prochaine, tout ça. On va pas s'arrêter tout de suite, d'accord? Après, s'il te plaît. Ouais, mais je te la repasse maintenant, sans problème. Okay. Salut Anton, merci à toi d'écouter Fun, à bientôt. Hein. Salut à toi. Et puis Kevin, bravo encore une fois. Tu restes au standard, on prend tes coordonnées pour t'envoyer le casque. Ah bah vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Ok, ça marche. FredS34 de Twitter. Elle est victoire, elle est pour toi, la victoire. Très. Oh, très bon. Oh, il est bon. Ça marche. Polo, salut t'es Kevin. Trop doux, Polo, t'es doux, mon Polo. Ça roule. Salut ciao. Kevin. À bientôt. Ciao à toi. Bye bye. Bon, retour avec Mélissa dans quelques minutes. Il y a Arnaud qui voulait réagir aussi à Francis qui va se faire casser la gueule par un mec. En l'occurrence, le mec à qui il a piqué la meuf. Et on va l'appeler maintenant Francis, du coup, alors. Hein. Ouais. Ouais, bah quoi que ce serait peut-être mieux de prendre d'abord la vie d'Arnaud, non? Avant d'aller droit dans le mur. Lui prendre la vie, c'est-à-dire que je veux qu'on le tue? Mais non, mais il y a Arnaud, 18 ans de Paris, qui avait son conseil à donner. T'es là, Arnaud? Arnaud? Arnaud? Ouais, c'est bon. Ah, ça va c'est Arnaud nickel. En forme? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Bon, bonjour. Tu fais quoi de la vie, Arnaud? T'es étudiant ou tu travailles déjà? Non, je travaille. D'accord, bon courage, tu fais quoi là? Cuisine. Ah, t'es au travail là? Ouais. Ah, d'accord. Et cuisine où ça? Comme t'es sur Paris, des fois ça peut nous intéresser. Non, c'est sur Roissy, mais c'est de nuit en fait. Ah, d'accord. Ok, quoi, tu travailles pour la bouffe dans les avions ou un vrai resto? Ouais, non, pour avion. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est toi qui nous sers cette bouffe dégueulasse. Non, c'est pas moi, vous êtes fous. Ce poison. Non, ça dépend. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Ouais, c'est comme ça. Bon, j'y tu voulais pour rien. Oui, je me doute que tu y es pour rien. Tu voulais donner un conseil à Francis, Arnaud, toi, avant qu'on appelle le mec qui veut lui péter la gueule. Bah en fait, c'est pas vraiment un conseil parce que moi, il m'est arrivé la même chose. Ouais. Mais franchement, c'est dur. Hein. Parce que moi, en fait, on était en soirée et la meuf de mon meilleur ami, elle m'a sauté dessus. Merde. Donc elle m'a taillé une pipe. Ah oui, c'est plus que sauter dessus là. Mais le plus embêtant c'est qu'après elle lui roulait des galoches mec. Oh top classe hein. Bah ouais, c'est pas de ma faute. Ouais, la top classe de chez Top Class, dis donc, super. Et du coup comment ça s'est terminé cette affaire là? Bah je sais pas, en fait il l'a su mais il voulait pas me casser la gueule, il me parlait juste plus en fait. Ah oui bah écoute oui c'est bien. Ouais c'est plus. C'est mieux ouais. C'est moins violent. C'est peut-être plus facile en effet, ouais. Bah écoute, du coup Arnaud, reste avec nous, tu vois, on va appeler le pot de l'ex-bot de Kevin ensemble, d'accord? Ok, pas de soucis. Bon, reste avec nous, Francis, du coup tu restes avec nous également. Ah non, c'est le pot de Francis, c'est Kevin qu'on va appeler dans quelques minutes. Et puis avant de s'envoyer le son de Daft Punk avec Kingston Crush, il faut quand même que je vous parle de ce qui se passe à la télé. C'est quoi ton émission de télé préférée, Francis? Si t'en as une, hein, t'en as pas, hein. T'en as pas? Ouais, j'en ai pas. Bon, et toi Arnaud, t'as une émission de télé que tu kiffes? Ouais, c'est Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, d'accord. Bah là, on va parler des amours. Dans les amours, on a trouvé la plus belle déclaration qu'on puisse faire. Oh, c'est tellement... Oh, so sweet. Il y a un perroquet lady sous le charme aussi. je te dis la vérité, je vais te dire ça, tout de suite. La vérité quoi, mais la vérité bah, c'est ça. Le jour où t'es moche, je vais te dire t'es moche, et puis voilà. Mais je t'aime quand même. T'es moche, mais je t'aime. J'y crois pas quoi. Y'a pas que le physique qui compte. Non mais est-ce que vous êtes capable d'entendre cette phrase, Thaïs? Redites-lui, Kevin, t'es moche, mais je t'aime. Allez, dites-lui dans les yeux. T'es moche, mais je t'aime quand même. Non mais moi je veux plus. Non mais là, c'est joli là. Oh là là, la violence quand même, le mec il lui a dit qu'elle est moche. C'est beau. Et dans Slam, ça devient n'importe quoi. Hein. Faut vraiment arrêter de prendre des vieilles en manque. C'est dramatique. Non seulement je vous ai tripoté, je vais recevoir du courrier encore là. Je vous ai touché. Tripoté, ah, je peux vous tripoter. D'accord. Alors, ça n'arrive pas si Colette, souvent. Pas la peine d'écrire, Colette. Elle a dit oui, que je pouvais. Que j'avais le droit. Ah oui, ça n'arrive pas si souvent, imaginez-vous, dis donc. Oh là là. Et enfin, dans Les Anges, ça change pas, sa gueule. Le but, c'est que tout le monde s'entende bien. Non, qui va ? Oh, Lily, c'est pas le monde des bisous. Pourquoi tu parles ? Moi, si je sais. Moi, si je sais. Tu vois ? Ah, tu existes maintenant, ça va, tout ça. Mais non, tu sais pas bien. Tu vas la pâche. Si tu veux une grande bouche, si tu veux une grande bouche, t'en as eu face à toi. Mais c'est toi la grande bouche ? Ouais, c'est toi la grande bouche. T'es arrivé parce que tu sais rien faire. Pourquoi tu es arrivé ? Tu es arrivé ? C'est fatigant. On dirait un poulailler. Non, je bouge pas. Une grande cabine, t'as pas de notes, t'es nulle part dans ta vie. Va plus loin, s'il te plaît, lâche-moi. C'est toi qui dis ça? Lâche-moi, oui, je dis ça. Moi, je suis à quel âge, je pas. Quelle angoisse. Waouh. Mais cette année, ils ont pris tous les pires. Tous les pires, c'est clair. Bon, les minuit 18 sur Fun Radio, restez avec nous. C'est Mickaël No Limite, prévenez vos potes. Il se passe enfin un truc à la radio. C'est de 23h à 2h que ça se passe. Dimanche, on fait l'émission en direct de Grenoble à partir de 20h. Récupération de Francis et Arnaud. On va appeler le pote qui veut lui casser la gueule. Ce sera Kevin en direct sur Fun Radio. Et on se met les Daft Punk. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Mickaël No Limite. Fun Radio. Exactement, et d'ailleurs vous appelez maintenant hein, 01 42 48 5000 si vous voulez parler avec nous ou que vous soyez en France comme d'hab. 01 42 48 5000, vous pouvez réagir par SMS également, envoyez Mickaël suivi de votre message, vous envoyez ça au 64 900 et puis on s'écoute comme promis le son des Daft Punk maintenant, c'est Instant Crush sur Fun Radio. Ah bah ça y est, hop là, je me suis mis en mode snow là, ça y est c'est fait, la photo est faite, je vais vous la mettre sur le Facebook dans quelques minutes, ça va être la folie. T'es en mode été là avec ce pantalon, ça fait très boubou. Ça va être la folie. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Ouais, je suis en train de... C'est juste que comme c'est Polo qui a fait la photo, évidemment elle est hyper sombre. Ouais. Mais je suis en train d'essayer de lui mettre un peu plus de lumière là. Et les couleurs sont tellement flashy que... Mais arrête arrête. Parce qu'il a été aveuglé. En fait, il va pas au ski, il va au Mali. Mais il déchire mon fut, t'es sérieuse là? Non mais attendez, non mais sérieux. Non, c'est le jaune qui est fluo. Mais bah, bien, non, il tape. Mais bon. Bah oui, franchement, il démonte tout là. Attends, ah, voilà, là, j'éclaircis là correctement. Attendez, je mets un peu plus de chaleur, voilà. Hop là, j'ai la planche, tout le bordel. Au moins comme ça, avec ce truc là, on va pas se rater. Ah non, ça, on saura où tu es. Ah non. Non mais c'est vrai, je veux dire, il y a un moment, on va pas se rater quoi. Ah mais ça. Alors attendez, je vous. Ça, si on te rate, c'est qu'il y a un moment, on a de la merde dans les yeux quoi. Ouais. Voilà. Bon, alors attendez, je vais vous la... Il faut que je me l'envoie sur mon ordi et je vous la poste dans quelques secondes. Voilà. Bon, en attendant, on va récupérer notre ami Francis. Bon, toujours là, Francis? Ah ouais, je suis là. Bon, allez, c'est parti. On va appeler le mec maintenant, là. Hein. Et puis, bah, tu lui parles? Ouais, ouais. Bon, très bien. Tu lui parles et puis nous, on est derrière au besoin, ok? On dirait que... Okay. Eh ouais, si jamais il fait le malin, on dirait qu'on était potes et qu'on va venir lui péter la gueule aussi, bah, qu'il va venir avec son armée d'enculé, là, surtout et puis nous, moi, on va lui faire sa fête. Je vais le démonter. Okay, okay. Surtout que moi, je suis armé, moi. Et on a l'armée des doux. Oui, en plus. Bon, je suis pas sûr qu'on ira très loin avec ça, ouh, mais on va essayer. Bon, Francis, c'est parti, on y va, on l'appelle. Il s'appelle Kevin, c'est ça? Ouais, Kevin. Allez, parfait. Pour l'instant, là, moi, je veux uploader la photo, là. Ouais. Allô? Ouais, allô? Ouais, c'est qui, là? Ouais, c'est Francis. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que tu veux? Ben, je sais pas, c'est pour savoir toi ce que tu veux. Non mais mec, t'as piqué ma copine Noélie là, et tu m'appelles. T'es sérieux? Je vais te choper, tu vas voir. Mais tu veux me choper via la loyale? Ouais, ben je viendrai à la loyale, t'inquiète, je ramènerai 2-3 heures, tu vas voir, ça va être la loyale, là, tu vois. Mais dans ce cas-là, je fais pareil alors. Vas-y, ramène des gens, tu vois. Pas de soucis. Moi je t'attends, hein. Pas de soucis. On va intervenir. Ouais, Vas-y, là, mais mec, non. Mais t'es sérieux, tu piques ma copine en soirée, là, et tu viens me voir. Mais je peux pas savoir mais que... tu te fous de ma gueule, là, mais mec, mais... Je peux pas savoir que t'es avec, hein. Ouais, ça veut dire que t'es avec. Et ma droite, tu vas voir, tu l'as mangé dans la gueule, tu vas voir. Ça donne mon gueule, là. Oh, ouais, ouais. Oh, il a pas fait exprès, ça va, là, il a glissé, ça a dérapé. Il a pas fait exprès. Ah, c'est qui, tes potes derrière? Non, mais ça va, il a pas fait exprès. Et baisse d'un ton, t'as compris? Nous, on rigole pas, nous, t'as compris? Attends, mais dis. On t'a dit baisse d'un ton, je t'ai dit baisse d'un ton. Tu sais à qui t'as affaire, là? Ah, mais, en Francis, je te jure, je te chope, je te... Tu vas rien faire du tout, T'as compris? Est-ce que t'as compris ce que je viens de te dire? Tu vas rien faire. C'est ça, vrai. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, espèce de baltringue, va? Eh, hey, mais ta voix, il dit quelque chose. Ah ouais? Je pense pas, non. Fais bien attention à ce que tu dis, à ce que tu fais quand je suis là. Moi, ça m'énerve. D'accord? Ouais, t'es sérieux? Ouais, je suis sérieux, ouais. Je suis très, très sérieux. Mais au pire, moi, je viens de la loyale tout seul. Y'a pas de soucis. D'accord, à la loyale, y'a pas de problème, on n'intervient pas, nous. Ah ouais? Et ouais. Tu me dis quelqu'un, je sais pas qui t'es, mais tu me dis quelqu'un, je sais pas. Je te dis quelqu'un. Par contre, t'as pas appris de cours de français, toi. Non, mais je veux dire, je connais quelqu'un qui a la même voix que toi. Ah, moi, bon. Ah bon? C'est peut-être ton ex-meuf. Attends, mais t'es sérieux? Oh, Francis. Quoi? Oh, mais t'es sérieux, c'est qui tes potes derrière? Je dois les connaître, je savais pas, ils les ont pas, c'est normal. Des potes, ouais, c'est ça. Mais quoi, toi t'as bien des potes, là? Tes fillettes, là. Ouais, c'est ça, ils vont arriver, ils vont te casser les dents, tu vas voir. Oh, allez, arrête. Bon, Kevin. Ouais. Bon, Kevin, allez, reste calme, il savait même pas qu'elle était maquée, la meuf, ouais. Pourquoi tu vas pas embrouiller ta meuf à la place d'embrouiller le mec qui savait pas? Bah, je suis déjà embrouillé avec elle, mais... Et bah voilà, bah, lâche l'affaire, alors, il pouvait pas savoir, en plus, c'est elle qui lui a sauté dessus. Ouais, mais elle... Quoi, elle a sauté dessus? Bah, c'est elle qui lui a fait des avances, et lui, il savait même pas qu'elle était maquée. Mais c'est tous les deux des bâtards, enfin, Mais non, ta meuf, c'est une bâtarde, elle savait qu'elle était maquée, donc c'est elle qui a fait des avances, donc c'est elle qui est une salope. Ouais, mais t'es qui, toi? Attends, mais je sais pas qui t'es... Je m'appelle Michel. Ouais, Michel, ouais. Ah, mais t'es pas avec de son radio, toi? Mais si. Tu es un enculé. Voilà. Bon, écoute, oui, Kevin. Bon, je m'appelle Mickaël, en vrai. Hein. Mais Mickaël, nos limites. Exactement. Moi, c'est Jackie. Voilà, exactement. Il y a Jackie et puis il y a Michel de l'autre côté. Voilà. Oui, oui. Non, voilà. Bon, Kevin. Non, mais sérieusement. On va t'enculer, moi. Sérieusement, il y a Francis qui nous a appelé. Il me dit, putain, fais chier, machin. Il nous a parlé de votre amitié à cause de la meuf. Tout a foiré. Il savait même pas que vous étiez ensemble. Et du coup, maintenant, tu veux lui péter la gueule alors que... Bon, bah, ok, ouais, il s'est tapé une meuf. Mais non, mais... Modèle, donc, non, mais d'accord. Non, mais après que tu lui en veuilles, pourquoi pas? Mais bon, c'est pas comme s'il l'avait su, tu vois. Tu pourrais lui en vouloir s'il avait su que t'étais avec elle et qu'il s'était quand même tapé. Là, t'aurais dit, espèce d'enculé, je vais te mettre une patate. Mais il savait même pas. Ah ouais. Bah oui. Raison, ouais, mais oui. Donc, alors, je peux lui casser les dents. Ouais, allez. Bon, allez, on va faire un deal, Francis. Hein, ouais. La prochaine fois que vous vous voyez, il te met une claque. Il te met une claque. Ouais, ouais. Et voilà. Une grosse claque, oui, ça c'est sûr. Non, une claque, d'accord. une claque, t'emballe pas. Une claque. Ouais, mais c'est Noélie, là, c'est... Enfin, voilà, quoi. Mais non, mais il l'a pas fait exprès. À ton âge, y a pas mort d'homme. Tu sais que tu vas en avoir des centaines, oui, des meufs. Une de perdue, hein, t'inquiète pas, qu'il y en a plein d'autres. Hein. Et si tu veux des moches, on a un stock chez Toff. Bah, oh là, oui. Là, moi j'ai tout un carnet d'adresses. Voilà, tout un carnet d'adresses. Ça va de la plus jeune à la plus vieille. La sale, ça pue. Voilà, la, en fait, c'est tout. Un peu le carrefour de la moche. Voilà, j'ai juste pas de grosse. Mais bon, le reste, j'ai... Le Lidl, pardon. Il y a pire que Lidl. Non mais Kevin, non mais sérieusement, j'essaie juste de dire que c'est pas la peine d'en arriver aux mains, ça sert à rien. Parce que tu vas faire ça, l'autre il va surenchérir, finalement vous allez niquer votre amitié pour une meuf qui s'est foutue de votre gueule à tous les deux. Vous allez être la victime. Et après Francis, il y en aura un autre. Alors, mais oui, bien sûr. Bon allez, faites la paix. Ah, c'est possible de passer une dédicace? Faites la paix d'abord. Allez. Oui, bon, je fais la paix, allez, c'est bon. Si c'est bon. Jamais, Kevin, j'apprends que t'as été lui mettre une patate, l'armée des doux débarque. à Carcassonne. C'est pas une petite barre, c'est pas, moi j'arrive, j'ai un problème, mais c'est bon, on casse. De quoi j'ai rien compris, est-ce que tu parles loin du téléphone? En fait, je suis dans ma douche, en fait, donc... C'est ça, il faut le sortir de l'intérieur de ta gorge. Ouais, mais en fait, si tu veux, je peux aller te voir, je lui fais une petite barre, et après, on se serre la main. Voilà, eh ben, ça d'accord. Voilà, bah ça c'est nickel. Bon bah du coup tu peux la faire, allez vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Dédicace à Noélie, Johan et tout le monde. Qu'est-ce que t'as pas pris dans une personne? Bah je sais pas, c'est des amis, voilà. Ah bah oui, mais enfin bon, il fallait choisir la meilleure, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Bon, ouais, c'est Noélie, voilà, c'est Noélie. Allez, voilà. Salut Kevin, salut Francis. Merci, ouais, ciao. Allez, merci, merci Kevin, et du coup salut Arnaud aussi, hein. Il est déjà parti. Salut Arnaud, salut Francis, retour avec Mélissa dans quelques minutes. T'as trouvé ce que tu voulais dire Mélissa? Oui, c'est le stress, c'est tout. Ah, bah alors on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi alors? Petite crise de jalousie de mon copain qui est un peu chiant. Ah bah écoute, on va en parler, bah reste avec nous. Oh les jaloux, quelle horreur. Oh là là, une angoisse ça. Permanente les jaloux. Bon, on va également se faire la colle. Ah oui, grande info, ça y est, j'ai mis la photo avec mon snow et mon pantalon là sur le Facebook et le Twitter. Oui. Ah. Par contre, tu aimerais que les gens biflent ta planche. Hein? Comment ça? Oui, vous biflez la planche. Quoi? Ah putain, enculé, oh là là, ça m'énerve, ce correcteur de merde. Alors attends, qu'est-ce que j'ai mis? Et là, attends, c'est quoi? Ah oui, vous biffez la planche. Putain. Alors attends, oh là là, il faut chier avec ce correcteur. Je vais sortir ma bite. Et tu viens, Polo, on va biffer. Voilà, c'est bon, ça va. Je vais mettre ma bite. Voilà, c'est bon, c'est corrigé là. Bon bah facebook.com/Mickaël officiel. Vous allez voir, donnez-moi. Il a biffé la planche. Ta gueule. Il y a Wargaming qui dit Mickaël stylé sur la photo avec le pantalon. Hey hey. Ouais, il y en a qui ont la classe et puis il y en a qui l'ont pas, tu c'est vois. Vrai. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai pas vu les autres messages encore, hein. Attends une seconde. Bon, allez voir facebook.com/Mickaël officiel. Donnez vos avis. Que pensez-vous de cette magnifique tenue? Bah, je trouve qu'elle est bien, franchement, parce que j'étais noir avant, j'étais tout habillé tout en noir, je me suis dit, putain c'est triste. Oui c'est vrai, j'étais noir avant. Mais non, mais je veux dire, j'avais pantalon noir, mais... veste noire et tout, et encore là j'ai pas la veste parce que je l'ai pas ici, mais je veux dire, il y a de la couleur, il y a de la vie et tout ça, et encore je vous ai pas montré mon armure. Hein. Mais t'es beau gosse Mickaël. Je vous ai pas montré mon armure qui va me permettre de descendre. Il y a Francis qui est très joli franchement, la planche gère aussi, au passage superbe tes cernes. Oui mais ça j'avais dit, hein, j'ai les cernes à vie, c'est fait, hein, voilà. Et Sébastien qui dit, il existe pour les garçons ce modèle, c'est drôle ça Sébastien, cette vieille vanne des années 80 quoi. Ouais. 80, il y a la même pour homme, il y a la même pour fille. Oh là là. Bon, Dylan maintenant avec la colle. Dylan, t'es là? Dylan? Oui. Dylan, ah ben répète la colle encore un coup, Dylan. Ah oui, il est doux, ouais. Dylan, juste après le son de Martin Garrix, on va donner la réponse. Enfin, on appellera le gagnant éventuel ou la gagnante. Alors, vas-y pour la colle, vas-y. Petit. Vous pouvez pas attendre 2 secondes? Bah, si, bien sûr, qu'est-ce qu'il peut en dire demain si tu veux. Qu'est-ce qui va pas, Dylan? Non, je suis bon. Ah bah alors vas-y. Excusez-moi. Mais je t'en prie, écoute avec plaisir, t'es chez toi, t'inquiète. Vas-y. Sans masque, le jeune est ambitieux, mais la mère le rendra vieux. Qui suis-je? Voilà, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer, vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer en allant sur le Facebook de l'émission, là aussi, facebook.com/Mickaël officiel. Dylan, t'as internet ou pas là? Oui. T'as été voir mon fut de snow et ma planche avec laquelle je vais glisser. Classe. Eh, classe ou pas? Ouais. Ah, oh, mec, toi t'es un bon, hey, give me 5. Hop, ça y est, parfait. Bah ouais, mais non, mais tu vois, Dylan, c'est un doux, il a la classe. C'est un doux. Il a la classe, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tiens, et Mélissa, t'as internet ou pas, toi, là? Non, j'ai pas internet. Ah merde. Y a rien. Bon bah tant pis alors, c'est pas grave. Mélissa reste avec nous. On va faire le karaopé aussi dans quelques minutes là. On a déjà des gens inscrits. Il en manque encore un, donc si jamais vous avez envie de jouer, on cherche 2 garçons, 2 filles. Vous appelez maintenant donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Allez, restez sur Fun Radio. Dans un instant, les appels avec Toff également sur Fun. Et puis on va se faire Martin Garrix. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Découvert dans Party Fun tous les week-ends sur Fun Radio, Martin Garrix, le nouveau, c'était Proxy. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites. limite, c'est tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Bon, alors il y a plein de messages qui arrivent à propos de cette tenue là. Christo sur le Twitter qui dit pas mal la tenue là, je kiffe trop le snow. Ah bah moi aussi j'adore. Et donc venez nous rejoindre, on sera à Orcières. Orcières 1850, c'est dans le dans les Alpes du Sud, c'est tout près entre guillemets de Grenoble. Donc si vous voulez venir faire un petit peu de snow et de ski, alors bah, Toff il skie, moi c'est plutôt le snow. Polo, bah il sait pas encore trop, mais il découvrira. Polo, il faut qu'il voit avec la neige. Ouais, voilà, il doit voir le contact avec la neige, comment ça va se passer. Et donc si vous voulez venir faire, faire les cons avec nous ce week-end, n'hésitez pas. En plus on a besoin de vous, puisque samedi soir on fera un défi aux alentours de 16h, à mon avis ce sera plus ou moins par là, sur la station en bas, tout près de merde, comment on appelle ça, l'office du tourisme. Non, c'est... Oui, si, ouais, pas l'office du tourisme, c'est bien. L'office du tourisme, c'est bien. Si, si, c'est bien, trouver, ouais. L'office du tourisme, c'est ça. Voilà, donc on va faire ça plutôt, plutôt par là. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus un jour ou l'autre, hein, y a aucun problème, ou même les deux. Il y a Romain qui dit t'as un t-shirt stylé, bah merci beaucoup. Et il faut prendre Toff en photo avec le sien aussi, on va se marrer. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a Drakid aussi, pas. Vous biffez la... Non, j'ai pas mis vous biffez la planche, Drakid, j'avais mis vous kiffez, ce connard de correcteur orthographe a mis vous kiffez, vous biffez. Non mais j'ai pas mis biflé, je suis pas débile. Valentin qui dit en direct tu vas à Tahiti. Bah le mec il va à Tahiti avec un fut pareil mec. Jérémy qui dit putain je kiffe, il claque sa mère, tu l'as acheté, je veux le même. Ah voilà, et ben voilà, ben, vous pouvez aller sur Mega Fun House sur la page Facebook, tapez Mega Fun House et puis vous allez voir, il y a le fut dessus, vous allez pouvoir l'acheter aussi si vous voulez. C'est vrai qu'ils ont des beaux trucs, mais ouais. J'ai pas trouvé, j'avais pas ma taille, j'étais ben vénère. Ouais. Puis en même temps c'est un print factival, donc pas la peine de tout acheter, ça se trouve tu vas pas kiffer. Bah si, je sais pas. Mis le snowboard. Bah ouais, mais bon là peut-être que tu vas tester pour la première fois en vrai à la montagne. Peut-être que tu vas te dire ouais en fait non, je sais pas, j'en sais rien, on verra. Oui, et on verra. Diakov qui dit classe ton snow, la vidéo vendredi, hein. Oh t'inquiète pas. Bah. Et puis Dorian aussi, ouais mort de rire, on biffe la mort la planche, t'inquiète. Voilà, oh vous n'allez pas me saouler avec ça toute la soirée là. Oh là là. Et Mathis qui dit Mickaël, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote, je vais biffer ta planche. Oh là là. Putain là. Ça y est, je vais en prendre plein la gueule toute la soirée. Là. Mais non, on peut pas là. Bon bah hors si on sera donc avec vous. Vendredi et samedi, j'espère que vous viendrez nombreux pour faire du snow et du ski avec nous. Et je voulais vous demander aussi, tiens, c'est qui les youtubeurs que vous que vous adorez? Genre Cyprien, La Ferme Jérôme, La Belle Andy, etc. Il y en a Polo et Toff. les spécialistes de la cascade. La cascade, ouais, en snowboard. La cascade. Bah venez nous dire les vidéos que vous adorez et celles que vous avez détestées également. J'en parle parce qu'il y a une youtubeuse, je vais y arriver, une anglaise, c'est Emily Hart, qui a fait une interview où elle explique qu'elle se fait traiter de par les gens qui n'aiment pas ces vidéos. Bon, évidemment, faut dire que c'est un peu spécial hein, ce qu'elle fait. Donc, si vous connaissez pas et si vous comprenez l'anglais, allez voir sur la chaîne. C'est Emily Hart en un mot avec un Y et un H à Hart. Donc, Emily avec un Y et puis Hart, H-A-R-T sur YouTube. Voilà. Et puis, venez nous dire aussi, les youtubeurs et youtubeuses là, ce que vous aimez. J'arrive pas à dire youtubeur. Ouais, c'est pas vite. Facile hein. Les YouTube. Putain. Ouais, ça fait tube. Ouais, venez nous dire les YouTube. Putain merde, enfin bref, ceux qui êtes fans de YouTube là, venez nous le dire et venez nous dire ce que vous aimez, si vous avez fait des vidéos, venez nous en parler, on fera la promo aussi de votre chaîne si jamais ça vaut la peine évidemment hein. Donc voilà, vous venez, vous nous appelez 01 42 48 5000, je vais vous mettre également le lien sur enfin le post sur le Facebook et le Twitter, comme ça vous allez pouvoir venir nous en parler. Il y a le Doc Coco qui dit moi j'adore le Palma Show. Il y a Perrine qui dit j'adore ces swag, j'adore ta planche, c'est Ness, Megumi aussi, Mickaël en jaune. J'adore, j'ai une combi rose, moi on refait les Power Rangers si tu veux. Ah bah on pourrait, faut venir Megumi. Et Colin qui dit moi je kiffe les tutos de Jérôme, il est trop fou ce mec et j'aime pas trop Normand, il est un peu mou. Daminou aussi, elle déchire ta tenue. Le Doc Coco qui dit Mémika t'es classe avec ce pantalon, j'adore. Ça va, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de smiley qui traînait. J'adore Cyprien, c'est DJ Manu. Le pantalon, il doit être bien avec la veste, je pense. C'est Célia. Ouais, alors en revanche, il y avait la veste qui était vendue avec. Je suis pas permis de prendre les deux. Ah, c'est. Non, parce que là, ça faisait vraiment. Là, ça faisait très Magic System pour le coup. Donc, mais avec le cassage de couleurs, ça va beaucoup mieux. On fait des appels, Toff. Mais allons-y. Et je rappelle que depuis tout à l'heure, on cherche des endroits pour aller tourner un film de cul. Oui. À côté de chez les gens, hein, à la Jacques et Michel, quoi. Ah bah, c'est ça, c'est parce que bon, il y en a qui ont tourné ça à Loué et la mairie de Loué n'a pas trouvé ça très drôle. Tout à fait. Pas drôle du tout. Oui, c'est d'ailleurs. Bizarre. Donc on appelle des gens depuis tout à l'heure afin de voir s'ils sont d'accord de nous accueillir. Allons-y. On débarque avec le matériel, bien entendu, grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonjour. Oui, bonsoir Roland. En fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si c'était possible de venir tourner la dernière scène de notre film porno chez vous, monsieur. C'est quoi cette connerie que mon con là? Bah, c'est pas une connerie, monsieur, c'est une question. Ah, mais c'est quoi ça? Bah, c'est parce qu'en fait, on a la dernière scène à tourner et donc on voulait savoir si on pouvait venir la faire chez vous, monsieur. Ouais. Mon poing dans ta gueule, tu veux quoi? Bah, non, monsieur, je veux pas votre poing dans la gueule, mais peut-être si vous voulez participer au film, y a pas de problème, on peut s'arranger, monsieur. Ouais, tu veux venir? Bah, oui, j'aimerais bien, monsieur. C'est quoi cette connerie? Mais c'est pas une connerie, monsieur, c'est pour tourner la dernière scène chez vous. Donc on viendrait, on fait ça proprement, et puis vous inquiétez pas, on remet tout en place. Bon, apparemment ça ne l'intéresse pas. On va quand même le rappeler. Oui, pour être sûr, pour être sûr, on a été coupé. Voilà, par professionnalisme, on lui repasse un petit coup de fil à ce monsieur. Très gentil. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Non, mais c'est quoi cette connerie? Mais c'est pas une connerie, monsieur. En fait, voilà, on est une production à petit budget, parce que c'est du film amateur, et donc voilà, on avait besoin d'un décor, et chez vous, c'est pas mal. Ouais, vous me connaissez? Bah non, je vous connais pas, mais bon, c'est juste pour avoir un décor qui ressemble à chez tout le monde. C'est quoi cette connerie? Bah c'est pas une connerie, monsieur. Vous allez me foutre la paix? Bah oui, mais on peut venir tourner quand, alors? Jamais. Bah pourquoi jamais, monsieur? C'est pas gentil, ça, monsieur. Pourquoi? Bah parce que moi je vous appelle gentiment pour venir chez vous, vous pourriez quand même nous accueillir. Moi, je vous connais pas, vous me connaissez pas. Et... Bah non, c'est ça qui est bien, monsieur, c'est qu'on se connaît pas et donc. Voilà, on se connaît pas. Donc comme ça, y a pas de problème, monsieur. On se connaît pas, on se rappelle pas. Ah oui, mais bon là, c'est emmerdant là quand même là. Il veut pas donner son avis là, bon bah, on rappelle. Oui, il on veut pas donner son accord surtout. Bah oui, je viens de vous mettre le lien là pour les youtubeurs et youtubeuses là sur le Facebook et le Twitter. Donnez vos avis maintenant là, on en parle. facebook.com/mikaelofficiel ou hashtag Mikael sur le Twitter. Ouais. Oui, non, je m'excuse, on a encore été coupé, monsieur. Ouais, je sais, c'est moi qui ai raccroché. Bah, c'est moi la paix. Bah, ça se fait pas, monsieur. Bah, c'est ça se fait. Bah, pas du tout, enfin, moi je vous appelle. On raccroche pas, on est des gens. Bah, non, monsieur, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Bah, non. J'ai déposé plainte, moi, au flic. Bah, vous avez déposé plainte pour quoi, monsieur? Parce que vous me faites chier au téléphone. Bah, oui, mais enfin, monsieur, on ne dépose pas plainte pour ça. Bon, si, on dépose plainte pour ça. Bah, pas du tout, monsieur. Ouais, c'est. Bah, non. Je vous dis de me foutre la paix, d'accord? Bah, oui, mais alors dites-moi quand est-ce qu'on peut venir pour tourner la scène? Viens tout de suite que je te défonce ta gueule! Ah, bah, vous voyez, monsieur. Voilà, ça c'est une réponse, donc je peux venir tout de suite. Hein? Bah, oui. Viens tout de suite? Bah, je viens. Je te défonce ta gueule! Mais j'arrive! Hein? Vous me laissez 10 minutes? Ouais, ouais, hein? Parce que c'est le temps qu'il faut que j'aille chercher l'actrice, hein, pour qu'on puisse tourner tout de suite, quoi, qu'on perde pas de temps. Vous participez ou pas alors, monsieur? Oh, on lui pose une question, il... Oh là là, il est relou, on rappelle. Allez, une petite dernière. Oh, mais c'est pas... Oui, monsieur, c'est pas la peine c'est de... Bientôt fini, merde. Mais c'est pas la peine de s'emporter comme ça, monsieur. Merde, on peut parler. Merde, on merde. Peut parler gentiment. Non, mais c'est ma mère, moi, demain, je bosse. Bah oui, d'accord, monsieur, mais et alors? Je vois pas le rapport. Bah rien, moi je vous appelle gentiment pour vous demander si on peut venir tourner chez vous. Et vous, mais putain, t'es con quoi? Et vous emportez, monsieur, ça se fait pas. Mais dégage, va te ramener ton film porno ailleurs, toi. Mais non, moi je voulais venir chez vous, monsieur. Pourquoi faire? Bah parce que ça a l'air sympa chez vous, monsieur. Mais fais pas chier, merde. En plus, vous avez l'air quelqu'un de fort aimable. Ah oui. Ouais, ouais, c'est ça. Hein, vous voyez? Ramène ta gueule. Ah bah si vous voulez, bah c'est ce que j'aimerais faire, monsieur, mais vous arrivez pas à me dire quelle heure je peux venir. Ah bah voilà, mais il veut pas hein. Quel relou. Ben non, mais ça arrive, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Bon, minuit 47, on en appellera d'autres tout à l'heure. Si vous avez des numéros à nous envoyer de gens encore debout à cette heure-ci et qui sont plutôt du style un peu nerveux, comme ceux-là ou comme celui-là par exemple. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà, ou celui-là encore. Tu es un enculé. Voilà, ou même ça. Ferme ta gueule. Voilà, c'était un duo avec Mémé et Mamie, Mémé et Pépé, pardon. Bon, donc n'hésitez pas, toph@funradio.fr. Il y a le, comment on appelle ça, Vive les sodomies sur le Twitter qui réclamait un petit point top tweetos parce qu'il faut savoir où il se trouve dans le classement. Bien sûr. Pourquoi il s'y trouve. Et on donne les 5 premiers maintenant. Je rappelle que c'est le numéro 1 qui repartira avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Bien entendu. Allez, c'est parti, numéro 5. Drakit qui est très mauvais aujourd'hui. Oui, bah, d'habitude il est premier, ouais, donc effectivement il est plutôt mauvais, numéro 5. Numéro 4. Vive les sodomites. Bien sûr, donc il est quatrième. Il reste encore un peu de travail. Hein. Numéro 3. DJ Roms. Numéro 2. Fred S34. Et numéro 1, actuellement du moins. Elliot. Et ben voilà. Mais qui est en passe de se faire dépasser par Fred S34. Attention, je rappelle qu'à 2h du mat, on terminera ça et puis on verra quel sera le numéro 1 qui repartira avec le sextoy offert par Passage du désir.fr. Voilà. Il y a Mickaël Apéro aussi sur le Twitter qui dit un joyeux anniversaire à ma chérie que j'aime et qui vous écoute. Merci Mickaël et toute l'équipe de Fun. Bah on va surtout mettre la musique. Allez, bon anniversaire la chérie de Mickaël Apéro. Voilà. Ah non, c'est Mick à l'apéro. Ou Mika à l'apéro. Bon, je sais pas, écoute, on verra bien. En tout cas, tu t'es reconnu. Voilà. Faut écouter la finale, bien entendu. Le dernier gémissement est toujours intéressant, bien entendu. Guillaume qui dit le meilleur youtubeur, c'est Jojo Bernard. Je connais pas perso. Deverse45 qui dit moi perso, je surkiffe ta planche, je la veux bien pour mon anniversaire. Ah, j'imagine, Deverse. Manon également sur le Twitter, pour pas faire original, mes youtubeurs préférés, c'est Normand, Monsieur Dream. J'aime bien aussi What the Cute. Et puis, message aussi de Vive les Sodomites qui proposait le Palmacho. Et le Doc Coco qui dit YouTube, la page de Toff. Ah, il devrait noter, hein, il devrait sa place dessus. Faire. Donnez-nous vos avis encore là, facebook.com/mikel officiel, je vous ai mis le post, allez y répondre. Et sur Twitter également, twitter.com, tapez mikel underscore, c'est le petit tir en bas, officiel. Ajoutez-moi sur Twitter et je vous ajouterai également, pareil sur Instagram évidemment. On va reparler des manies avec Marvin dans quelques minutes, avec Riyad. Et puis on va donner la réponse à la colle, surtout maintenant avec Dylan. De retour Dylan, dernière fois qu'on te prend à l'antenne. Et peut-être que dans quelques minutes tu vas repartir avec une tablette, une iPad mini. Ouais, j'espère. Bah, je te le souhaite. Oh, il est doux. Il est doux, il est tout doux. Totalement. Il est doux, doux, doux. On y va, Dylan. On appelle maintenant quelqu'un au hasard. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la réponse à ta colle, elle ou il gagne. À ce moment-là, tu perds. Si personne ne décroche ou que la réponse n'est pas bonne, c'est toi qui gagne. Ok. Allez, on y va. C'est parti. On appelle. Je te souhaite bonne chance, Dylan. J'espère. Bah, écoute, on verra bien. Bon, dans le pire des cas, tu repartiras quand même avec un pack Fun. Tu seras pas venu pour rien, quoi. Voilà. Allez. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Alex. Salut Alex, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, il y a Dylan qui a une colle à te poser. Ok. Allez, vas-y Dylan. Avec ou sans masque, le jeune est ambitieux, mais la mère le rendra vieux. Qui suis-je? Alors, je dirais le loup. Oui, c'est ça. Oh putain, oh là là. Eh ben bravo, comment tu t'appelles encore? Rappelle-moi Alex, c'est ça? Alex, ouais, Alex, ben bah voilà Alex, très bien, bah l'iPad mini ça c'est pour toi. Et puis Dylan? Oui. Oh c'est perdu, merde. Oh. Bon, hey, Dylan, parce qu'on m'a dit qu'il en restait encore une. Est-ce que t'aimes bien, est-ce que t'es un peu un casse-cou? T'aimes bien genre les vélos, les skates, trottinettes, tout ça ou pas? Ah oh ouais. Ah ouais. Bon alors, tu te souviens quand on a fait les vidéos avec la trottinette là, qu'on a explosé les murs de Fun? Oui, bon. J'ai vu avec Toff. Bon, de quoi? J'ai vu avec Toff, oui. Ouais, avec Toff, il y avait moi, il y avait Sandro, il y a que Polo qui était mort des JO encore, mais bon. Ouais. Bon, ben je vais te filer la trottinette, Dylan. Oh, cool. Voilà, comme ça tu l'auras, tu vas pouvoir aller te marrer et tout, et faire des conneries avec c'est la trottinette. L'original, hein. L'original, évidemment. Vrai. The original. Yes. The one. Merci. The only one. Bon, et c'est exceptionnel que j'offre un cadeau au perdant, hein, Dylan. Ouais, thanks. Bon, thanks. C'est parce que t'es doux. You're welcome, my friend. Yeah. You speak English? Non. Bon, un petit peu quand même, apparemment. Bon, salut Dylan. Ok, bisous. Allez, ciao à toi, bye. Dylan. Comme ça, au moins, il sera pas resté pour rien. Bravo, Alex. Tu retournes au standard aussi, toi. Ok. Salut, merci à toi. Merci, Fun. Bah, merci. Avec plaisir. Ciao à toi. Ciao à toi, Alex, c'est ça. Riyad, dans un instant, le retour. Mélissa, le retour également. Marvin également. Donc, Mélissa qui voulait nous dire que son mec était trop jaloux et que bah ça l'a saoulé, ce que je peux totalement concevoir. Eh ben, on va en parler sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, 01 42 48 5000 pour nous appeler ou que vous soyez en France. Bah faites le numéro, en plus c'est un numéro qui n'est pas surtaxé. Hein. Vous pouvez nous appeler sans problème, c'est gratuit, ça décompte du forfait, c'est pas en plus, donc no malaise. Et puis envoyez également Mickaël au 64 900 par SMS pour réagir. Allez, c'est parti, on s'écoute Pharrell Williams maintenant, c'est Marilyn Monroe sur Fun. This one goes out. Le son de Marilyn Monroe, c'est Pharrell Williams sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites. Limit, c'est tous les soirs, 23h-2h, sur Fun Radio. Et on est effectivement en direct comme tous les soirs sur Fun Radio. Allez-y, balancez vos messages, prévenez vos potes qui ont fait un truc à écouter le soir à la radio. Eh oui, terminez de devoir écouter des émissions chiantes. Hein, ouais. Bah oui, voilà, ouais. C'est ça. Bon, on est là maintenant, on fait notre possible pour égayer tout ça grâce à vous tous les soirs. Il y a l'armée des doux sur le Twitter qui dit un doux, Dylan vient de gagner la trottinette. Il y a Nico qui dit les youtubeurs les mieux, c'est Tuto Bagel et Camille What the Cute. Il y a également Nico qui dit les youtubeurs les mieux, c'est. Ah bah je l'ai déjà lu. Mickaël, je te kiffe. Bah merci beaucoup, gros bisous à toi, Lola. Alexandra aussi, moi j'adore Connasse, je suis mort de rire à chaque fois. DJ Roms qui dit perso, moi j'aime bien Hugo tout seul, Natou vidéo, Andy raconte, Monsieur Dream, Norman des vidéos, voilà. Voilà, voilà, Elwen également, j'aime bien Minute Papillon, Cyprien, What the Cute et Biflet ta flanche. Alors arrêtez avec ça, j'ai voulu taper kiffer, ce connard de correcteur orthographique a mis biffer. Avec Toff, on va devenir des youtubeurs, et notre première vidéo YouTube, ça va être le biflage de ta planche. C'est ça, et 69 degrés aussi sur le Twitter. Moi je follow Mamadou, Sekpa, vous connaissez? Non. Bon, d'accord. Drakit aussi, moi j'aime bien toutes les chaînes des youtubeurs hein, qui font des vidéos sur les jeux vidéo et vidéos humoristiques. Joss également, mes youtubeurs c'est Squeezie et Benoît DX9 et Xenecton qui dit moi je kiffe Nubs Diablox, Neuf Cyprien, Norman et voilà. Et puis Hugo qui dit moi je kiffe Golden Moustache, Cyprien, Squeezie Hugo tout seul pardon, et Norman et les tutos également de Minute Papillon. Et enfin Thomas, la vidéo de Norman avoir un chat, c'est juste énorme. Bon bah continuez à balancer vos messages, allez sur le Facebook également, facebook.com/mikaelofficiel, venez nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux, donc on est à la cool, on est au mode pépère, on est en mode famille. Oui, ouais. On est bien. Et en plus vous avez la magnifique photo où j'ai mon nouveau pantalon de snow que j'utiliserai ce week-end au ski. Qu'est-ce que tu aimes beau. Ah oui, avec la planche également qui va bien. Donc allez donner vos avis, est-ce que vous la trouvez bien ou pas. Quoi qu'il en soit, pour les auditeurs qui veulent nous rejoindre, vendredi et samedi on sera à Orcières 1850, c'est la station de ski dans les Alpes du Sud, c'est pas très loin de Grenoble, donc vous pouvez venir me rejoindre évidemment, enfin nous rejoindre pour faire un peu de ski ou de snow avec nous. Prenez quand même votre matos avec, hein, sait-on jamais quand même. Et surtout, vous allez pouvoir me reconnaître facilement. Ah bah oui, ça on pourra te représenter. Ah bah avec le de pantalon. Loin sur les pistes. Ah oui, avec le pantalon, je peux vous dire que on ne me verra que moi. Ah bah. Ah oui. Mais les gens acclameront, ils font Mickaël. Bah ça, je sais pas si on va aller jusque là, mais bon. On va se faire dans quelques minutes le karaopé sur Fun Radio. Le principe du karaopé est donc comme je le dis à chaque fois, relativement simple, n'est-ce pas? Oui. On va passer un extrait de musique, comme par exemple genre celui-là. Qui était en fait le son de Lady Gaga. Ou encore celui-là, qui était Indochine. Vous l'avez compris, je vous mets des extraits de paix et avec un rythme, bien entendu, avec un air, et il faut découvrir la version originale. On va jouer dans quelques minutes, mais avant cela, on va parler avec Marvin, qui est avec nous de Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Salut Marvin. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bien et vous? Bah très bien Marvin, très très bien. Tu voulais parler des manies toi, on en parlait en début d'émission. Est-ce qu'il y a un mec en fait de 40 ans qui s'est fait... qui est mort en fait, une crise cardiaque, parce qu'il se rongeait les ongles à cause de toutes les crasses qu'il y a en dessous des ongles, etc. Et ben voilà, il a eu une crise cardiaque due à ça. Qu'est-ce que tu as comme manie toi? Non, moi c'est pas ça, moi en fait c'est comment? Moi j'ai ma manie et mes parents c'est sur le gène. C'est quoi? C'est un gène pour eux et moi c'est ma manie. Ah c'est quoi? Parce que moi, en fait, j'écoute une musique, je peux l'écouter 50 fois d'affilée. Ouais. Toujours la même chaque fois, je répète le rythme avec le bruit de ma bouche. Et je peux faire Martin Garrix Animal. Vas-y. Mais c'est vraiment le bruitage basique, quoi. C'est pas grave, vas-y. Ah oui, d'accord, oui, ça peut faire aussi. Mais ça, toute la journée comme ça, c'est toute la journée, c'est vrai qu'à force... Ah ouais, à force, c'est chiant, ouais. Non, mais à force, t'aurais jamais une claque, moi, je te confirme. Oh là là. Non, mais mes parents, je sais pas comment ils font pour... Pour te supporter, eux non plus. Justement, moi, c'est ce que j'appelle une manie. Ouais, c'est une manie, c'est une manie assez chiante, je dois bien admettre. Putain, moi, j'ai quelqu'un comme ça qui arrête pas de chantonner. Mais ça m'arrive même au boulot, franchement, à force c'est même au boulot quoi. À ton boulot? C'est vraiment impressionnant. Mais non, là je n'y suis plus, mais franchement, j'y étais tout à l'heure, j'avais encore le rythme d'une musique en tête. Mais tu dois faire chier tout le monde? Bah c'est un peu ça, ouais, parce que... C'est genre le dubs avec Tsunami là. Ou alors, genre les heures. Attends, je vais mettre directement le morceau plus loin. Ah ouais, bah Asie aussi. Chevrolet's Born Again. Voilà, c'est ça celui-là. Ah mais je suis beaucoup de ce style-là et à force, ben, toute la journée, même au boulot, là je suis rentré il y a 2 heures du boulot et franchement, j'ai encore fait comme un air apprenti cuisinier. Ah oui. Ouais, c'est bien parce que tu peux taper sur les casseroles et tout, c'est cool. Ouais, c'est un peu plus chaud parce que, voilà, hein, éviter le bruit pour les clients. Non mais écoute, après pourquoi pas, hein, c'est un concept comme un autre. Mais c'est quand même une manie assez chiante, c'est vrai. Je suis dans la musique électro depuis que je suis tout petit. J'ai 17 ans et ça fait, je vais pas mentir non plus, ça fait 8-9 ans que j'écoute de l'électro. J'écoute de l'électro depuis mon petit jeune âge, quoi. D'accord, bah écoute, c'est bien. Mais écoute, tant que t'as le rythme et que t'aimes bien, tant mieux. Attends, il y a également Riyad qui est avec nous d'Albi, là. Salut Riyad. Salut Mickaël. Comment, on dit Riyad ou Rayad? Ah, il est parti. Quoi? La question ne lui a pas plu. Rayad? Oui. Ah, on dit Riyad ou Rayad? Tut. Riyad. Ah, Riyad, donc j'avais bien raison. Alors, Riyad, donc c'est quoi ta manie, toi? C'est comme grillade. Mais c'est comme grillade. Alors? C'est, tu sais, au bout des doigts, t'as les ongles et après, t'as la peau, là. Ouais. Ouais. Ça, je fais que bouffer ça tous les jours, ça. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas, je sais pas, ça fait bizarre, ça me fait comme du bien à la peau et au sein. Du quoi? Du bien. Je mange ouais. La peau et je jouis. Ça te fait du bien. Ah mais t'as raison. Mettre du caca, faut faire du bien. Mais ouais. Du caca, tu pourras plus jamais te les mettre dans la bouche. Non mais exactement, mais enfin c'est pas du caca, mais disons qu'il y a des produits comme ça qui existent en pharmacie. Tu vas les chercher, tu vas mettre une sorte de vernis. Et en fait quand tu mets en bouche, t'as un goût tellement dégueulasse que tu perds l'envie de mettre tes doigts en bouche. Ça marche très bien. Hein. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, qui c'est qui a le bip là? Mais je pense que c'est Marvin qui nous a mis en attente. Non, c'est Riyad. Marvin, t'es là? Ouais, je suis là, moi. Ouais. Riyad, t'es là? Ouais. Je crois que ça vient de chez Riyad. Ah ouais. Mais c'est pas grave. Bon, donc, et tu t'essayes d'arrêter ou ça, tu t'en fous? T'es bien comme ça? J'essaie d'arrêter parce que. Enfin, pourri là, ça pique, tout ça. Bah oui, évidemment que ça pique, surtout quand tu vas trop loin, t'as déjà saigné, je parie, non? Ouais. Ah bah oui, ça m'étonne pas, ouais. Bon, bah merci Marvin et Riyad d'avoir appelé, hein. Vous revenez quand vous voulez, ouais. Tous les deux. Attends, d'abord Riyad, vas-y, tu me dis. Je peux faire une petite dédicace? Allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Ouais, c'est tout Albi. Très bien, et bah message passé, sans vous, problème. Ouais. Oh bah merci beaucoup Riyad, merci à toi. Je peux te gratter un petit cadeau, Mickaël. Oui, tu vas gérer avec le standard, on va te filer un pack fun. Merci. Salut Riyad, merci d'écouter Fun. T'as prévu tes potes que tu passes ce soir à la radio? Bien sûr. Ah, bon, on embrasse tout le monde. T'es dans quel bahut, toi? Saut-de-Sabot. À Saut-de-Sabot, où ça? À Saint-Julie. À Saint-Julie? Ouais. D'accord, ok. T'as repris les cours, là, non? Non, pas encore. Ah, lundi prochain? Ouais. Bon, bah, profite bien des derniers jours, alors. Ouais, merci. Bon, ça roule. Allez, salut à toi et salut à tous tes potes, Riyad. À bientôt. Ouais. Ciao, ouais, à toi. Merci. Ciao, Mickaël. Tu voulais ajouter un truc, Marvin? Bon ben moi je salue toute l'équipe déjà. D'accord, c'est gentil. Bah, nous aussi. Puis, bah voilà, c'était la seule dédicace, mais c'est bon. Les potes que j'ai prévenus, franchement. T'as bon, prévenu combien là? Je sais pas, une petite dizaine. Ah quand même, c'est pas mal. T'es dans quel bahut toi, Marvin? Moi je suis dans un CFA Interpro, donc c'est le corps de métier au niveau des apprentis. D'accord. Eh ben on embrasse tous les apprentis qui écoutent alors, tout simplement. Eh ben merci à vous d'écouter, et puis merci à toi aussi Marvin, tu reviens quand tu veux. D'accord, y'a pas de quoi, merci. Salut à toi Marvin, ciao. Et on va prendre Mélissa également qui est avec nous là. Mélissa, t'es de retour? Toujours. Bon, Mélissa, 16 ans, de Blois, qui nous appelle parce que son mec est trop jaloux. Bon, alors Mélissa, est-ce que t'as un exemple particulier à nous donner? Ouais, donc par exemple, c'était ce matin d'ailleurs, je dormais, précisément, il y a un de ses potes qui est rentré déjà de une. Il est rentré, déjà, j'étais pas habillée, j'étais sous la couette, et donc il est rentré, il a fermé la porte directement. Et c'est passé, donc je suis en train de manger, puis il a fermé, il a pas regardé. Et donc après, puis mon copain il m'a appelé juste après, une fois je suis habillée, il est parti. Ouais. Du coup on était que tous les deux avec son pote puisqu'il est parti tout seul. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'il était parti, moi je me suis endormie, puis on s'est endormis tous les deux. Mais en fait, il était resté au bord du lit à mes pieds et moi je dormais. Et au bout d'un moment, finalement j'ai dû éteindre mon téléphone puisque mon copain n'arrêtait pas de m'appeler. Et donc Et puis quand il est revenu, je me suis fait réveiller en sursaut parce qu'il croyait que j'avais couché avec lui et tout, alors qu'on n'avait rien fait et qu'il avait, et puis en plus qu'il avait changé de pièce le temps que je m'habille, son pote. D'accord, je vois pas où tu veux en venir. Hein. C'est en fait, je dirais ça. En fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que il m'a fait une crise de jalousie juste parce qu'il croyait que j'avais couché avec son pote le temps qu'il était parti à la Croix-Rouge. Ok. Qu'est-ce qu'il est parti faire à la Croix-Rouge? Un peu en galère. Ah d'accord. Mais pourquoi il est pourquoi il a cru que tu t'étais tapé son pote? Je sais pas, c'est souvent comme ça, il m'a fait des tests de jalousie un peu idiots. C'est complètement idiot. Il me fait des crises de temps en temps, je comprends pas du tout pourquoi. Non mais dis-lui, il y a un moment où tu as déjà mis les choses au point avec lui, ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça va le 27, ça fera 4 mois. D'accord. Non mais dis-lui, mets-lui un petit ultimatum comme ça. Tu lui mets un petit coup de pression. Tu lui dis, écoute, c'est bon, moi je t'ai jamais trompé, j'ai pas envie. Si j'ai envie de te tromper, je serai pas avec toi. Donc arrête un peu de me saouler. Et tu lui dis, au plus tu vas me saouler, il y a un moment ça va finir par arriver tellement tu vas m'en parler. J'ai arrête de m'en parler. Reste tranquille. Comme ça au moins il y aura une raison de s'engueuler. Voilà, c'est ça. Non mais qu'il reste tranquille. Attends. Qu'est-ce que c'est chiant les gens jaloux. Je déteste ça. Surtout sans raison. Mais en plus, oui, c'est ça. Mais là, quand il n'y a vraiment aucune raison et que c'est gratuit, oh là là, c'est une horreur. J'ai dit 15 000 fois essayer d'arrêter et que je faisais pas ça, je suis pas comme ça et ça me putain. Et maintenant, je dis rien, je dis jamais rien, je suis super gentille. Mais au bout d'un moment, ça... C'est ah, ça te saoule. Bah bien sûr. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec des garçons ou filles jaloux, là? Non, jamais. Non, jamais, moi, non, avec mon caractère, ça peut pas tenir. Quoi. Ah, ça, c'est sûr. Bon, appelez-nous si jamais vous êtes déjà. Alors, si vous êtes jaloux ou jalouse, ou si vous êtes déjà sorti avec quelqu'un de jaloux, 01 42 48 5000 pour la France, hein, vous nous appelez. Pour la Belgique, 02 851 4x0. Bon, bah, Mélissa, reste avec nous du coup. On aura Léa dans quelques minutes. On aura Kevin qui va nous parler de YouTube. Et puis, on va se faire le son. Alors, c'est Fédé Legrand, on l'avait demandé tout à l'heure, là. C'était le Long Way From Home, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh bah, parfait. Hop, ça tombe bien, il est là. 1h08, on mettra également le nouveau. Alors on sait pas si c'est un nouveau ou pas, mais bon, c'est un son qui traîne sur internet. Il y en a qui disent que c'est le nouveau son des Daft Punk avec Jay-Z. Il y en a qui disent qu'il est déjà sorti il y a 4 ans, enfin qu'il a été torché il y a 4 ans. Donc bon, on verra bien, on va vous le mettre tout à l'heure. Et puis vous nous direz si vous aimez ou pas, hein. Ça me paraît à mon plan. Ouais. C'est plus simple. Voilà, on fera d'autres vidéos, on fera d'autres appels aussi avec Toff. Et on écoute Fédé Legrand maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de cons. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Oui, exactement, il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. C'est sur Fun Radio, 23h, 2h. Et le dimanche de 20h à minuit. Prévenez vos amis, tous les ignorants qui ne sont pas encore au courant. Eh bien, prévenez-les qu'il se passe quelque chose. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Et nulle part ailleurs. Il y a Lola qui dit sur le Facebook, oui, j'avais un ex qui était super jaloux. Un jour ça m'a saoulé, je l'ai giflé, il est parti. Oui, c'est expéditif, c'est très expéditif. On dit ça parce que on a notre amie Mélissa qui est avec nous et qui est avec un mec hyper jaloux, elle voulait des conseils. Il y a le Doc Coco qui dit la jalousie est la meilleure des preuves d'amour. Tu parles, c'est la pire, Doc Coco. Oui. Au contraire, ça prouve que tu n'as pas confiance en ta copine ou en ton mec, ce qui est une preuve de non-amour. J'ai envie de dire, c'est l'horreur. Après, je dis pas, c'est sûr que vous pouvez avoir une petite touche de jalousie, c'est mignon, mais quand vous prenez la tête à votre copain ou votre copine tout le temps, c'est une angoisse. Hein. Tony qui dit, il y a une copine à ma mère qui est trop jalouse d'elle, tout ça parce qu'elle a une autre copine et que ça a fini en engueulade un soir. Oh là là. Maxence qui dit, le meilleur youtubeur, c'est le rire jaune de Toff c'est le rire jaune et Toff devrait faire un site porno YouTube. Bien sûr, mais je vais y penser. Il devrait vivre les sodomites. C'est vrai que c'est chiant les jaloux. Et le prince Nadia sur le Twitter encore qui dit, j'ai une amie qui passe son temps à triturer la peau de son visage. Elle cherche à percer les boutons inexistants. Résultat, elle a des traces. Bah oui, forcément. Sans si un moment, tu creuses dans ta peau. Et Julie qui dit, j'ai flippé, ma radio ne marchait plus pendant 2 minutes. J'entendais plus Mickaël, j'ai eu trop peur. Mickaël, je vous adore. Bah oui, nous aussi du coup, Julie là. Bah merci en tout cas pour le message. Et Byron Love qui dit, les gars, c'est vrai que le numéro 01 42 48 5000 n'est pas surtaxé pour appeler Fun. Si c'est vrai, je pourrais les appeler. Bah bien sûr que c'est pas surtaxé. Ni celui pour la France, ni celui pour la Belgique. Aucun des deux n'est surtaxé. Si vous avez un forfait, ça décompte du forfait, c'est pas en plus. Alors méfiez-vous aussi parce que tous les numéros qui commencent par un autre numéro que entre 01 ou 05 pour la France, tous les autres sont surtaxés. Ah, 08, 09. Non, il y a les 09 7. Aussi. Ah, et les 09, c'est les box. Ouais. C'est vrai. Donc voilà. Donc méfiez-vous. Tout ce qui est même les numéros gratuits. 0800 et toutes les merdes là. C'est payant. Ça vous, en fait, non, c'est pas payant, mais c'est-à-dire que si vous appelez d'un fixe, c'est gratuit, mais si vous appelez d'un portable, ça vous coûte de l'argent, ça vous pompe au-dessus du forfait en fait. Vrai. Donc c'est en fume. Donc les numéros gratuits ne sont pas gratuits pour les téléphones portables. Méfiez-vous, voilà. Alors que nous, pour le coup, c'est gratuit. 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4 x 0. Ça décontracte votre forfait et en plus, dès que vous arrivez au standard, on vous prend et on vous rappelle pour passer l'antenne. Donc quand bien même ça aurait été payant, c'est pas grand-chose. Guillaume qui dit, moi ma manie c'est de faire craquer mes os. Ah ouais, des mains là. Oh. Genre ça. Merde, ça marche pas évidemment. Attends. Ah, quelle horreur. Voilà, ah, un seul. C'est ça. Ah. Bon, je le faisais souvent avant, mais non, j'ai arrêté. Il y a Léo également. 6 mois, jour pour jour que je vous écoute, serait-il possible d'avoir un message de bienvenue? Merci beaucoup. Bah, évidemment, Léo. Pour un anniversaire comme celui-là, tu penses bien qu'on va le faire? T'es enculé, gros connard. Voilà. Un voilà, bon anniversaire. Léo. Eh ben, merci d'avoir fêté. Merci d'écouter. Alors, on va jouer maintenant avec Ali, avec Jamel, avec Darlène, avec Aurélie. Salut tout le monde. Salut. Comment vous allez, les gens? Bien. Bon, bah ouais, moi je vais plutôt bien. Alors, on va commencer par les filles. Darlène de Perpignan. Ouais. Comment ça va? Bien. Bon, tant mieux. D'autre côté, il y a Aurélie de dans l'eau de Trèbes, c'est ça? Oui. Très bien. Bon, eh ben parfait. Soyez les bienvenus. D'autre côté, chez les garçons, il y a Ali de Beauvais, 28 ans. Salut Ali. Oui. Salut, salut, Mickaël. Salut, salut. Et Jamel, 42 ans, de Lille. Salut, salut, Jamel. Salut. Bon, alors, on va jouer ensemble. Oui, oui, Darlène, tu voulais dire un truc? Ah, je veux pas, ils vont gagner. Bah, pourquoi? Non, c'est bon. On veut rien dire. Bon, Jamel, Ali, vous allez jouer ensemble. Jamel, il y a beaucoup de bruit autour de toi. Si tu peux te mettre dans un endroit où il y a un peu moins de bruit, parce que ça fait beaucoup de brouhaha. Oh, c'était beau, c'était spécial. Oui, je trouve aussi. Je pourrais m'en souvenir comme ça, là. Bon, Ali et Jamel, donc d'un côté les garçons, Darlène et Aurélie, d'autre côté pour les filles. Le but du jeu, très simple, il y a 5 extraits en mode paix. C'est ce qu'on appelle le karaopé. Je vous balance le premier extrait. Le premier qui a la bonne réponse doit impérativement donner son prénom et ensuite donner la réponse. Si par exemple, il y en a un qui est, je sais pas moi, Rihanna, et que Ali dit « Rihanna », et je ne validerai pas. En revanche, si du coup Darlène et Aurélie n'avaient pas trouvé et disent hop, Aurélie, Rihanna, le point ira chez les filles, d'accord? Ok. Très bien. Darlène, t'as pas dit ok toi? Bon, Jamel, il faut vraiment que tu... Jamel. Jamel, faut que tu te mettes dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mec, parce que sinon on va pas s'en sortir. D'accord. Parce que ça crie derrière et tout là et du coup le mieux c'est les chiottes. Voilà. La télé, la radio. Ah bah en plus ouais bah il faut enlever la radio et te mettre dans un endroit isolé Jamel, okay, sinon Darlène et Aurélie vont rien entendre. C'est bon, je vais rendre pas de bruit. Et pareil pour Ali. Allez on y va, c'est parti, premier extrait maintenant, écoutez. Go. Ali. Stromae, mauvaise réponse. Les Daft Punk. Les Daft Punk pour Darlène, il faut donner ton prénom d'abord Darlène, mais c'est pas la bonne réponse non plus. Pas d'idée? Pas d'idée. Alors je peux vous donner un indice. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il a des. C'est un synonyme de manie. C'est genre. Y en a qui ont des tocs et d'autres qui ont des. Non. Tu vois pas? Des tics. Ouais. Mais qui chante alors? Ah oui, je sais, j'ai trouvé. Ah d'accord. Vous voyez pas? Non, je vois pas. Non, facile. Bah ouais, c'est Robin Thicke avec Blur Red Lines. I know you want it. Eh oui, bon, extrait suivant. 0-0, c'est pas grave, on y va, on enchaîne. Je me rends compte qu'à l'écoute c'est quand même violent, c'est quand même hard. Ouais. C'est quand même trash. Après quand on a l'extrait sous les yeux ou quand on entend l'extrait après, on se dit oh putain mais bien sûr. Mais là j'avoue. Alors écoutez bien. Ah ouais. Alors je peux vous le faire. I wanna scream. I wanna scream and shout. Ali. Ah non. Je sais pas. Il y a Aurélie, pardon, Aurélie. Scream and Shout. Oui, mais de qui? Britney. Britney Spears et Will.i.am. Ah oui. 1-0 pour les filles, bravo les filles. Extrait suivant, vous êtes prêtes? Enfin, vous êtes prêts plutôt, hein, c'est genre j'ai déjà viré les mecs, moi. Allez, c'est parti. Vous pouvez jouer chez vous aussi, hein, avec le Twitter hashtag et Mickaël, ou en envoyant vos réponses par SMS. C'est un duo avec Lily Allen. Voyez pas? Non, on voit pas. Et la meuf qui chante adore le rose. Ali, Ali, Ali, Ali. Katy Perry. Ah non, perdu. Aurélie. Nicki Minaj. Ah non, ah non, non, non, non, non, non, ah non, non, c'est plus simple, c'était plus simple. Ah bah ouais, Darlène. Je joue au bout de la langue. Ah oui, bah. C'est Britney. Du père, crache-le. Jamel. Jamel Britney. Jamel, non, non, non, c'est pas Britney, c'est juste avant Britney, là. Personne a de. Alors je vous le remets quand même, un petit coup là. Non, c'est pas Shakira, non, c'est en duo avec Lily Allen et la et l'autre meuf qui chante, c'est un duo de filles. Donc il y a et Lily Allen, bah l'autre là, elle aime bien le rose. Ouais. Romain a trouvé sur Facebook. Ah, Romain a trouvé, bravo Romain. Qui Ali? Rihanna, non. Je non. Elle adore le rose. Shakira. Non. Aurélie. Ouais, sur Twitter ils ont trouvé aussi. Ouais. Ah ouais, tu dis quoi Aurélie? Lady Gaga. Lady Gaga, non. Elle est française. Elle est américaine. Elle est américaine. C'est pas Shakira, on l'a déjà dit. Bah, il a donné un indice. J'ai pas donné un indice. J'ai donné la réponse quasiment. Carrément, ouais. Bah oui. Ouais, en plus. Ouais, tout le monde a trouvé, hein, sur Facebook et sur Twitter. Bah oui. Ali. Pink. Mais oui. Ouais. Ah bah oui, c'est con, hein. Bon, allez, bah voilà, Pink avec Lily Allen et True Love. Bon, extrait suivant, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Elle est violente, celle-là. Ouais. Elle est mariée avec Jay-Z. Et ils ont eu un petit Ouais, non, c'est Jamel. Beyoncé. Ce qui nous fait 2 pour les garçons, 1 pour les filles. Ah là là, les filles. Ah oui, les filles avaient bien démarré. Mais il en reste un, attention, celui-là il est violent, hein. Est-ce que vous êtes prêts? Il est hyper connu. Hyper connu, mais va t'en trouver le nom du mec. Vous êtes prêts? Jamais prêt. Mais Ali, il a mis ses 4 lignes de temps là, tu sais, pour être sûr, il s'est arrêté et tout, tranquille. Non, non, je suis. Ou alors c'est Jamel, j'entends tac, tac, tac, tac. Non, non, c'est moi, c'est Ali. Ah, d'accord, ok. Bon, on y va, écoutez bien. Ah, je connais. C'est de la chanson française. Jamel. Non, j'avais dit. Bah vas-y, vas-y, c'est quoi? Cabrel, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Ali. Stromae, non. C'est de la vieille, très vieille chanson française. Très vieille. Et il a le même prénom qu'un des frères Dalton. Oh, l'indice de merde. Bah oui, écoute. Ah oui, je le connais. Oui, Darlène, vas-y. De la merde. Ali. Attends, Darlène d'abord. Darlène. Ali. Jodassin. Ouais. Champs-Élysées. Ah, écoutez, ça ressemblait, hein. Ouais. Bah voilà. Et sur le Facebook, il y a Romain, il est super fort, il les avait tous. Non. Il est super balèze. Ah, il est pas mal Romain là, bravo. Bah, c'est bien d'avoir joué aussi en même temps sur le Facebook, le Twitter là, tiens, très bien. Bon, bah les filles, malheureusement, c'est perdu mes chéries. Bon, ouais, Aurélie. Ouais, vous avez été mauvaises les filles. Bah ouais. Mais victoire des garçons. Ouais. Même si, il faut quand même le dire, Ali, attends, c'est Ali, je crois qu'il a donné le plus de réponses. Ouais, c'est non Ali, ouais. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est pas mal. T'as tout donné ou Jamel en a donné une? J'en ai donné, j'ai Beyoncé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben ça va, vous avez fait un bon travail d'équipe, alors c'est bien. Allez, bravo les mecs, bravo et, ouais. Et vive les garçons ce soir. Bravo. Ouais, ah, oui. Ah oui, évidemment, évidemment. On remettra le couvert la semaine prochaine, hein, si vous voulez jouer avec nous, vous êtes évidemment okay. Les bienvenus. Et vous pouvez vous inscrire dès maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Salut les gars. On peut faire une petite histoire, allez, allez-y, bien Michael, sûr, faites-vous Michael. Plaisir. Attends, d'abord Jamel, vas-y. Il y a moyen de gratter un petit cadeau. Oui, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro Standard, t'inquiète. Vas-y, Ali, pour la... Ok, merci. Avec plaisir. Raccroche pas sur ce Jamel. Est-ce que tu dédicaces à ma petite sœur, Machouba? Eh ben, très bien. Eh ben, on l'embrasse, ta petite sœur, sans problème, Ali. Oui, vas-y, à Aurélie. Je fais une grosse dédicace à Naïs, ma cousine. D'accord, et on embrasse Darlène aussi, son téléphone a coupé malheureusement à Perpignan. Ben, merci à toi et gros bisous à toi, Darlène. Gros bisous, Aurélie, merci d'avoir participé, tout le monde. Salut, Laura, salut Ali. Salut Jamel, salut Aurélie, salut Darlène. Et puis on aura aussi Laura dans quelques minutes qui voulait donner son avis par rapport à Mélissa. T'es là, Lolo? Oui. Très bien, eh ben bouge salut pas, bah, salut Laura, bouge pas, on va parler avec toi dans quelques minutes, on ça va récupérer Mélissa avec son mec jaloux, t'es sortie avec un mec jaloux toi Laura? Beaucoup oui, mais je suis aussi jalouse donc... Ah t'es jalouse aussi toi, d'accord, ok, oui. Bon, bah, très bien, bah, comme ça au moins c'est fait. Bon bah alors impeccable, bah, tu vas nous en parler dans quelques minutes, on aura Kevin pour parler de YouTube, et puis bah, je l'avais promis, hein, le son de Major Lazer maintenant avec Shanna Paul. C'est Come To Me, bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. Si vous débarquez par hasard et que vous êtes tombé sur l'émission pour la première fois, eh bien sachez que vous allez y rester car vous avez enfin trouvé quelque chose à écouter le soir à la radio. Fini les émissions chiantes, on est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors que Mickaël No Limit dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est au cœur de la nuit sans pub comme tous les soirs sur Fun. Ici, on vous emmerde pas à s'arrêter toutes les 30 secondes là pour mettre de la pub qui sert à rien. Bah non, ouais. On est là en direct. Et il n'y a pas de pub, voilà, il n'y a pas de pub. C'est Théo qui dit salut toute l'équipe, je vous écoute depuis 4 mois et je pourrais avoir un message de bienvenue. Je vous kiffe, I love you. Bah merci Théo, mais t'emballe pas avec la I love you quand même. Hein. T'emballe pas quand même. Hein. On t'aime beaucoup aussi, mais j'ai peur que ça te fasse une déclaration d'amour tout ça là. Donc quand même. Bon, alors un petit message pour toi Théo là. Allez vous faire foutre. Voilà Théo. Il y a Étienne qui dit Mickaël, je t'ai ramené 50 auditeurs avec la plus belle fille du Bahut. Classe, Étienne. Ça, c'est bon, Étienne. Merci à toi. Et Jonathan aussi. Moi, bah déjà, bienvenue aux 50 nouveaux, là. Jonathan aussi, et surtout la fille. Ah oui. Bah, que j'embrasse, bien entendu, avec grand plaisir. Jonathan qui dit, moi, je suis jaloux et ma copine est jalouse aussi. Ah bah, ça vient, ça doit être ambiance chez vous, la maison. Hein. Jordan, j'ai été super jaloux pendant 3 ans et demi. Et à dire vrai, maintenant, je le regrette parce qu'elle a voulu qu'on se sépare. Donc, j'ai à dire que j'étais pareil que ton copain, mais je sais pourquoi il est comme ça. Bah, c'est bien que tu nous appelles, ce serait pas mal même, Jordan. Hein, appelle-nous, n'hésite pas, 01 42 48 5000. Et Wargaming qui dit, je fais des défis en vidéo sur YouTube. Exemple, je me suis foutu une capote dans le nez et sorti par la bouche. Mon YouTube, c'est Elliot DP. Quelle idée de se foutre une capote dans le pif et de la sortir par la bouche. N'importe c'est quoi. Particulier. Bon, même avec ta combinaison, t'es trop beau, je te kiffe, mon chouchou. Oh. Oh, c'est gentil, mais ça veut dire que la combinaison est pourrie. Ouais. Merci quand même. Et il y a aussi une bonne vidéo sur YouTube, c'est Luigi Clash Mario de Norman. Mazan aussi, moi les youtubeurs que j'écoute c'est JDG, Benzaï et Fantaibob. Et alors le prince Nadia qui dit j'adore l'espèce de baltringue de Polo. Ah, mais il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de chaîne YouTube pour. Non, pas encore. Pas encore, ça va venir. As soon as possible. ASAP, comme on dit. Voilà. Bon, on fait les appels maintenant avant de récupérer Patrick, Laura et Mélissa pour parler des jaloux. Kevin pour parler de YouTube. Et Léa également qui est là. Et donc, on appelle depuis tout à l'heure afin d'essayer de trouver un endroit où tourner des films de boules. Oui. Oui, puisque c'est dans... Attends, c'est quoi? C'est à Loué. C'est à Loué. Où il y a les poulets. Voilà, exactement. Ils sont venus, Jacques et Michel, ils sont venus tourner un film de boules, évidemment. Ça n'a pas plu. Oui, le maire n'a pas aimé. Exactement. Donc du coup, on l'appelle un peu partout grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de toftoph@funradio.fr afin de voir s'il est possible de venir tourner un petit morceau de film chez vous. Bah oui. On y va. C'est parti. Bout, juste la fin, la dernière scène. Oui, c'est ça. Donc merci pour tous les numéros que vous avez envoyés. Hein. Très très nombreux les numéros. Là, on en a plein. Et continuez d'ailleurs. Hein. C'est jamais. Hein. toph@funradio.fr. Il est là. Allô. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si c'était possible de venir tourner la dernière scène de notre film porno chez vous, monsieur. Attendez, je n'entends rien à ce que vous me dites. Oui. Vous me dites quoi? Non, je voulais savoir si c'était possible de venir. Je m'appelle Toff, monsieur. Oui. Et je voulais savoir si c'était possible de venir tourner la dernière scène de notre film porno chez vous, monsieur. Bien entendu, oui. Ah, écoutez, c'est vraiment gentil de votre part, monsieur. Très bien. Hein, quand est-ce qu'on peut faire ça, alors? Oh, ben, ce soir. Écoutez, avec plaisir. Eh ben, écoutez, j'arrive, monsieur. Très bien. Hein, je passe prendre l'actrice et j'arrive. Il n'y a qu'une seule actrice. Hein. Ah, oui, parce que vous vouliez participer. Ah bah quand même. Ah bah écoutez, alors est-ce qu'on peut faire ça demain? Oui ça va, enfin j'aurais préféré bien sûr ce soir maintenant que... Bah oui je comprends, je vous ai mis un peu l'eau à la bouche mais... Oui, voilà. Même, c'est le cas de le dire, oui. Oui, et donc mais forcément si vous en voulez une pour vous aussi, on peut faire ça que demain quoi, parce que là j'en ai qu'une de disponible. Bon bah alors allons pour demain, alors je me débrouillerai pour ce soir, tant pis. Et bah, oui écoutez, d'accord. Et bah à demain monsieur. Allez, au revoir. Au revoir. Eh ben voilà. Parfait. Je sais où on va tourner. C'est une affaire qui roule. Ben oui. On nous avait envoyé un autre numéro. Tiens, on va essayer de se faire un petit doublé là. Allez, on y va. Bon, allez, hop, c'est parti. On a eu Louis. Moi, j'en aurais pu rester sur un oui. Bah oui, mais bon. Allô. Oui, bonsoir madame. Pardon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si c'était possible de venir tourner une scène pour un film porno chez vous. Et ta sœur, elle va tourner une scène chez toi? Non, ma sœur fait pas ça, madame. Je veux pas faire tourner desquels, Philly. Ben en fait moi en fait on a une scène à tourner et donc on voulait savoir si on pouvait faire ça chez vous. Mais bien sûr. Et c'est quoi encore? Bah c'est tout en fait, hein, on tourne la scène et puis on s'en va, hein, on en a pour une petite heure. Hein. Mais ça va pas la tête, non? Bah si ça va, et vous madame, pourquoi? Bah non, vous venez pas tourner de film chez moi. Bah pourquoi? Bah parce que. Bah pourquoi on pourrait pas tourner chez vous madame? Bah y a des studios pour tourner, pourquoi vous voulez venir chez moi? Ah bah non mais c'est parce que c'est un film de cul petit budget madame. Ouais bien sûr, un film de cul, et puis quoi encore? C'est du porno amateur hein, madame, on n'a ouais, pas les moyens de louer un studio. Et puis quoi, moi aussi je tourne dans le film aussi. Ah si vous voulez, moi je peux vous trouver un petit rôle, y a pas de problème hein. Ouais mais oui c'est ça. Vous voulez quoi, une faciale ou peut-être vous avez des pratiques que vous préférez? Ouais, 69 si tu veux. Ah bah pas de problème, moi je peux vous arranger ça. On a un très très bon acteur en ce moment ouais, qui fait ça très bien. Bah je l'attends avec impatience alors. Et si vous avez que ça à faire, amusez-vous bien. Hein. Bah écoutez, d'accord, alors on peut venir vers quelle heure? Bah quand tu veux. Bah oui, mais enfin... Non mais sérieux, vous avez que ça à faire en vrai? Bah oui. À emmerder les gens comme ça pour savoir si on veut tourner un film de cul chez moi. Mais je vous emmerde pas madame, je vous appelle gentiment pour savoir si on peut tourner chez vous. Non mais franchement, vous avez serré en vrai. Ben non madame, ah ouais. Enfin moi je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ouais non mais franchement ça m'intéresse pas avec vos conneries là. Mais c'est pas une connerie madame. Appelez des autres personnes qui peut-être qui voudront tourner des films de cul chez eux, mais moi chez moi on tourne pas de films de cul. Ah mais si vous voulez on vous voit pas hein, madame, parce que c'est vous, parce que vous aviez l'air emballé, vous vouliez participer. Mais vous me prenez la tête avec vos films de cul, je vous dis oui comme ça vous me laissez tranquille. C'est bah bon. Oui mais... Mais si vous me dites oui, moi je viens, madame. Non, pas de film de cul, non. Donc c'est non. Non, pas de film de cul. Oui, mais c'est oui ou c'est non? Non, j'ai dit non. Bah oui, mais parce que c'est pas clair, parce que je vous disais c'est non et vous me dites non, alors forcément c'est... Non. C'est... Je ne veux pas que vous veniez chez moi tourner un film de cul. Ah bon? Mais même dans le garage? Mais j'en ai pas de garage. Ah, vous avez pas de garage, oui, forcément. Mais peut-être vous avez une cave. Et après, même si j'ai une cave... Bah, on fait quoi? Bah on tourne dans la cave vite fait, on fait une petite scène quoi. Ouais, y a pas de film de cul chez moi et y a pas de cave, même si j'ai une cave. Appelez des autres gens, qu'est-ce que vous m'emmerdez moi? Mais oui, mais alors vous avez une cave ou vous avez pas de cave? Et après, si j'ai une cave, ça fait quoi? Bah on peut tourner dans la cave alors. J'en ai rien à foutre, je vous dis que je m'en tape de votre film de cul. Oui, bah c'est pas grave, vous en taperez une à une fois qu'on l'a tourné, y a pas de soucis. Y a pas, vous venez pas chez moi. Bon bah tant pis hein madame. Ouais, je suis désolé pour vous. Bah oui, pas autant que moi. Hein. J'imagine. Bon. J'imagine. Bah une bonne soirée. Mais franchement, ouais, vous aussi, vous avez que ça à faire, sérieux. Bah oui. Ouais, franchement. Bah, oui, moi j'ai que ça à faire. Bah oui, moi je tourne des films et puis il faut que je trouve des endroits pour les tourner, quoi. Enfin, ouais, normal. Mais pas chez moi. Oui, j'ai compris. Pas chez voilà. Moi. Voilà. Voilà. Bon, bah une bonne soirée alors. À vous aussi. Voilà, au revoir. Au revoir. Ah merde, on est sur une... On termine sur du négatif. Mais oui, c'est... Ah, c'est on aurait dû rester sur l'appel d'avant. On aurait dû s'arrêter là. Il y a Lola qui dit mort de rire, genre le gars, il te dit oui. Bah oui, apparemment là. Ah, il est chaud. Bah oui, je vous adore, vous êtes géniaux. J'en profite pour dire que je suis libre pour un plan avec Toff, mais il y a pas de numéro. Ah, c'est dommage. Oui. C'est les gens qui envoient des SMS puis qui assument pas. Bah oui, pour être flash, c'est flash. Jordan qui disait ça par rapport à mon pantalon là pour le snowboard. La photo est sur le Facebook, allez voir et donnez vos avis. Trop swag le flûte, c'est Florian. Dylan qui dit ça défonce ta tenue. Merci beaucoup Dylan. Romain aussi, il faut profiter du ski pour perdre Toff, mais c'est prévu. Ah bah ça va alors. C'est prévu. Et alors Snorky55 qui dit merci pour la série Banshee, mais maintenant je suis comme un con à attendre la saison 2. Oh non, en français car j'ai accroché grave. Il faut pas regarder en français, Snorky jamais. Là. Oh là là. Ça perd de sa qualité. Bah, non, déjà, effectivement, ça perd du charme parce qu'il y a plein de mots qui se transforment parce que pour faire moins violent, etc. Et les voix sont pas terribles. Et puis, bah, ça dépend. Après, il y a des voix qui sont bien, mais c'est surtout que du coup, tu traînes parce que le temps qu'il fasse la saison 2, bah, la saison 2 en VO, elle sera déjà pliée, quoi. Enfin, elle est déjà pliée d'ailleurs. Il reste encore un épisode, non? Oh, là, j'ai un peu. Enfin, j'ai pas lâché, j'ai pas eu le temps de regarder encore, mais je vais m'y remettre là. Là, je pense que je suis. Je dois être à l'épisode 4 de la saison 2, donc je vais enchaîner là 5, 6, 7, 8, là, je pense. Que bien sûr, c'était. Que tu regardes en VO, bien sûr. En VO directement, en ligne, gratuitement et offert sur la télévision américaine. Voilà. Voilà. Câblé. Bien sûr. Parce que j'ai le câble jusque chez moi. Voilà. C'est ça, tu l'as un long fil de l'autre côté. Oui, exactement. Quand j'étais à New York, je suis revenu en bateau, j'ai tiré le fil pour avoir le câble légalement. Johan qui dit moi, j'ai déjà vu un mec skier en short, torse nu. Toff, tu relèves le défi? Oh bon, en plus tu peux, hein. J'irai plus loin, chaud. J'irai plus loin, je le ferai en string, monsieur. Oh, quelle horreur. Mais pourquoi on t'a rien demandé? Parce qu'il faut innover, le mec, il y a un mec qui l'a déjà fait. On lui a rien demandé. Et bien, je mettrai ma bite dans la glace. D'accord. Quelle horreur. Et Nico aussi qui dit vous êtes trop fort. L'amour à la neige. Ouais, merci pour les fous rires, je vous adore, changez pas, bisous. Et le boss Yakov qui dit bientôt les cours, heureusement que Mickaël est là pour remonter le moral. Eh, j'espère que vous allez continuer à nous suivre malgré les cours quand même, hein. J'espère, je peux compter sur vous. Mélissa est de retour avec nous avec son mec qui est jaloux. T'es toujours là, Mel? Oui, je suis toujours là. Okay, très bien. Bah, il y a Laura, il y a Mel. Je vais tourner le film chez vous, chez moi. Si tu veux, Mélissa. Hein. Je vous roule le balcon, voilà, seconde. Cool, ah oui, faudra aller vite quoi. Bah écoute, faut trouver un mec précoce, mais c'est gérable. Laura qui est avec nous de Lyon également, là. Laura, t'es toujours là? Oui, toujours. Bon, très bien, on va se mettre le nouveau. Alors je sais pas si c'est le nouveau, mais il traîne sur internet, je vous en parle depuis 23h. C'est les Daft Punk avec Jay-Z. Alors il y en a qui disent qu'il est déjà sorti depuis 4 ans. Il y en a qui disent que c'est le nouveau single. Donc on sait pas trop, mais on va le mettre. Moi je le connaissais pas perso, donc on va le mettre. Vous nous direz ce que vous en pensez, si vous aimez bien, si vous aimez pas. T'as entendu parler Laura, toi, du nouveau Daft Punk? Enfin, de ce nouveau Daft Punk a priori. Pas du tout, bah voilà, comme quoi c'est peut-être bien le nouveau Daft Punk. On sait pas, on verra bien. Daft Punk et Jay-Z, je vais vous le caler dans quelques minutes. Bon alors Laura, toi tu voulais réagir par rapport à Mélissa qui sort avec un mec hyper jaloux au point de lui prendre la tête tout le temps. Qu'est-ce que tu as comme avis à donner là-dessus? Ben, moi je suis jalouse, hein, donc je vais pas le critiquer non plus son copain, mais si vraiment elle en a marre, elle a qu'à lui dire qu'elle va finir par se tromper, enfin... Moi c'est ce que j'ai fait, j'avais 16 ans, j'ai un mec qui me saoulait mais grave. Ben, je lui ai dit je vais te tromper, je suis partie en boîte, j'ai pris des photos avec des mecs, je lui ai montré, je lui ai dit ben voilà, j'ai les numéros, j'ai les photos, saoule-moi encore et puis ben il m'a encore saoulé mais au moins c'était fait. Et donc du coup tu l'as trompé? Non, j'ai pris des photos avec des mecs qui me draguaient, j'ai pris les numéros et puis voilà. Ah c'est ouais. Tout, c'était juste pour l'énerver. Voilà. Ah ouais, voilà. D'accord, non mais normal. Non mais écoute, bah pourquoi pas. Et alors du coup, ça a changé quelque chose? Bah ça l'a un peu calmé, mais vu qu'il m'avait saoulé, ben... Tu l'as viré? Voilà. Bon, ben j'ai envie de te dire, pas de problème. Alors tu vois ce qu'il faut faire, Mélissa? Voilà, prends-lui la tête. Voilà. C'est ce que j'ai failli faire à midi, mais j'ai pas pu résister, ça m'a saoulé. Ouais, mais bon, il y a... Faire, et puis, hein. Non mais il y a un moment faut que tu montres que tu te laisses pas marcher dessus quoi, faut quand même pas déconner. Attends, il y a aussi Patrick qui est avec nous là de Chassant en Eure-et-Loir. Salut Patrick. Patrick? Non, malheureusement Patrick nous a quittés. Il a été enlevé par des extraterrestres. Bah je ne sais pas. Il y a Philippe également qui est avec nous du Pas-de-Calais. Salut Philippe. Ouais, salut Mickaël. Le sage de l'émission. Le sage, oh merci. Ah bah vu le grand âge Philippe. Oui, merci. Philippe. 60 ans Philippe. Ah oui. Oui. On devrait d'ailleurs lui dire vous. Ah non, oui. Non, non. Monsieur Philippe. Je t'ai interdit de me dire vous. Hein. Monsieur Philippe, comment allez-vous, cher monsieur? Monsieur Philippe, comment allez-vous? Moi, t'es vraiment con, hein. Bon, alors Philippe, t'avais un message. En fait, je voulais réagir par rapport à la jalousie, si tu veux. Parfait. Parce que bon, ben, j'ai vécu quand même, j'ai connu... plusieurs femmes à ton âge. Il a connu la guerre. J'ai élagué, comme tu dis. Non, c'est Polo. Ouais. Ah, Polo, ouais. Et en fait, c'est vrai que de vivre avec quelqu'un qui est jaloux, c'est épouvantable. Mais de vivre avec quelqu'un qui te rend jaloux, qui le fait exprès... Ouais, c'est encore pire, ouais. C'est encore pire. Tu vois, comme la petite qui a parlé tout à l'heure, qui dit, bon, ben... Qui pourrait être ta fille, hein, Philippe, n'ayons pas peur de le dire. La petite fille aussi. Ouais, enfin, son copain, il est parti, elle est partie prendre sa douche, elle s'est remise dans son lit, et puis le copain du copain, il s'est assis sur le bord du lit, machin. Ah ben, le mec, il revient, forcément, il est jaloux. Mais oui, évidemment. Normal. Il a rien à faire dans la chambre, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien à foutre là, même si quand elle s'est habillée, soi-disant qu'il est parti dans l'autre pièce pour dire qu'elle s'habille et tout, ça va pas. Et le pire qu'il peut y avoir dans un couple, c'est que l'autre personne, que ce soit le mâle ou la femelle, il rend jalouse là où il sonne. Non mais c'est vrai, et mais c'est oui, vrai, il y a raison. Des situations qui portent à la jalousie. Ah bah oui, hein. Il n'y a pas pire pour se venger d'une personne de rendre jaloux l'autre personne. Alors l'autre, elle est complètement déphasée, elle est complètement cinglée, alors elle est là qu'elle pète des plombs et tout, alors que t'as rien fait en fait. Mais seulement t'as tout fait pour la rendre jalouse. Exactement. Ou le rendre jaloux. Voilà. Voilà ce que je voulais intervenir. Ça c'est sûr. Ben voilà, écoute, je pense qu'on a... Attends, on a peut-être récupéré Patrick là. T'es là Patrick ? Non, bah attends, on va récupérer. Bon, Philippe, Laura et Mélissa, bah du coup, restez tous là. On aura Kevin pour parler de YouTube et puis on va essayer de récupérer Patrick d'une manière ou d'une autre. On va se mettre le son de Daft Punk maintenant là, du coup. Alors, Daft Punk avec Jay-Z et le titre, c'est. Comment c'est oublié encore ? Computerize. Ah, bah, il va le dire. Bah, en même temps, il le dit, effectivement. Et donnez vos avis, hashtag Mickaël. Bah, arrête-le, je suis en train de parler dessus. Hashtag Mickaël, donc maintenant, vous nous dites ce que vous en pensez. Vous l'aimez pas. Ce, entre guillemets, nouveau single, puisque, comme je le disais, il y en a qui disent que c'est déjà sorti. Enfin, que ça a été fait il y a 5 ans, d'autres qui disent que c'est le nouveau titre des Daft Punk avec Jay-Z, donc moi je le connaissais pas, on se le met maintenant, vous me donnez vos avis, on en parle après, c'est parti, Daft Punk, Jay-Z, c'est Computerize. Et voilà le nouveau, enfin le single des Daft Punk avec Jay-Z, comme on dit, je sais pas si c'est un nouveau ou pas, peu importe. Il y a le De Coco qui dit il est bien, ce sont quand même la Heroine qui dit cool le Daft, Drakit et c'est un putain de son, je kiffe ou je bifle, et merci Drakit. Serge également largement inspiré par la bande son de Strong Legacy, Computerized, et puis DJ Daminou qui dit c'est du Daft Punk, moi perso j'adore les mélanges de genres. Ah bah là pour le coup t'es servi. 23h, 2h. Fuck Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Il y a Polo contre le reste du monde qui arrive dans quelques minutes. Si vous voulez participer, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Vous pouvez parler de ce que vous voulez pendant les 5 minutes où il y a Polo contre le reste du monde. Une émission à votre écoute, une émission qui vous tend la main. Une émission qui vous tend la joue. C'est vrai. Pour que vous puissiez tendre l'autre joue et ainsi de suite. Vous mettre des baffes dans la gueule. Une émission psychologique. C'est ça. Une émission intéressante. Douce et amoureuse. Exactement, une émission... culture. Ah c'est oui. Ça. Voilà, c'est une ça. Une émission Polo tendresse, une émission oui. Douce. Complètement. Ouais. C'est ça, Polo contre le reste du monde. Il y a le De Coco, il est bien, le son quand même. Yaku aussi, Kioni qui dit salut toute l'équipe, je suis nouvelle. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Bah évidemment, Kioni, alors avec plaisir. Voyons. Alors, merde, attends, je fais de la merde. Tu es un enculé. Voilà, j'ai même un autre. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà. Bon, bah voilà. Gros bisous à toi et merci d'écouter Fun, Kioni. C'est moi qui ai envoyé le SMS disant que je suis libre pour un plan avec Toff. Pourriez-vous lui transmettre que je me suis branlé sur lui plusieurs fois? Bisous. Oh, c'est trop gentil. Bah voilà. Nes qui aime bien le son également, tant mieux. Et Lola qui dit oui, on va continuer à t'écouter, t'inquiète. Ah bah merci beaucoup Lola, me voilà rassurée. Alors, on va récupérer tout le monde. Ah oui, il y a du monde. Il y a Kevin qui est avec nous de Lisieux, en Basse-Normandie. Salut Kevin. Salut. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ah, on est passé juste à côté ce week-end, Kevin. On était en Haute-Normandie, on était au Havre. Ah bah c'est quand même long. Ah oui, oui, non, bah d'accord. Mais enfin, c'est moins loin que le... C'est moins loin que New York. Ouais, ou que je sais pas, Marseille. Ou que Marseille. C'est hein, clair. Finalement. Bon, alors, toi Kevin, tu voulais parler des youtubeurs. Tu fais des vidéos toi ou t'aimes bien Ouais. Je commence à faire des vidéos. Tu fais quoi comme vidéo? Je fais des vidéos gaming, notamment des let's play. Des quoi? Des let's play, c'est des... en fait, toute l'histoire d'un jeu, et d'autant plus ce que je fais de particulier, c'est que je fais le jeu à 100%, donc pour ceux qui sont bloqués à des endroits, je les aide. Ok, d'accord, très bien, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc en fait, tu les aides à passer les... C'est chiant quand même, parce que quand t'as un jeu, si t'es bloqué, c'est ça qui me... Quand je jouais avant, c'est ça qui me rendait ouf, je devenais complètement hystérique parce que j'arrivais pas à passer. Mais au moment où tu passes, waouh, c'est cool, tu vois, ça fait plaisir. Si au final, tu vas trouver des solutions sur Internet, c'est comme, tu sais, avant, tu mettais des codes et tu passais des trucs, bah c'est ouais. Ouais, mais non, c'est pas les étapes du jeu, en fait, c'est des choses, genre des artefacts à récupérer dans les jeux pour c'est avoir les trophées à 100% ou d'autres choses comme ça. Ouais, d'accord, mais comme je dis, c'est bien d'y arriver par toi-même, non? Enfin, je casse pas ton business, hein, c'est pas ça, mais... Non, t'inquiète pas. Non, mais ouais, si, t'as toujours envie au bout d'un moment, tu sais, au bout d'un moment, quand t'y arrives pas, d'aller demander à quelqu'un s'il peut pas te filer un coup de main. Ouais, non, oui, mais bien sûr que t'as envie, mais de là à le faire, je sais pas. Et ça marche bien? T'as combien de fans sur ta page? Pour le moment, je suis qu'au début, donc je suis à 126 abonnés, et c'est pas énormément. Ah ouais, c'est pas énorme, non, c'est vrai. Mais c'est un bon début, hein, bah c'est ouais. Un bon début. Hein. Bah profite-en, ouais, fais la promo, t'es à l'antenne, alors du coup, comment on fait pour retrouver ta page? Bah c'est Kiva 5 Rose You, normalement je suis dans l'historique YouTube, vous avez juste à t'appeler K-E-V-A et normalement il y a K-E-V-A 2S 191 et You. D'accord, ok. Alors, attends, t'auras pas pu trouver un nom un peu plus compliqué encore? Bah en fait j'ai inventé ce pseudo quand j'étais gamin parce que je cherchais un nom complet et bah je suis tombé sur ça et puis voilà. D'accord, ok. Bon donc si on tape K-E-V-A sur Google, on tombera sur toi directement. Non, il faut taper un peu plus, hein. K-E-V-A 2S et après tu le trouves. K-E-V-A 2S sur Google et vous tomberez sur la chaîne YouTube de Kevin, c'est ça? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, très bien. Bah du coup on va t'ajouter aussi comme ça on sera dessus. Et puis puis les autres, bah allez-y, hein, si vous êtes en égo de jeux là, mais tu fais tous les jeux ou c'est des jeux en particulier? Bah il y a des jeux en particulier comme il y avait du Call of Duty à l'origine, sauf que j'ai abandonné. D'accord, là, maintenant mec, si même toi t'abandonnes, comment on se fait alors? Bah en fait c'est qu'il y a eu, en fait j'étais pas sûr de ce que je voulais faire au début, mais maintenant je me lance dans les let's play. Au début c'était juste des vidéos délire comme ça. D'accord. Maintenant je fais des let's play, c'est sur The Last of Us notamment. D'accord. Chapitre 1 et chapitre 2, bientôt chapitre 3. Bien entendu, évidemment, tout à fait, oui. Parfait. Bah écoute, merci Kevin alors. Hein. Donc Keva 2S sur Google pour retrouver son, son compte YouTube. Ouais. C'est 191 et YOU, c'est tout, c'est con. Bah c'est con, mais il faut quand même le taper quoi. Allez, je m'abonne. Bah voilà. Bon, bah merci à toi ça Kevin. Est, je suis abonné. Pas de soucis. Allez, à bientôt Kevin, merci d'avoir appelé. Salut, ciao. Bon, on récupère Mélissa et avons-nous Patrick? Oui. Ah, eh ben voilà, Patrick est à retour. Salut Patrick. Salut. Bon, Mélissa nous avait appelé, son mec est jaloux. Laura nous avait appelé parce que bah elle aussi est jalouse, hein, en même temps. Hein. Et puis Patrick, toi tu nous appelles pourquoi par rapport à la jalousie? Certes, mais pourquoi exactement? Parce que moi je l'ai vécu pendant 20 ans avec une femme jalouse. D'accord. Et elle m'en a vraiment détruit la vie. Enfin ma vie et puis mes enfants. Parce que j'en avais perdu mes enfants. Je les ai retrouvés à la DAS à cause de ça. Ah putain. Et j'ai retrouvé aussi j'ai perdu des places de boulot à cause de ma femme. Ouais, parce là. Que j'avais des places de boulot à 2500 € net par mois. Et tellement jalouse et ben que le patron il en a eu ras le cul. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ah ben, monter dans le camion, à regarder s'il n'y avait pas d'autres nanas, l'appeler mon patron, il me l'appelait pour demander que je fasse un détour, et ben refuser, a dit mon mari, il est pour marier avec vous, il rentre, c'était que des conneries comme ça. Ouais, ah, quel barré. Mais bon, moi, ce que je dis, faut pas qu'un... S'il commence à être jaloux, faut qu'elle gère tout ça. Ah ouais, c'est clair. Elle le dégage que... direct. Et voilà. comment tu t'en es sorti toi? Tu t'as divorcé ou? Ben j'ai divorcé, j'ai récupéré mes enfants, je les ai sortis de la DAS, c'est moi qui ai la garde. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, je suis à la recherche d'une femme et puis reconstruire ma vie avec mes enfants et puis dès que je vais retrouver quelqu'un d'autre, et ben voilà, mais bon, c'est difficile parce qu'on a du mal à s'en remettre quand même. Ah bah tu m'étonnes, t'es resté avec elle combien de temps? 20 ans. Oh là là, pendant 20 ans t'as subi ça? Pendant 20 ans j'ai subi ça, mais après c'est une histoire d'habitude, hein. T'essayes toujours de rattraper le coup, mais arrivé à un moment, au bout de 20 ans, tu te dis stop, t'arrêtes les conneries. Hein. Ah quelle horreur. Je travaillais dans des boîtes de transport, des bons salaires, et j'ai tout perdu à cause d'elle. Hein. Ah ouais, mais t'as retrouvé là? Là j'ai retrouvé du boulot, ça va faire 4 mois. Bon bah, mais super. Bon, ça va, c'est super, voilà. Bon bah c'est cool. Et quoi, bon, toujours dans les camions? Voilà, toujours dans le transport routier, voilà. Bon, okay. Le seul problème, c'est maintenant, il n'y a plus de femme, il doit faire la vaisselle lui-même, quoi. Ouais, ouais. Voilà, aujourd'hui, je gère mon boulot, mes enfants, et voilà. Bah, du coup, maintenant, tu peux enfin mettre le calendrier de cul dans la cabine. Voilà, après tout, non, même pas, parce que tu sais que maintenant, j'ai même plus... C'est ce qu'il me dit, ça. J'ai tellement été dégoûté de ça qu'aujourd'hui, tu vois, t'es même pas... Bon, t'inquiète pas, ça va revenir. Ça va revenir, suis loin de là. Ouais, tu vas nous ramener une petite ruche pendant tes transports, et puis on en parle plus. Voilà. Voilà, on essayera au moins. Mais oui, exactement. Ouais. Je ramènerai une atof au pire. Voilà, avec plaisir. Exactement. Ouais. Bon, ben voilà, Mélissa. Oui. Et t'as des questions à poser tant que Patrick et Laura sont là ou pas? Non, mais en tout cas, je vais dire un truc à Patrick, il retrouvera le bonheur, je suis sûr. Bah, ben, c'est oui, mignon. Moi, c'est ce que je dis, qu'elle s'embête pas avec un mec comme ça, parce que moi, j'ai vécu ça pendant 20 ans, et je sais que quelqu'un de jaloux, et puis après, ça peut devenir mais méchant, parce que même moi, la nuit, j'endormais, j'en avais peur, elle était devenue violente et tout. Oh là là. Mais ouais, c'est une catastrophe pour moi et mes enfants, voilà, c'était aujourd'hui. Juste par curiosité pure, elle devient quoi, cette femme? Bah, maintenant, bah, elle a retrouvé, elle a reconstruit une vie, alors elle a fait le même cirque avec un monsieur que, qu'elle s'était retrouvée, alors il l'a refoutu dehors. Oh là et là. Cette dame-là, bah, elle a retrouvé quelqu'un, mais comme ils sont tous les deux au chômage et limite SDF, et ben, bah, ouais, alors moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, ben, bah, moi, j'ai 5 enfants, elle s'en est même pas occupée parce que le dernier, moi, je l'ai élevé tout seul, il avait qu'un mois, un mois et demi de, enfin, 18 mois quand il est parti, elle est partie. Ouais. Et, tu vois, aujourd'hui, il en a 7 ans et je galère avec mes enfants depuis. Ah bah ouais, ben, bah, 5, tu m'étonnes que tu galères. Dis donc. Mais bon, voilà, aujourd'hui, elle paye pas de pension alimentaire. Je me retrouve avec 35 000 euros de dette parce qu'elle avait fait des dettes partout. Avec des salaires de 2500 euros, bah, elle n'arrivait pas à payer les factures. Bah, tu me demandais comment ça se faisait. Bah, en fin de compte, elle faisait des crédits puis que des conneries pendant que tu étais au boulot. Voilà. Mais quelle angoisse. Eh, t'as vu, Mélissa? Bon, alors, t'en es pas là encore, évidemment, et ça n'est pas bon, dit voilà, que ça va arriver là. Mais... C'est pire. Encore ouais. Voilà, aujourd'hui, il faut peut-être qu'elle, qu'elle réagisse avant qu'il soit au pire. Voilà, parce que exactement, ouais. Voilà, aujourd'hui. Bon, et eh ben, eh ben, merci beaucoup, Patrick. Bah, de rien, bonne soirée à vous. Moi, vous voyez, moi, ça y est, la journée est finie, je rentre chez moi me coucher. Bon, bah, nous aussi, la journée est finie, on va rentrer chez nous se coucher aussi, tranquille. Eh ben, bonne nuit à tout le monde. Bon, ben, bah, ça roule. Salut, Patrick, merci à toi et courage. À bientôt. Merci, au revoir, bientôt. Ciao, Patrick. Bon, bah, Laura et Mélissa, bah, merci à toi, Laura. Mélissa, bah, gros bisous et tiens-nous au courant. Hein. Ouais, et puis juste pour faire un petit dédicace. Eh ben vas-y, Mélissa, une seule personne, choisis la bonne. Bah, à Jean, puis j'hésitais, sodomise un panda au passage. D'accord, bah sodomise qui tu veux, Mélissa, sans problème. C'est bizarre. Salut, ciao à toi, à bientôt, bye bye. Il y a des gens qui ont des pratiques étranges. Oui, particulières, effectivement. Gros bisous, Laura. Mickaël ? Oui, Laura. Il y a moyen que je snappe un petit cadeau ? Mais oui, tu vas pouvoir retrouver un pack fun, Laura, je te fais des bisous. Bah, merci beaucoup, passez une bonne soirée. Ciao à toi Laura, bye bye. Tiens, il y a un truc auquel j'ai pensé, ce serait quand même hyper cool que demain quand on part de la radio, quand on part de Fun pour aller au ski vers Grenoble et puis Orcières en finalité, il y a des motards qui nous ouvrent la route. Justement, je trouve que c'est une super bonne idée. C'est qu'on faire caca tous ensemble avant. Non mais qu'on ait les flics devant et derrière, comme ça on est en mode sécure et hop, et comme ça on peut tracer. Ouais, mais ils sont où les flics? Bah, je sais pas. Ah d'accord. Ils sont au coin de la rue là, il suffit de leur demander hein. Non mais on a qu'à leur faire des gros doigts et on Ah ouais, là ils vont nous ils vont pas nous ouvrir la route, là ils vont nous la fermer. Là, tu vois, ça c'est... vous dit pas avant de partir, on fait caca tous ensemble. C'est génial. En communion. Ouais, c'est des délires bizarres. Ouais, t'as des délires vraiment bizarres. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et il y a Polo contre le reste du monde qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio pour participer. Deux numéros, enfin un pour la France, un pour la Belgique. 01 42 48 5000 pour la France, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Polo contre le reste du monde, c'est dans quelques minutes sur Fun Radio. Et on l'avait promis en début d'émission également, le son de Rebel tout de suite, Rebel avec Black Pearl. C'est maintenant, il est 1h58, bienvenue sur Fun. 23h, 2h. Mickaël, No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Yes, dernière ligne droite de l'émission sur Fun Radio. Avec dans quelques minutes le top tweetos, évidemment. On aura donc le nom du gagnant. On aura le générique de fin, évidemment, comme d'habitude. Et puis il est l'heure, même un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. 2h02, on se fait Polo Against the Rest of the World. Bienvenue dans Polo Against the Rest of the World. Vous êtes toujours sur Fun Radio. N'hésitez pas à appeler. Et remplissez-moi ce putain de standard afin que je puisse m'exprimer, vous parler un peu et rejoignez l'armée des doux. Car si tu es doux, petit et doux, tu es avec moi. Anatomie, je t'écoute. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Ouais, Polo. Ouais. Oh, t'es trop mou, allez, casse-toi. Mohamed. Ouais, Polo, tu m'entends? Ouais, n'hurle pas, Mohamed. Ouais, j'ai reçu un mail de ta part. T'as bon? Je comprends pas. Ouais, c'est écrit je t'emmerde. Je comprends pas. Tu peux m'expliquer pourquoi je reçois je t'emmerde. Monsieur, ce n'est pas moi, monsieur. Mais si, c'est toi. Il y avait ton nom, il y avait marqué Polo. Mais non, Mohamed. Mais si, c'était Polo et c'est marqué je t'emmerde. Mais non, pas du tout. Mais écoutez, Mohamed, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je vais déposer plainte au commissariat. Ça sera simple. Mais Mohamed, jamais, je n'ai jamais fait ça. Mais c'est écrit noir sur blanc, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Et attends, je t'en... deux secondes, Mohamed. Julien, le retour. Non mais oh. Quoi, Juju? Pour qui? T'es un peu c'est doux, toi. Pour qui, là? Oh, t'es doux. Ah, c'est pas sérieux. Ah, ça sent le doux, ça. Le jaloux dans Polo contre le reste du monde. Polo? Ouais. T'es où? Bah, je suis là, je suis chez moi. Enfin, je suis sur la radio, enfin, c'est un peu chez moi. Donc, tu sais pas où t'es? Bah, si, je suis à la radio. Tu me mens, Polo? Je suis à la radio. Je n'aime pas ça quand tu me mens. Je suis à l'antenne. Tu me mens, Polo? Tu ne savais pas tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais chez toi. Bah, je suis à la radio. Tu es à la radio ou tu es chez toi? Je suis à la radio. T'es sûr? Oh là là là là là là, Jean-Baptiste. Ouais, salut, Polo. Salut, bienvenue dans Polo. Dis-moi, je t'appelle parce que, en fait, je suis animateur radio et je veux faire des blagues. Vas-y, je t'écoute, Jean-Baptiste. Vas-y, Jean-Baptiste. Bah alors, que se fait un schtroumpf quand il tombe? Je sais pas. Un bleu. C'est bien ou pas? Jean-Baptiste, est-ce que tu crois que j'ai une chance? Jean-Baptiste. Ouais. Ferme ta gueule. Ilan, dans Polo contre le reste du monde. Je t'écoute, Ilan. Allô? Ouais, Ilan. Tu sais, c'est quoi un indien dans une pharmacie? Un quoi? Un indien dans une pharmacie. Non. Un Doliprane. Oh là. Et casse Alexis. Ouais, c'est impossible. Bon, Alexis. Armée des doux en force. Alexis? Ouais. Représente l'armée des doux? Ouais. Ok. Anatomie? Ouais. Et t'es pas en... Ouais. T'as pas une vanne pour lui? Non, allez, casse-toi, t'es trop mou, je te vire. Mohamed? Oui, Polo, ouais. Je vais aller voir ton supérieur sur Fun, je vais lui dire pourquoi, mais c'était rien fait, moi. Pourquoi tu me dis je t'emmerde, je mais t'emmerde, je t'emmerde? Mohamed, je t'emmerde, je t'emmerde. Ce n'est pas moi. Mais si, c'est toi. Mais non, je n'ai rien fait. C'est signé Polo. Mais non. C'est signé Polo, c'est pas signé Mickaël. Ah non, Mohamed, je n'ai rien fait du tout. Julien. Sérieux, je suis avec Mohamed, là. Arrête de mentir, c'est toi qui lui envoie tous ces messages. Oh là là, c'est une conspiration. Le jaloux de retour dans le Polo contre le reste du monde. Bon, admettons, je veux bien croire que tu es à la radio. J'y suis, admettons. Tu peux allumer la radio, j'y suis. Admettons, tu es avec qui? Hein? Tu es avec qui? Bah, je suis avec avec l'équipe. Avec, tu es avec qui? La maman est pas... La maman est pas là avec qui? Le jaloux. Oui, je t'écoute. Tu sais qu'on ne se connaît pas, en fait. La maman est pas... Bon, allez, casse-toi. Jean-Baptiste. Ouais, alors j'en ai trouvé une autre. Vas-y, Jean-Bapt. Ah, c'est une feuille de papier qui avance dans l'eau et qui dit au secours, j'ai papier. Eh, hey, papier. Alors, c'est bien ou pas? Hein? J'ai papier. Tu vois? Papier pour écrire. Papier, j'ai papier. Jean-Bapt. Ouais. Tu fais de la radio ou tu veux faire de la radio? Là, j'en fais déjà, là. Je fais, bah, on m'a foutu au placard, hein, mais parce que... Mais j'essaye de revenir. Ilan, dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Tu peux envoyer une corde et un tabouret pour Jean-Baptiste? Vas-y, mais envoie lui. Ah, c'est cadeau. Merci, Ilan. Alexis. Jean-François. Vas-y, Alexis. Jean-François. Vas-y, Alexis. Vas-y. Jean-François. Vas-y, Alexis. Vas-y. Jean-François. Vas-y. Vas-y, Alexis. Alexis, vas-y. Vas-y, allez, casse-toi. Allez, on termine ce Polo contre le reste du monde. Mohamed. Oui, bon, écoute, je vais pas porter plainte contre toi parce que je sais que tu vas retirer les gens. Je t'emmerde, je t'emmerde. Je... S'il te plaît, retire les je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Je t'emmerde, je t'emmerde. C'est possible? Polo, je t'emmerde. Allez, Mohamed. Ouais. Tu repars avec un pack fun. Jean-Baptiste. Allô? Ouais, Jean-Baptiste. J'en ai une dernière. Vas-y. Pourquoi les pêcheurs sont-ils maigres? Je sais pas. Bah parce qu'ils surveillent leur ligne, c'est la ligne. C'est drôle ou pas? Eh, je peux te demander un truc? Tu peux mettre, c'est mon titre préféré, Magic System. J'adore le nouveau, c'est trop chambé et tout, moi je danse dessus tout comme un dingue. Ah, je suis trop fan. Bon. Tu peux tous les mettre. D'accord, Jean-Baptiste. Ouais, bonne chance. Allez, casse-toi. Ilan, on termine. Conclusion. Jean-François. Allez. Jean-François. Vas-y, Ilan. Allez, casse-toi. Alexis, on termine. Quelle est la population où il y a le plus d'aveugles? Je sais pas. Les Ivoiriens. Oh là là, les dégâts. Mais c'est quoi? C'est un spécial 22 merde, là. Je vous interdis de venir faire des blagues dans mon émission. J'ai payé c'est chèrement. Pas une émission drôle. Je paye chèrement cette minute. J'en étais où? Julien. Eugène. Julien! cousine. Allez, casse-toi, Mohamed. Je te dis pas je t'emmerde, Polo. Je te dis, je te souhaite merde. Je vous souhaite tous merde. Allez, merci Mohamed, ciao. Et pour terminer, le jaloux. Tu as essayé de m'esquiver. Tu as essayé de m'esquiver. Dis-moi la vérité. On dirait Axel Follet dans le film de Beverly Hills. Bon, Axel Follet. Je ne suis pas avec tes amis, tu es avec qui? Axel Follet. Je ne suis pas Axel Follet. Bon, on va y aller, le jaloux. On va où? On y va. Eh ben tu rentres à la maison, tu te plaît. Allez, casse-toi, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde, émission qui est en train de prendre de l'ampleur. Ah bon? Nous sommes trois à l'écoute. Ah oui, c'est vrai, on est quatre maintenant, attention. Ouais, on est quatre, ah allez. Oui, c'est du lourd, c'est du ça lourd. Ça se termine, très, merci très lourd. Bon, bah très bien, on revient demain, nous, évidemment, en pleine forme, avec vous toutes et vous tous. Merci à tous ceux qui ont été connectés ce soir, à un moment ou à un autre, voire même pendant toute l'émission sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Et puis, on va également, surtout maintenant, faire le top tweetos. On va enfin savoir, on va enfin connaître le nom du numéro 1. On va commencer donc par le numéro 5, évidemment. Hein. Numéro 5 dans le top tweetos, celui qui aura été le cinquième plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël et autre que... Fredes34. Ah, numéro 4. Vive les sodomies. Numéro 3. Drakit. Numéro 2. DJ Roms. Et numéro 1. Elliot. Elliot, très bien. Alors je rappelle que Elliot a déjà gagné ou pas? Ouais. Oui, Elliot, il me semble bien, mais il je crois déjà gagné. DJ Roms aussi, Drakit aussi. Vive les sodomies peut-être. Ah ben voilà. Bon, en tout cas, on prend le premier qui n'a pas encore gagné, évidemment, pour faire tourner un peu. On va pas filer 150 sextoys à tout le monde, évidemment. Ça, faut bien faire tourner. Qui repart exactement avec un sextoy offert par Passage du désir.fr. Évidemment. On reviendra donc demain avec un nouveau top tweetos. Et puis, on va se faire péter le générique de fin. Là, ouais. Ben, c'est parti, on y va. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, off te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. De bites, allez vous faire enculer profondément. Ferme ta gueule, dis con. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Tu es un enculé. On va faire chier ta meuf, là, on cule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Épilez vos poils de cul. Quel cochon. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Oh, espèce de gros enculé de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pit-top, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà, et une bonne faute fête ce soir. Et pas mal comme quoi tout arrive. Allez, je suis à côté de JB, touche la bite depuis tout à l'heure, c'est génial. C'est ça qui t'a motivé certainement. Bon bah merci en tout cas à Maxime, il y avait Adrien, il y avait Benjamin, il y avait Félicia, Thomas. Alors râlez pas pour ceux que je n'ai pas l'occasion de citer. Ils avaient envoyé tellement de messages que je ne peux pas non plus tout citer. Et c'est bien de terminer l'émission en top tweet en plus. Merci beaucoup pour tout. Bah, vous avez été tellement, je suis entre Deco et Messi. Oh quelle horreur, en plus j'aime pas Messi moi. Bon bah tant pis, note, j'aime pas Deco non plus. Mais enfin bref, bon je suis dedans, on va pas se plaindre non plus. Ouais. Bon, merci à Léa également qui était là. Il y avait aussi Wargaming, il y avait DJ Daminou, il y avait Mystique qui dit on est en top tweet. Ouais Mystique, merci beaucoup. Il y avait Antonin également qui était connecté, Fredes34 bien entendu, le prince Nadia. Il y avait également Arthur, il y avait qui d'autre aussi, il y a Amel15 qui était là. Et d'ailleurs je tiens à saluer Amel15 qui a collé un sticker ce qu'on lui a envoyé sur sa poitrine. Ah oui, voilà. Ah, c'était beau, j'ai beaucoup adoré. Ouais, très bel endroit. Américain, j'adore me retrouver à cet endroit-là. Mickaël Apéro aussi qui dit en fait il manque la mascotte Jean-François mort de rire. Vous l'invitez au ski avec Vanessa et Cristal? Non, pas là. Jean-François. Et DJ Roms qui était là, Tom, vive les sodomites, Cédric qui était connecté aussi. Il y avait Solène, enfin bref, il y en avait plein. J'ai pas évidemment pas le temps de tous vous citer, mais merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux tous les soirs à écouter l'émission. 23h-2h, vous connaissez l'habitude maintenant. Enfin, vous avez pris l'habitude et vous connaissez l'horaire. Et puis le dimanche de 20h à minuit sur Fun Radio. À demain pour la dernière. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my god! Mickaël. No limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, 2h12 sur Fun Radio. L'heure du crime. Pourquoi? Bah parce qu'il y en a, on va finir par tuer un mec d'ici, en général, à mon avis. Alors 2h12, comme ça, il y a des moments où il nous prend comme ça l'envie de tuer l'animateur. De meurtre. Trop de vannes. Je trouve que j'en fais pas assez en ce moment. Ah bon? depuis tout à l'heure, j'essaie d'en réfléchir. D'en réfléchir. Ça va, Polo. Il y a eu Jean-Baptiste dans Polo contre le reste du monde qui lui était très inspiré. Ouais, et il avait les Magic System. J'adore ce mec. C'est dingue. C'était fou. Bah, c'est pas moi, c'est dans l'émission de Polo. Polo, présente-moi tes auditeurs. Écoute, prends-le, il est dans le standard. Un mec qui fait des vannes et qui kiffe les Magic System. Quel beau gosse. C'est ça. Il doit pas y en avoir beaucoup. Ah non, ça c'est sûr. Bah, mais quel beau gosse. Enfin, bon, bah. On met Magic System aujourd'hui ? Non. Quoi de prévu donc aujourd'hui ? Allez, s'il te plaît. Quoi de prévu ? Et je vous fous. Non, c'est pas dans la prog. S'il te plaît, un petit peu. Je respecte la prog. Attends. Si tu prends une couille de toffe et tu la mets en bouche comme ça, tu la retires, c'est comme ça. Et tu fais quoi ? J'en mets 3 d'affilée. Non mais une couille de top, mais vous êtes malade quoi. Tu la mets en bouche. Voilà. Mais Sandro elle fait attends. J'en mets 2 d'affilée si vous vous touchez la langue. Ah non, tu peux non, pas le faire. Ah, c'est vite fait, JB. Et j'en mets 2. Mais deux. Non, mais cassez-vous, moi je mets Magic System si je veux après. Hein. Non, t'as pas le droit. Non, parce que t'as pas le droit, moi je te balance. Mais si, mais je m'en fous. Je te balance. Et les gars, numéro 1 la nuit, je fais ce que je veux. Je sais ce qu'il faut faire pour faire de l'audience, les gars. Ouais. Et je vais vous apprendre à la radio, c'est bien pour ça que t'es la nuit. Bon, Magic System. N'oublie pas que tu es un ancien de nos fans. Une photo. Non. C'est vrai. Oui, il était venu nous voir quand il était tout petit. Il était tout petit, il était là avec les cheveux longs encore. J'étais à l'école. Ah oui, il était à l'école. Bah, retourne aux îles. Bon, donc pas de bisous à Toff. Non mais regarde, t'es pas pareil et tout hein. Regarde, Toff il est dans son siège, il attend la réponse. Non mais Toff on fera pas de bisous. Mais regarde, il écarte les jambes, et c'est dégueulasse. Mais je préfère embrasser Polo ou Mickaël que Toff. Bah vas-y sur Polo alors. Vas-y avec Polo. Non, moi je veux pas que c'est des Jean-Jacques, pas de risque hein. Allez Polo. Non, embrasse Toff, moi j'aime pas ça moi. Allez. Non. Sois fun. Bah je suis fun. Non, pas de ça avec c'est moi. C'est dommage parce que regarde, ils sont là. Magic in the air. Allez, bah viens alors. Mais embrasse Toff. Bah avec Toff. Non, mais je veux pas Toff, j'en ai marre de Toff les gars, je vous le dis, je overdose. Allez. Feel the magic in the air. Oh là là, il est en kiff hein, tu le vois. Oh là là, comment il est en kiff, c'est horrible qu'il soit en kiff. Mais alors, vas-y mollo. Ça c'était vas-y mollo. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette musique. C'est génial. Allez hop, on y va. À demain tout le monde. On revient à partir de 23h. On revient demain à partir de 23h. Ça va être génial. Dernière avant mon de partir. Micro. Allez, tais-toi. Ça, j'adore avant de partir aussi. En vacances là, enfin en vacances, en week-end plutôt. C'est Route 94 maintenant. Route 94. Ah, c'est oui. My Love sur Fun Radio. My Love.